écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Pendant que vous prenez l'eau, d'autres peuples, puisque vous êtes assis, prenez l'eau. Je suis avec votre service, je suis là pour vous aujourd'hui. Posez seulement votre question. Ça va, la fille? Tu veux prendre un peu de... Si vous laissez là que 5 minutes pour partir, d'autres vont partir, vont plus revenir. Devez-le vous rester là-bas. Allons-y, continuons avec les questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Vous voyez que toutes les questions de la Bible, on les répond dans la Bible, pas vrai? Voilà, posez donc toutes les questions. Je suis à votre service. Oui. J'aimerais revenir sur 1 Jean chapitre 4, oui. Le premier verset que tu as cité tout à l'heure. Oui. J'aimerais que tu nous éclaires pour l'aspect examiner ou sonder la prophétie. Mm-hmm. Qui le fait, mm-hmm, et comment on le fait. Mm-hmm. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. En tout cas, dans ces 1 Jean chapitre 4. Je n'ai pas suivi du tout. Ok, donc ça veut dire que tout le monde ici a la maladie de parler à basse voix. Bon, je répète ma question. Là, vous me suivez? Oui, oui, c'est compris. Pendant qu'il développait tout à l'heure, il a cité 1 Jean chapitre 4, premier verset. Alors je voulais savoir qui examine ou sonde la prophétie. Et après, ça va répondre à la question comment est-ce qu'on le fait. Voilà. Si on est en assemblée, on voulait comprendre comment ça marche. Voilà. En tout cas, vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas dans ces passages-ci qu'on parle d'examiner les prophéties. Mmh. Je vais encore réciter le verset. Vous pouvez vérifier dans vos saintes écritures. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent des dieux. Donc vous voyez que c'est autre chose par rapport au prophète. C'est dans le livre d'un Thessalonicien qu'il est dit donc qu'on doit quoi? Examiner les prophéties. Donc on peut répondre à la question qui le fait. 1 Corinthiens, notez 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 à 29. Notez cela, notez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 3. Chapitre, vous pouvez noter chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. Et puis, c'est 1 Jean chapitre 4 dont nous avons parlé. Il y a des enseignements concernant cela, vous pouvez seulement les récupérer, écoutez, parce qu'on en a traité éprouver les esprits. Une nécessité. S'il y a une époque, il faut examiner les esprits, c'est maintenant. Le fait que les gens ne lisent pas les saintes écritures, ils vont seulement dans les mains. Vous voyez les gens, on leur vend l'huile. On vend, ils achètent le jus de raisin là où vous venez quoi, manjunga. On met des petits trucs de folerie. On met là-bas, on met les trucs là-dessus, on vend, c'est le sang de Jésus. Même l'eau. On peut vous acheter. Donc, ça veut dire que par exemple, vous avez du mal du dos. Vous avez tellement souffert que vous voulez que la guérison vienne. Vous allez chez le pasteur. On dit à sa serviteur qu'inscris-toi là-bas, tu es inscrit. On dit qu'il y a la bouteille, pendant que tu t'inscris, on te donne une bouteille de 2000. C'est 2000. La bouteille de coûte 2000. Vous achetez 2000, vous avez mis l'inscription, on vous accueille, vous entrez dans son bureau, vous parlez ce que vous faites, 5000, c'est combien, maman? 5000. Je crois que vraiment. Selon ton âge. Ah, c'est 30 ans, 30 minutes. 30 ans, 30 minutes. Donc tu as intérêt à avoir moins d'âge pour entrer là-bas, pour ne pas vite trop dépenser. 30 ans, 30 minutes. Bah, ils disent que c'est pourquoi là? Pour acheter. Continuons, laissez-moi continuer. C'est vous avec le pasteur, c'est votre problème. Alors tu t'assois là-bas, le pasteur sort solution de Jésus. Il y a le sel dans un truc, tu prends celle-ci. Tu prends cette eau-ci, ce mouchoir-ci. Ouais. Tu donnes l'argent, tu finis, tu inscris, tu sors, on dit suivant. Donc ça veut dire concrètement, en quittant de chez toi, tu es allé chez Dieu, tu as acheté ton miracle. C'est ça, non? Tu as acheté ton miracle. Quand tu veux manger maintenant la nourriture, tu fais un peu une goutte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et quoi? Tu fais? Ça ne donne pas. Quand ça finit, tu prends encore rendez-vous, n'est-ce pas, mes frères? C'est-à-dire que l'argent n'était pas suffisant. L'onction de Dieu n'était pas suffisant parce que l'argent n'était pas bien suffisant. Donc tu prends encore rendez-vous, tu fais le même processus. Il dit qu'ok, il faut acheter d'autres doses. Tu vas acheter, vous rentrez, vous le faites. Que Dieu vraiment vous bénisse pendant que vous le faites. Qu'il vous bénisse, d'accord? Il vous bénisse vraiment. Il ne peut pas savoir comment on peut avoir la Bible et faire exactement le contraire. Un mouchoir que quelqu'un achète au marché, il vient, on dit que non, c'est 500. Il achète à 100 francs, vous dites c'est pourquoi? Une seule onction qui est dedans. Ah, mais le vrai problème, c'est qu'ils vont prendre Actes d'Apôtres chapitre 19. Lui, qu'on a imposé les mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre pour sur des malades et des esprits sortaient du corps. Mais ils oublient de vous dire que ces voleurs-là, il n'y a pas nulle part les traces où on vendait. On dit qu'on prenait, on l'envoyait aux gens et ça guérissait les gens. Mais eux, ils font pour eux, ils vendent. Donc vous voyez qu'on prend la Bible et on ne sort pas l'argent. Jésus en envoie les disciples dans Matthieu chapitre 10, ça dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ont dit que non, c'est pour les pauvres là. Pour les pauvres, si les temps sont durs, pour soutenir le ministère. Que Dieu vraiment vous bénisse. Allez toujours continuer. Alors, pourtant, la Bible nous déclare ici, et je vais le citer dans la précédente question que je suis en train de répondre, que si un homme vient vous annoncer un autre évangile, autre que je vous annonce, qu'il soit anathème. Notez Philippiens chapitre 3. Quand vous voyez la foule aller, les gens, les témoins, on manigance des miracles, enfin, les témoignages à la télévision pour pousser les gens, que les gens viennent. Ah, j'avais le fibrome, c'est sorti. Vous pouvez bien voir les photos. Que ce soit vrai. Mais la Bible déclare en 2 Thessaloniciens chapitre 2 que quand l'impie va venir, il va égarer les gens par la puissance des miracles qu'il va faire. Non, mais avant qu'il ne vienne, il y a des hommes qui sont sur la terre qui vont avoir des miracles extraordinaires venant de Lucifer. Mais la différence qui sera entre ces miracles et les miracles que Dieu sera au milieu en train de faire, c'est que vous allez observer que la parole de Dieu n'est pas respectée par ceux qui sont de fabriquer les miracles mensongers du Satan. Parce qu'il ne peut pas respecter la parole. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, regardez dans ce livre de Philippiens, chapitre 3. Vous avez ouvert. J'ai demandé aujourd'hui de noter 1 Corinthiens, chapitre 14. Verset 26 à 28. Notez, on va y revenir. Lorsque ça sort, on va retrouver ce qui se dit là-bas. Dans Philippiens, chapitre 4. Enfin, chapitre 3. Philippiens, aide à trouver. Quoi que désormais, il va seulement vous noter ici ce qui est écrit là-bas, vous allez en venir chercher parce que si on attend seulement que chacun personne ouvre ici, on aura le problème. Courage à Philippiens. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Lorsque j'aurai terminé de répondre à votre question, moi je vais vous poser une question. Je n'ai qu'une question à vous poser. Et vous me devez des réponses. Si je pose, vous dites que ce sera la dernière fois. Pas. Je pars. Mais je vais vous poser cette question avant de quitter ici. D'accord? Voilà. Je vais vous poser la question. Vous êtes dans Philippiens là? Oui. Philippiens. Chapitre 3. Oui. Lisons les versets 15, 16. Bon, on va commencer à partir du verset 15. Allons-y. Oui. Oui. Ma version est particulière. Il n'y a pas de problème, ce soit particulier. Elle était particulière. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Continuons, verset 16. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Verset 17, soyez. Soyez tous. Mes imitateurs, frères et sœurs. Stop. Il dit que soyez tous mes imitateurs. C'est Paul qui en a dit. Il dit que les gens doivent être ses imitateurs. Donc ça veut dire que marcher comme je suis en train de marcher. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit que je vous le découvre. Enfin, il dit la même chose encore, que soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Continuons ici la lecture. Et porter les regards en tout seul là, dans ta version si on a dit frère et soeur, oui. Mais en tout seul, on va y arriver. Entoure, il faut entourer. Oui. Entoure mon soeur. Voilà, on continue maintenant. Et porter les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Stop, vous avez entendu? Portez vos regards sur ceux que vous voyez qu'ils ont le même modèle comme les apôtres Paul. C'est ce qui est prescrit des Saintes Écritures. Oui, continuons. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Stop. Vous remarquez donc que si autant des apôtres, ceux à qui Dieu a donné la fondation, le commandement, ou mieux encore, a dévoilé ses desseins d'écrire et de transmettre ça au courant des siècles, si à leur période, il y avait déjà des gens qui étaient là pour contredire leurs propres enseignements et vivre autre vie, autre que celle qui était donnée, à combien faut raison nous qui sommes maintenant. Donc vous voyez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit en effet, il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix, de Jésus. Donc ça veut dire que pendant qu'ils sont prêchés une autre doctrine qui centre les gens sur la croix, sur ce que Christ a fait à la croix, d'autres personnes sont en train de faire autre chose. Et c'est ça aujourd'hui. Continuons. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Donc ça veut dire que l'un des enseignements de Paul était basé sur faites attention aux faux enseignants. C'est après ce qu'il en a dit. Il dit, je vous ai souvent parlé de deux. Et je en parle encore maintenant en pleurant. Pourquoi il pleure? Et effectivement, dans Actes chapitre 20 que nous avons vu là-bas, la Bible déclare que cette nuit-là, il a dû pleurer parce qu'il savait très bien ce qui devait arriver. Quand il a regardé avec cet œil d'aigle là dans le futur, il a vu les docteurs naître au niveau de l'église. Il a dit, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. C'est terrible. C'est terrible, frère. Il dit, je sais qu'après mon départ, quand il va quitter la scène, les loups cruels vont se lever au milieu chrétien. Il ne dit pas que se lèveront de l'extérieur. Il dit, se lèveront de l'intérieur. Nous sommes apôtres, nous sommes prophètes, nous sommes ceci. Mais vous voyez les enseignements qui sont enseignés. Vous êtes surpris de voir un apôtre aujourd'hui contredire l'apôtre Paul. C'est terrible. Et il dit qu'il est à apôtre. D'autres, nous sommes apôtres hors classe. Je ne sais pas quel genre de graduation qu'il a encore eu. Apôtre hors classe. Oui. Big shop. Big shop. Shop, ça veut dire quoi, ma soeur? Shop, ça veut dire quoi? La boutique. Big shop, ça veut dire quoi? Grand boutique. Grand boutique. Voilà. Vous êtes bien. Vous êtes très bien. Alors, c'est ça. Alors. C'est là où nous en sommes. Alors, il dit que je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Pourquoi Paul, l'apôtre, pleure-t-il au sujet de ces gens, ce qu'il a d'enseigner, que faites attention. Donc vous voyez que l'un des grands enseignements du Nouveau Testament, c'est de faire attention aux faux apôtres, amen, aux faux prophètes. En effet, Jésus, notre Seigneur, l'a dit à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pas ça? Pâques, oui ma chère. Amen. Assieds-toi, ma soeur. Sens-toi libre. D'accord? J'ai un petit trouble. Oui. C'est que la parole de Dieu dit, tout d'abord, ma prière est que l'Éternel nous donne le discernement. Amen. Parce que là, maintenant, nous nous rendons. Ce qui me trouble un peu, comme on parle de... Comment je vais dire ça? Je vais être à l'exemple de Christ, puisque... En principe, nous devons aller avec ceux qui prescrivent. Oui. Et c'est ma première fois d'arriver. Je viens pour travailler dedans. Mm-hmm. C'est ma première fois. Je bénis l'Éternel pour l'enseignement que je viens. Oui. Alors, la parole de Dieu nous a annoncé qu'ils viendront, ils parleront, ils prêcheront, ils, oui, feront des miracles en moi. Oui. La même parole de Dieu dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Amen. Alors maintenant, comment faire? C'est là où se trouve dans la limite. C'est là où se trouve la limite. Parce que regarde bien. La Bible dit, ils feront des miracles en mon nom. C'est pour cela que vous voyez, il y a d'autres groupes encore qui ont créé encore du groupe satanique en voulant esquiver les miracles. Le témoin de Jéhovah dit que non, il n'y a plus de miracles. Parce que si quelqu'un fait des miracles, Jésus a dit que s'ils vont faire des miracles en mon nom. Jésus n'a pas dit que tous ceux qui feront des miracles en son nom seront faux. Enfin, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Il a dit que plusieurs personnes viendront faire, ils feront des miracles en son nom. Mais que Dieu ne les... Jésus ne les a pas envoyés. Maintenant, de l'autre côté, donc, les adventistes et toutes les autres personnes disent non, nous ne croyons pas au miracle parce que le temps des miracles est passé, le dernier, après le miracle, le dernier Saint-Esprit. Mmh. Vous voyez, on a un problème ici-là. Vraiment. Mais pourtant, c'est Jésus qui a dit que voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront des démons. Il dit, en mon nom, ils feront des démons, alors, ils chasseront des démons, ils guérissent les malades, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il dit qu'il y a d'autres qui vont faire en mon nom. Alors, la question maintenant, c'est comment on va savoir ceux qui font en son nom et étant authentiques, c'est ce que l'apôtre vient de nous enseigner. Il dit, quand bien nous-mêmes, ou bien une autre personne, annoncerait un autre évangile. Donc c'est les enseignements, parce que c'est voilà la ligne. Tu vois cela? Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La solution est donnée dans les Saintes Écritures. À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines? Non. Nous sommes sur quel arbre ici? C'est quel arbre? Nous sommes sur quel arbre? Nous sommes assis sur les arbres là. L'arbre sur lequel tu es assis, c'est quel arbre, mon français? Le prunier. C'est? Le prunier. Si la papaye sort, ça tombe devant toi, pam! Tu veux prendre bien là, bien d'odieux. Première réaction, ce sera quoi, ma soeur? Tu as douté de ça. Mais tu as soif, tu vas quand même manger. attends, je sais pourquoi ils sont enlevés. Donc tu es sur le prunier. De cette prunier-ci, la mangue sort. Tu prends la mangue, tu suces. C'est ça? Qui sucera cette mangue? Vous voyez que si vous sucez la mangue, c'est que vous avez un problème, n'est-ce pas? C'est que quelque chose ne va pas chez vous. Vous ne discernez pas. Ça veut dire que quelque chose se trouve. Donc déjà, c'est anormal que la mangue soit sur le prunier. C'est ce que Jésus en train de vous l'a dit. Alors maintenant, ça veut dire que, est-ce qu'on peut faire des miracles au nom de Jésus-Christ, n'étant pas envoyé de lui? Oui. Est-ce qu'on peut faire étant de lui, en faisant ce qui est faux d'après sa parole? Non. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a personne qui, après avoir fait des miracles à mon nom, aussitôt parle contre moi. Et c'est sur ce terrain-là qu'on les attend. Parce qu'en réalité, parler contre Jésus-Christ, c'est marcher hors de sa parole. Amen. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est Adam à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Écoutez encore, dans ce livre de Matthieu chapitre 7, de l'intercité, le verset 22 dit, « Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. » mais voici la condition d'entrée. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez vu cela? Quelle est sa volonté alors? Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole. Le Père et moi viendront chez lui. Donc la ligne d'arrivée, c'est au niveau de la parole. Et maintenant, vous voyez donc clairement, les gens bafouent la parole, comme on a dit. Bafouent la parole. Vous ne pourrez pas aller chez un pasteur. Il vous vend l'eau là, ou il vend le truc là. Il dit que non, ça c'est l'eau de Satan. Parce que si il dit l'eau de Satan, même toi tu vas fuir. Tu vas dire qu'il préfère mourir avec la peine là. Si mais Satan, vous n'allez pas faire parce que Jésus est la vraie marque. C'est ça qui prouve que Jésus est le vrai. Amen. C'est parce que Satan est obligé de copier Jésus pour pouvoir faire le faux. Il est obligé. Parce que si tu mets son nom là-bas, ça ne marche pas. Le nom de Satan ne passe pas le marché. C'est le nom de Jésus. D'accord. Supposons que quelqu'un, vous êtes comme les Chinois, fabriquent n'importe quoi. Vous voyez, ils mettent on dit Adidas, ils mettent Abibos. Il faut qu'ils prennent le nom. Ils tort. Quand vous voyez Abibos, vous n'avez pas le temps de lire Abibos. C'est quand à la maison que vous dites, hey, c'était Abibos. Si il mettait directement maison de fabrique, vous devez savoir clairement que ce n'est pas Abibas. Adidas, pas vrai. Mais il prend un nom qui est proche, il torse là. C'est ça l'imitation, la contrefaçon. Il faut qu'il contrefaçonne. S'il met Satan là-bas, vous allez n'importe comment, même si vous avez soin n'importe comment, vous vomissez n'importe comment, vous allez quelque part, vous voyez église de Satan, vous allez rentrer en disant, vous préférez aller vomir quelque part, de pas vrai. Même le marabout ne peut pas aller dans une église qu'on appelle église de Satan, même le marabout. Il va dire que non, je sais Satan quand même, mais c'est quand même l'autre qui a quand même grossi. Vous êtes allé chez un marabout, vous avez vu que venez ici, vous allez être guéri par le pouvoir de Satan. Jamais. Quand vous allez chez eux, ils disent quoi? Qui sait avec Dieu. Il sait qui c'est Satan. Il sait. Puisqu'il y a des conditions, il y a des démons qui lui apparaissent. Il parle même la Bible, il lit le psaume. C'est pas ce que vous comprenez. Parce que c'est le nom de Jésus qui est authentique. C'est ça qui montre que votre Bible est authentique. Le nom de Jésus est authentique. C'est ça. Amen. Si vous avez l'église de Satan, il dit même un sataniste. Non, on sait Satan, mais quand même, ça n'a pas été grave. C'est pour cela. Alors, ça veut dire que le nom de Jésus est le vrai. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas entrer là-bas, si tu entres par ignorance, que tu es de Dieu, Dieu va tôt ou tard t'éclairer. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas maintenir les enfants de Dieu dans la captivité. Amen. Dieu va finir par les faire sortir. Amen. Vous allez vous asseoir dans une assemblée comme ça, vous êtes 200. Subitement, quelque chose commence dans ton cœur, que quelque chose ne va pas ici. Même si vous n'avez pas quoi, au fur et à mesure, Dieu vous éclaire. Dieu vous éclaire. Vous allez commencer à dire, mais est-ce que je suis seul dans ce cas qui vit ces choses? Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi ça arrive comme ça? Mais en tout cas, vous avez dit que là, quelqu'un dit Amen. Amen. C'est normal. Vous mettez la nourriture au port dans la boue. Tu entends seulement chop, chop, chop, chop. Il ne veut pas réfléchir s'il y a la boue ou pas. Il mange seulement. Parce que lui, la boue ne le gêne pas. C'est toi qui vas dire que yish, si ta nourriture tombe là, tu ne peux plus prendre. Mais le port n'a pas de problème. Il va seulement manger. Mais quelqu'un qui est de l'enfant de Dieu, les aigles ne mangent pas dans la boue. Les aigles ne mangent pas dans la boue. L'aigle sélectionne sa nourriture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Les charognards peuvent aller manger n'importe quelle carcasse, mais l'aigle ne fait pas comme ça. Donc, même si vous êtes là pour longtemps, attends que les ailes de l'aigle poussent, vous allez voler haut. Alors quand ça arrive à l'intérieur, vous entendez seulement comme le psalmiste dans le psaume 27, verset 7 et 8, que mon cœur dit de ne pas chercher ma face. Ça commence à l'intérieur. Vous n'êtes pas à règle. Vous lisez la Bible commence à voir, vous voyez la personne qui parle là-bas, il parle, il rit, ne peut pas rire. Vous croyez qu'on est le problème? Souvent les gens font ça, ils croient que c'est eux qui ont le problème. Vous n'êtes pas le problème. C'est que vous êtes dans les mauvaises postures devant le Seigneur. Dieu en a dit, sors du milieu d'eux. Babylone, c'est ça dans cette question. Sortez du milieu de mon peuple. Donc quand tu es son peuple, tu dois sortir de Babylone. Tu dois sortir. Alors, mais ceux qui sont à l'intérieur, ils se votent là-dedans, ça ne les dérange pas. Parce que, mais si tu vas avec quelqu'un, mais frère, regarde, la Bible dit ceci, le pasteur vient de dire telle chose, qu'on offre les sacrifices pour que notre situation marche. Mais la Bible dit que Christ a offert déjà le sacrifice une fois pour toutes. Et là où il y a offrant des sacrifices pour le péché, il n'y a plus de sacrifice à offrir. Regarde ce que le pasteur a dit. Il dit que, attends, chante-toi, ne parle pas trop dans la Bible, tu vas devenir fou. Hein? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Effectivement, si vous n'allez pas dans la Bible, vous êtes fou. Vous serez en règle avec les hommes. Mais si vous êtes fou de la manière de Dieu, vous allez vivre maintenant en marge des doctrines humaines. C'est ce qu'il faut faire. Alors, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est question des prophéties. Dans le livre de 1 Corinthiens que vous avez noté au chapitre 14, verset 26 à 28, la Bible déclare verset 26, « Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un a-t-il parmi vous un cantique, un songe ou n'importe quoi à raconter? » Mais lorsqu'il s'attouche maintenant des prophètes, pour ce qui est des prophètes, que deux ou tous parlent et que les autres jugent. Donc, c'est-à-dire que les autres examinent. Donc, les prophètes doivent être là pour examiner si les prophéties viennent de Dieu. Mais allons savoir nous l'assemblée. Pas étonnant qu'il y ait des divisions au milieu des assemblées aujourd'hui. Vous avez quelqu'un vient avec sa maman, ou bien tu viens dans une église, on dit que ta maman est sorcière. Donc elle cherche à te tuer et tu sors de la maison. Donc ta maman cherche à, à te tuer. C'est sur son sein que tu as têté. Elle cherche à te tuer. Tu as mangé sa nourriture jusqu'à ce que tu as grandi. Elle cherche à te tuer. On crée des divisions. Division. Où est-ce là? Si ce n'est pas avec le mari et la femme. Ton mari, elle est dans la secte, la rose quoi. Tu es mort en guerre. Depuis que vous êtes ensemble, il ne t'a pas tué. C'est maintenant qu'il va te tuer. Où est le problème, n'est-ce pas? La division. Les haines dans les familles comme ça, là. Telle personne est sorcière. Il y a des églises seulement qu'on on tue seulement les sorciers, on tue seulement les sorciers, tue tous les ennemis, tous les grands. On voit une grand-mère qui a vécu jusqu'à. On dit, ouais, pourquoi elle ne voit pas? Elle ne meurt pas parce qu'elle suce vos sangs. Hein? Grand-mère, le feu sur le grand-mère, le feu sur le grand-mère. Vous rentrez à la maison, la grand-mère est toujours là. Vous nous posez la question que pourquoi pas le feu n'a pas brûlé. On a des problèmes. On a des problèmes. Mais vous allez dans les Saintes Écritures. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est nu, revêtez. Tu vois cela? Ne maudissez jamais. Bénissez au contraire. Amen. Ouais, vous lisez la Bible, voilà ce que la Bible déclare. Maintenant, vous avez deux enseignements. L'enseignement où on tue les ennemis et l'enseignement biblique. Vous êtes quelque part, chaque minute, venez le muni. Sion, je coupe en venant, d'autres peuvent en venant, prendre la machette. Frère, on coupe les esprits avec les machettes. Je coupe, on attend que les policiers vous arrêtent avec les machettes dans la ville. Vous allez dire là où partez la machette. Je coupe, non, je taille un peu. Tout le demande de ma pauvreté. Tu rentres, tu bois, tu ne t'as plus qu'à. On a des problèmes. Nous avons des problèmes. Donc, il est temps qu'on se ressaisisse, n'est-ce pas? Il est temps qu'on se ressaisisse. Donc, si vous cherchez des miracles, il y a un autre enseignement là-bas. Attention, la séduction par les miracles. Il y a des enseignements, c'est tout le thème dont on a parlé là, qui sont développés. La séduction par les miracles. Examiner les prophéties ou bien examiner les esprits. Une nécessité. Éprouver les esprits. Une nécessité absolue en ce temps-ci où les miracles pleuvent de part et d'autre. Vous allez chez le marabout, vous voyez ce que le marabout a écrit sur sa plaque. Vous tournez de l'autre côté pour la plaque de l'église. La seule différence, c'est au niveau des titres. Ici, c'est Malam Abdoulaye qui guérit tout. Ici, c'est Jésus qui guérit et sauve. Vous changez la plaque dans la nuit, ça devient la même chose. Vous avez le gonorrhée, vos marchés sont bloqués, on dit que viens ici. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un voit comme ça, il dit, mon frère, il va aller à l'église pour que mon problème se résolve. On va dans l'église pour que le problème se résolve. Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu pour le salut. Maintenant, dans le salut se trouvent donc les ramifications de toutes ces choses. Où est le problème, n'est-ce pas? Mais ici, c'est présent un système marketing où on dit, il faut le miracle. Et les gens viennent y demeurer pour obtenir le miracle de Jésus. Vous pouvez plus dire que vous pouvez obtenir la guérison de Jésus-Christ et aller en enfer plus tard. Plus dire que vous pouvez même mourir, on vous ressuscite, plus tard vous allez mourir encore et aller en enfer. N'est-ce pas si vous comprenez? Donc, il est question de vérifier véritablement si on est sauvé. Si on est dans la bonne source. Et la parole donc a déjà réglé. Donc dans ce livre des Philippiens que nous sommes en train de lire au verset 17, il dit donc que je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en parlant, en pleurant. Qu'est-ce qu'il dit mon frère? Il continue en disant quoi? Au verset 19. Oui. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Sans, c'est autre. Regardez là. Donc l'ascension de ces prédicateurs, c'est... Mais pourtant, remarquez bien, la Bible ne dit nulle part qu'il prêche Satan. Il n'y a pas de verset qui prêche Satan. Non. La Bible ne dit pas qu'ils prêcheront Satan. La Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 2 qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, regardez bien, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On a entendu un pasteur qui a enceinté 5 femmes là-bas. Le pasteur a couché avec les femmes de tout là-bas. On a entendu un pasteur qui a violé une fille là-bas. Et la voix de la vérité. Quand tu viens prêcher, tu dis quoi? Monsieur le pasteur, ah, c'est vous qui faites comme ça. Non, votre truc là. L'autre aussi, avant de présenter la Bible. Vous voyez, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité. Voilà le point central. Par cupidité. La première caractéristique de ces gens, par cupidité. Ils trafiqueront de vous. Vous savez ce que vous avez trafiqué, non? Ils vont malaxer vos cerveaux. Le livre aussi. Tu lis ça, la révélation, là, ton mariage. Je dis que si tu lis ça, ta vie ne sera plus de même. Il n'entend pas en ton amen. Amen. Voilà. La quantité de ton amen, là, je sens que tu ne peux pas posséder. Et il dit même que si tu dis amen fort, ton miracle va venir. Pas vrai? Amen. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Voilà. Donc ils sont allés dans les centres. Parce qu'on dit que par cupidité. La Bible déclare au verset 19 de ces 2 Pierre, chapitre 2. Il dit que et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc leur méditation, c'est quel est le verset qu'il prend pour tordre aujourd'hui? Quand il prend n'importe quel tournure, suivez-le, ce mec va glisser au niveau des offrandes. Par cupidité. Voilà. papa. Donc la vie, c'est quoi maman? La dîme. La dîme. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Donc suivez juste la prédication, vous pouvez détecter un faux prédicateur. Donc il n'est pas question, il peut prêcher que Jésus-Christ est Seigneur. Il peut prêcher que Jésus est mort à la croix pour vous. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre de tout péché. Il peut prêcher toutes ces doctrines-là parce que ce sont les choses fondamentales de la Bible. Mais il faut les suivre jusqu'au bout. Regardez, il s'est mis du début jusqu'à la fin. La façon que c'est droit là, quand c'est bien mis, chaque personne peut mettre le parpaing là-bas et mettre le ciment. C'est au niveau de l'angle. On dit que c'est à l'angle, au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. C'est quand il faut faire tourner le mur, changer d'orientation. C'est là où il faut le. Dans les doctrines piliers de l'église, à cet instant-là qu'il faut le réparer. Par cupidité. Mais qu'est-ce que notre maître a dit? Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne dites pas que mangerons-nous. Mais c'est pas curieux qu'un passé soit en train de construire des temples somptueux en collectant l'argent des veuves et des orphelins. En collectant les jeunes. Après, quand ça ne va pas maintenant, il prend des gardes du corps pour commencer à se protéger. Parce qu'il sait très bien que lui-même, il a envie de faire du mal. Parce qu'un jour, tu peux même sortir le boxe. Le pasteur à qui tu donnes l'argent pour le rencontrer, c'est un problème. Il ne passe pas de protocole. Quand ça ne va pas, il te rabote. Quand vous n'êtes pas riche, il ne vous reçoit pas. On a des problèmes, frère. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Ils peuvent écrire les livres chaque mois et autres pour vendre. Parce que le but, achète bon, frère, achète même pour ton voisin, même pour n'importe qui, donne. En faisant en sorte de soutenir l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est prêchée, à l'intérieur se trouvent les hérésies. Vous comprenez, n'est-ce pas? Achetez ces aussi. Voilà, donnez, vous recevrez. Donc c'est à lui qu'il faut donner. Donc il est dit donc maintenant. On va toucher cela. Alors par cupidité, ils trafiqueront de vous. La Bible déclare qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Puis la Bible conclut que ce sont des enfants de malédiction. C'est deux pièges qui le dit. Ce sont des enfants de malédiction. Donc, au chapitre 2, donc, verset 19, il dit qu'ils promettent la liberté aux gens alors qu'ils sont eux-mêmes captifs de ce qui a esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Donc, il tend la main, on sait qu'il était béni, ma fille avait une grosse barque de la femme maçonnerie qu'il a pris là-bas. Il était béni. Oh, lui-même, il est dans la cupidité. Vous imaginez un prêtre, vous qui avez été catholique, vous dites que non, je connais tel prêtre, il a les enfants. Oh, dans son église, il a signé le vœu de chasteté. Mais vous voyez que telle fille, il a couché avec telle personne. Il peut dire, je t'ai béni, mon fils. Qu'est-ce qu'il met sur toi? La malédiction. Quelqu'un peut être béni avec ce qu'il n'a pas. C'est le fils de Dieu qui porte la bénédiction. Amen. Parce que Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison, saluez la maison. Si vous trouvez un enfant de paix, votre paix, dont vous avez la paix, votre paix ira sur lui. Donc, par contre, quand vous bénissez, ça va bénir. Amen. Ah ben, si cette personne vient maintenant. Il dit, je t'ai béni, mon fils. Il n'a pas la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a d'aller chez lui? Et les gens sont là, ils tendent les mains. Je suis allé chez l'église. Je ne sais pas si le fond de Marquero. Le pasteur a tout le monde sans me toucher. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui a me déprotégé, qu'il ne met pas sa main sur toi. Amen. Que moi, j'ai mal le fond de Marquero. Touche tout le monde, ne me touche pas. Vous sortez, vous êtes fâché. Même les 1000 francs que vous voulez donner là, le fond dit qu'il ne donne même plus parce qu'on ne vous a pas touché. Oh, vous fâchez comme ça alors que Dieu est en train de vous protéger. S'il met la main sur toi, il met sa marque. Tout ce qu'il a dit, vous comprenez. Vous faites seulement ce qu'il a dit. D'autres, il y a une femme qui m'avait raconté que son mari allait au travail. Son mari voulait la taper. En rentrant, qu'il a vendu la marmite. Il dit, c'est quoi? Le pasteur dit qu'on amène la marmite. On vend, on amène. Et on écrit tous les problèmes dans l'enveloppe. Il allait au Mont Cameroun pour brûler là-bas. Donc Dieu se trouve au Mont Cameroun. Nous avons des problèmes, mes frères. Nous avons des problèmes. Il est temps que nous discernons ces choses-ci. Amen. Donc, lorsque chaque personne de nous quittera l'exemple sur les gens de ce monde-ci et focalisera leur attention sur les saints écrits en disant, je prendrai mon modèle sur la Bible. Si je vois quelqu'un, si cette personne est un serviteur, s'il ne respecte pas les règles de la Bible, je ne ferme pas les yeux sur les choses qu'il en a fait. Je dois marcher d'après. Parce que la Bible nous dit ici que porter les regards sur ceux qui ont d'après le modèle que vous avez vu en nous. Voilà le règle. Si vous refusez ça, il n'y a pas de possibilité de vous protéger. On va vous tromper. Parce que la Bible a dit, regardez ceux qui marchent comme nous avons marché. Si quelqu'un ne marche pas comme ça, la Bible déclare dans le verset suivant qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pour ça qu'ils vont prêcher n'importe comment, ils vont dire que finir, donner l'offrande à ces dieux-ci. Pas étonnant que la majorité d'entre eux ont le ventre vraiment. Vraiment. Hein, maman? Comme ça. On sent qu'on a traité la maman, si je veux bien. Nous avons des problèmes. Oh, vous y allez parce que vous pensez servir le Seigneur. Voici dimanche. Imaginez dans le monde combien de personnes ont dit Jésus est Seigneur, aujourd'hui on a chanté. Combien on en a dit? C'est pour ça que ça va me faire ressortir. C'est une partie de ma question que je vais poser. C'est contenu dans ma question. Alors, nous sommes le dimanche. Et c'est le dimanche par excellence que tout le monde, comme on dit les chrétiens, adore le dimanche. Si à n'importe où, vous allez voir quelqu'un dans la Bible. Si on me voit, je suis dans le marché, on peut savoir qu'il n'est pas à l'église, pas vrai? Parce que la différence, c'est qu'il n'importe pas. J'ai pas de Bible. Ça se trouve ici à l'intérieur. Et donc maintenant, chacun porte la Bible, il marche. Tu le vois, c'est ma route. Pendant que l'autre en dépasse comme ça, tu vois, je passe, il voit un autre, dit les gens se sont perdus. L'autre aussi voit que c'est un autre, ils sont perdus. Mais chacun a sa Bible. Il peut comme ça adorer le même Dieu. Maintenant, On se tient là-bas ces jours. Et Jésus lui dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Écoutez bien. Jésus s'adresse à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Lorsqu'on se prend dimanche, il en dit que pas tous ceux qui partent à l'église vont entrer. Amen. Mais pourtant, quelqu'un s'est préparé à aller adorer le Seigneur aujourd'hui. Il a chanté I go dance today. Ouh Seigneur, quand chanter ça, j'ai la chair des poules. J'ai dit la chair des poules ne fait pas entrer. Vous comprenez? Maintenant, quand il dit, prenons la proportion de 2 milliards de personnes, même 3 milliards. Donc supposons que sur la terre maintenant, 3 milliards de personnes viennent de chanter Jésus, Jésus est mon Seigneur. Ils ont écouté les prédications aujourd'hui. Mm-hmm. C'est 3 milliards. Jésus dit que pas tous ceux-là vont entrer. Mais nous sommes 4, 7, à peu près 7 milliards sur la terre. Donc il s'adresse à ces 3 milliards. Donc il y en a 4 milliards qui sont destinés pour le feu. Mm-hmm. Parce qu'ils ne disent pas Seigneur, Seigneur. Ils s'adressent à ces groupes, ceux qui connaissent que Jésus qui est Seigneur. Donc c'est à eux. De ce côté, il y a les bouddhistes, il y a les animistes, les gens qui savent créer les traditions de leur père, autre là-bas. Leur place est déjà réglée. Donc ils ne s'occupent pas d'eux. Ils vont passer par le feu. Mais à ceux-ci, il dit que vous tous, vous n'entrez pas. Ça veut dire qu'ici, il y a la sélection encore. Il faut encore tamiser. Il dit que vous. Dans Luc chapitre 6, verset 49, 46 à 49, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas de dire Jésus, au nom de Jésus, sois guéri. Est-ce que tu en es de faire ce que Jésus a demandé de faire? C'est là le problème. Vous le reconnaîtrez à des fruits. Vous voyez, pasteur qui ont chevelé les cheveux. Mettre le rouge, même le black. Oui, ma soeur. Oui. La parole de Dieu nous demande. Je suis content comme tu es troublé, ma soeur. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas ici au hasard. D'accord. En tout cas, allons-y, pose la question. La parole de Dieu nous demande de ne pas juger, car de la même maison, nous jugeons, nous serons jugés. Amen. La même parole de Dieu nous demande de respecter l'autorité. Oui. Je prends ici l'autorité spirituelle. Oui. C'est-à-dire les hommes de Dieu, les pasteurs. Oui. La parole de Dieu, en même temps, je vais prendre un exemple sur l'histoire du roi Saül. Saül. Mm-hmm. Qui a été, choisi par déchu par Dieu et ainsi de suite. Oui. Et j'essaie un peu de voir l'illustration où, quand David l'a approché, il a coupé un peu du pain de son cœur a tremblé. Voilà. Mm-hmm. Il n'a pas tué. Oui. Parce qu'il respecte celui que Dieu a intronisé. Apprécié pour la soeur. La question est posée, d'accord? La question est posée, je comprends. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, la seule différence maintenant qu'entre ton cas que tu viens de faire, Dieu avait choisi Saül. Mais ici, Jésus dit que ceci ne l'ai jamais connu. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Je vais arriver, on va arranger tout ça, on va répondre. Toute question biblique, une réponse biblique. Pour le cas de Saül, justement, Saül avait été choisi par Dieu sous l'impulsion de la volonté de l'homme. C'est sa première chose. Voilà. Donc, Dieu a donné à l'homme ce qu'eux, ils voulaient. Quand Dieu a voulu maintenant donner ce que lui, il voulait, il a choisi l'homme selon son cœur. Voilà les deux expressions. Ça, c'est un. Mais sur le plan maintenant, sur du rapport de ce que vous voulez dire, il y a les faux pasteurs. Il y a les pasteurs selon Dieu. Si les pasteurs sont selon Dieu, puisque l'apôtre Paul vient nous dire, je vous ai souvent parlé de ces gens-là en pleurant. Qu'a dit ces gens-là? Maintenant, prenons le cas de l'apôtre Paul. Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens. Donc, c'est qu'en toile de fond, la sœur est venue dire, par exemple, qu'on ne doit pas juger, on ne doit pas faire ceci. Et pourtant, justement, c'est le contraire que la Bible nous dit. Quand la Bible dit, éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit, comment tu vas éprouver l'esprit sans juger? Comment tu vas dire, ok, parce que quand on dit que, pourquoi il dit ça d'éprouver, c'est parce que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez quelque chose, porter un jugement, pour essayer d'analyser, pour savoir que celui-ci n'est pas un vrai. Et quand il n'est pas un vrai, il y a une position à prendre vis-à-vis de cela. D'accord, ma chère? Donc, on va expliquer, ne jugez pas ce que c'est en train de dire. Et quel est le contexte de cela et ce que la Bible est en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 11. Tu y es, ma sœur? C'est toi qui vas nous lire le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit? Excusez-moi, je suis l'habitude, je ne sais pas lire. Ok, assise, ok, lis alors du coup. Verset 13. Oui. Les hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, oui, déguisés en apôtres de Christ. Oui. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Supposons que la personne qui a écrit ça, Paul, était devant toi et il avait écrit ça, il te disait ça, fils, fils. Qu'est-ce que tu dirais à l'apôtre Paul? Il juge. Parce qu'il a dit, ces hommes-là, ils viennent, c'est un adjectif démonstratif. Il a dû montrer la personne. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le qualificatif, non? Bon, si tu vois le serpent, tu vas dire que bon, comme il ne m'a pas encore mordu, c'est un animal. Il est quand même bon. Il nous avance souvent le sourire ici. Le sourire nous déchire les diplômes. Donc le serpent est quand même bon. C'est ça, ma soeur? Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs. Donc ils travaillent aussi, mais ils sont dans la tromperie. C'est pas terminé. Il dit déguisé. Qu'est-ce qu'on appelle déguisé? transformé. Voilà, c'est ce qu'il parlait tout à l'heure, de masquer, de prendre le nom de Jésus pour faire autre chose. C'est ça le masque. Donc il porte le masque. Quand vous voyez les théâtres et autres là-bas, vous voyez quelqu'un entre derrière le rideau. Il porte un masque, il fait le maquillage pour paraître une autre personne. Après, quand il se présente, comme par exemple le monsieur qui fait les discours, il utilise la voix de Paul Biya. Quand il fait comme ça, il masque sa voix pour faire comme Paul Biya. Mais il n'est pas Paul Biya, pas vrai? Maintenant, quand vous écoutez, il faut discerner pour voir si c'est Paul Biya qui vient de parler ou bien c'est lui. Donc, il utilise la voix de Paul Biya pour faire comme lui. Mais ce n'est pas Paul Biya qui vient de faire. Pas vrai? Maintenant, cette personne, il se présente en ouvrier de Christ. Mais il porte un masque. Il faut donc les démasquer. Amen. Il faut donc les démasquer, c'est-à-dire qu'on enlève. Imaginez que quelqu'un dit que je sais, quelqu'un s'habille et il a pris le masque porté sur lui comme il y a un film des Français, là, je ne sais pas comment on l'appelle, il portait souvent le masque comme ça là, pour disparaître. Et puis, il arrive, et puis vous enlevez le masque, bam, la personne, on voit son vrai visage, c'est l'évangile qui les déshabille. Il dit ces hommes-là, l'apôtre Paul nous a enseigné dans Philippiens chapitre 3 qu'il a souvent parlé d'eux. Et il dit qu'il parle encore maintenant en pleurant. Il dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Remarquez une fois de plus qu'il n'a pas dit gardez-vous à l'esprit, voici une autre expression que vous devez changer maintenant. Que c'est les faux serviteurs de Dieu. Il n'y en a pas. La Bible ne montre pas les faux serviteurs de Dieu. La Bible montre les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Lucifer qui se déguisent. C'est ce que la Bible présente. Donc il n'y a pas de faux prophètes de Dieu. Parce que si tu es faux prophète, tu ne peux plus jamais être vrai. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Je recommence encore pour que vous compreniez. Vous avez vu le papayer qui produit la papaye et le papayer qui s'appelait avec les fleurs là. Lorsque ça grandit, papaye est petit, on ne peut pas savoir si c'est un bon papayer. Mais les caractéristiques physiques disent que c'est un papayer. Vous prenez un papayer, vous fendez, vous prenez les grains qui s'y sont, vous les mettez en terre, ça pousse une panoplie de rejetons. Quand ça pousse, tous sont des papayers. Subitement, à l'âge des produits, vous voyez un maigrichon sort là-bas avec les fleurs. Celui-ci sort d'où? Mais quand c'était jeune, vous appelez ça quoi? Papayer. Bon, vous allez attendre papayer là-bas longtemps, ça ne produira pas. Parce que ce n'est pas un un papayer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis vous voyez, le papayer est censé donner le papayer. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc celui-ci doit être coupé. Mais le vrai problème, c'est que ça ressemble au papayer. Donc ici, c'est un faux papayer. Ici, c'est un vrai papayer. Parce que voici le papayer. Parce que le papayer produit la papaye. Je pense que vous comprenez. Ceci n'est pas un papayer. Blanc, ce n'est pas un papayer. Maintenant, si vous allez au champ, si vous avez fait le champ, vous voyez le café. C'est ceux qui ont travaillé dans le café. Il y a souvent des choses qui grandissent sur le café. Bien vert là. Le gourmand là, quand on vient, on coupe souvent. Ça brille. Ça s'est chargé d'un bon point. Au point où même les feuilles de papayer, quoi, des caféiers sont même plus noirs. Eux, ils brillent. Mais ils sont collés sur le papayer et sur les mêmes minéraux. Ils tirent là-bas. Vous appelez comment? Voilà, sur le gourmand là. Ça pousse sur le caféier. Ça pousse et vous regardez que ça tire racine, ça tire sa source du café. Quand le café tire l'eau du sol, il partage dans les branches, lui-même dit Alléluia, gloire à Dieu pour cette saison de pluie. Pas vrai? Et puis ça sort là-bas. Mais lui, il ne peut pas produire. Toutes les branches du café produisent le café, les cafés, sauf cela, ça ne peut jamais produire. Il faut arracher. Il faut donc arracher. Le Seigneur dit qu'ils doivent croître ensemble. À la fin, on va finir par les arracher, ils vont sécher, on va les jeter au feu. Donc gardez-vous à l'esprit que les faux prophètes, oui mon cher. C'est un élément qui peut aider également. Oui. C'est pour dire qu'à la suite de ce que le frère vient de dire, il y a également, pour que nous ne continuions pas à les considérer tous comme étant des serviteurs de Dieu, que nous ne devons pas juger, oui. Il faut également considérer la source qui les produit. Exact. Comme il a dit, ils ne sont pas honte. Parce que les écoles bibliques qui existent aujourd'hui ont pour fonction de pomper. Entendez le mot là, pomper. On les pompe dehors, comme les pop. Ils sont comme les pop-corn. C'est-à-dire que. Et je vais appuyer là sur 2 Timothée chapitre 4. Oui. Il dit, à partir du verset 23, oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ils se donneront la volonté de l'homme. Une foule de docteurs. Amen. Selon leur propre désir. Les gens ont donc compris que les gens ont besoin d'entendre des choses agréables. Voilà. Ils se lancent donc dans les formations, oui. Dans les écoles. Pour venir les produire cela. Comme j'ai donc dit, pour produire donc ces pasteurs-là, et on vous dit qu'on les apprend. Or, l'école biblique. Ça ne tire pas sa source de Dieu. Ça ne tire pas sa source de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu ne se forme pas à l'école biblique. Voilà. Un serviteur de Dieu se forme auprès d'un autre serviteur de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Or, tous ceux qui sortent là, ils sortent en série et ils ont emmagasiné des doctrines tout simplement pour expliquer le Amen. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. En les jugeant, vous ne péchez pas. Oui. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse. Regardez le papin là. Le papin qui a produit ça, ces papins là, vous allez remarquer que c'est en série. On met dans un endroit, on tape pas, on sort. On met le même prochain papin, ça sort. Maintenant, regardez maintenant dans la Bible, vous allez voir que chaque serviteur de Dieu a une formation particulière. Parce que c'est une mission particulière. Donc, c'est la différence entre les briques qui sont faites par Dieu, les cailloux qui sont faits par Dieu. Parce que dans la Bible, quand nous sommes des rochers taillés dans de ce grand rocher qui a été appelé. Quand le rocher est taillé par la nature, ça donne n'importe quelle forme. Mais vous prenez ces rochers, vous voyez comment c'est harmonique et c'est bien dans la nature. Mais ceci, ça sort harmoniquement. Tous, s'il y a une faute doctrine dès le départ, parce que s'il y a une faute dans la moule, là, ça produit la même faute sur tous les papes. Donc dès le départ, la fondation est fausse. Alors les hommes ouang donc de Dieu sont ouang selon Dieu, pas selon les hommes. Donc ça veut dire que cette cérémonie de consécration qu'on fait, on verse l'huile sur la tête, c'est pas ça être ouang de Dieu. Alors ça veut dire que la Bible nous a donné ici, nous avons vu que la Bible nous a donné l'autorité de juger pour savoir ce qui est, s'ils sont de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. D'accord, ma chère sœur. Maintenant, c'est donc Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean chapitre, dans Matthieu chapitre 6, 7, verset 6, le verset 6, que ne jugez point, afin que ne soyez pas jugés, parce que le jugement sera conforme à la justice. Si vous jugez quelqu'un, et donc vous ne jugez pas selon la parole, vous avez des problèmes. Lève-toi, ma chère. Tu as remarqué que quand tu t'es assis ici, qu'est-ce que tu as fait pour la chaise quand, la première fois quand tu es venu? Avant de t'asseoir, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es assis directement. Bon, pourquoi tu t'es assis sur la chaise sans tester si la chaise peut te renverser? Parce que j'avais l'assurance du milieu où je suis. Ah donc, tu as assurance que tu, en t'assurant sur la chaise, tu n'as pas été renversé? Non, nous voilà, tu as produit un jugement. Parce que si tu doutais, tu devais tester la chaise. Et même si tu testes la chaise, tu as de douter de la chaise. Tu vois, chaque jour, tu juges sans te rendre compte. Mais pourtant, tu dis toi-même, tu viens de dire que tu ne jugeras point. Si tu viens là-bas vers 20h, tu vas passer avec le taxi. Tu sais, toi-même, taxi. Tu vois deux personnes avec les yeux rouges comme le Folleret, avec les cheveux comme pour Michael Jackson ou pour Bob Marley. Dès que tu te baisses comme ça là, même si pas là où tu pars, tu fais comme ça là. C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as jugé que si j'entre ici, je suis cuit. Pas vrai? Donc tu produis le jugement chaque jour. Chaque jour. Quand tu pars au marché, tu vois les femmes, on va déposer les tomates, tu guettes quelqu'un, tu guettes sa tomate, tu guettes sa tomate. Tu laisses celle-ci, tu vas là-bas, tu as produit un jugement par rapport à celle-ci. Chaque jour nous le faisons. Vous voyez cela? Mais parce que vous faites cela selon, parce que vous dites, si sa tomate, quand il voit sa tomate là, c'est sa tomate qui sont. Non, c'est déjà un jar. Donc ceci n'est pas un jar. Tu as produit un jugement. Je ne sais pas si vous comprenez, ma soeur. 1 Corinthiens chapitre 6 maintenant. Oui. Excusez-moi, le problème, c'est au niveau de l'homme de Dieu. Oui. Je prenais cet exemple par rapport au paiement de la dîme. Imaginons peut-être que prenons un exemple protestant. Oui. Et un pasteur protestant. Oui. Qui est à la charge toute une paroisse. Oui. Maintenant, la parole vous nous exhorte à donner la dîme. Où ça? Où? Nous sommes demandés de payer la dîme. La parole nous demande de payer la dîme. Où? Bon, je crois qu'on va devoir aider ces choses-ci, d'accord? Il va falloir qu'on aide cela pour qu'on bien saisisse. Bienvenue, c'est très grave. Je vous ai dit dès le départ, on t'a trop frappé. On nous a frappé mal. On nous a même refroidi la foi. Vraiment? Oui. Soyez fortifiés, d'accord? Même si les hommes mentent avec le nom de Dieu. Ça ne fait pas que Dieu ait changé. Quand vous êtes trompé avec Dieu, n'importe comment, votre Bible est vraie. Ce sont des gens qui ont pris ça pour leur propre business. Considérez-les comme des gens qui sont passés vers vous pour vous former, pour vous donner des leçons. Parce que vous savez, quand on dit que quand le serpent vous mord, vous voyez les mi-pattes. Désormais, quand vous marchez, vous êtes attentif. Donc maintenant, personne ne peut te faire. Tu vous restes quelque part, maintenant, quelqu'un dit que donne et tu seras béni. Tu vas dire non, donc tu vas bien me voir. Mon ange ne sort pas. C'est ça. Parce qu'on t'a déjà frappé, pas vrai? Il va falloir que vous sachiez ce que la Bible dit. Je sais que dans votre tête vous entendez Malachi, c'est Malachi quoi, Malachi, Malachi quoi là. Oui. Vous connaissez ça? Mon fétiche. C'est le verset fétiche. Que Dieu bénisse. On n'entre pas dans la maison de Dieu sans ses femmes. Pourquoi c'est vous les femmes toujours pas? Je vois les hommes, personne. Comme ils ne me parlent pas, les hommes sont durs. Donc pour frapper les hommes, c'est difficile alors. Les hommes, c'est pas facile. Les hommes, c'est pas facile. Ils ne donnent pas facile. Donc tu vois qu'ils réfléchissent. C'est vous qui est émotif. On dit donne, tu donnes. Donc tu t'as même ton mari que donne. Toi-même, tu es trop dur. Tu dis que même mari, que toi-même, tu as donné le cœur. Mais dans les églises, là, il y a beaucoup de femmes. Plus de femmes que les hommes. Partout, même si on compte ici, vous êtes toujours nombreux. Partout, chez les rabots, vous êtes toujours nombreux. Bon, là, on commence là doucement. On y va doucement. On va doucement, d'accord? Mettez-vous en rang, 50 000 francs. Oui. Tout le monde se met debout. 3 millions, même, maman. On dit que Dieu dit qu'il y a 5 personnes ici qui peuvent donner 3 000 pour soutenir le ministère. On se met là-bas, on dit que votre place là-bas. 10 000 francs comme ça, les 500, on dit pas là-bas. dont on ne vous gère même pas. Il dit qu'il va prendre tous vos noms, il va aller dans le monde de quoi là, il va revenir et tout. Papa nous a déjà trop fait. Bon, quand tu avais donné ça, ça a changé. Je dis que je suis là comme ça. Ça même c'est mais je dis seulement que ça c'est quand même petit frère. On dit que prendre ce qui est dans ta maison qui va te faire plus mal, tu viens donner là, tu vas recevoir. Tu as plus ça, ça te fait mal. Oui, je peux d'abord. Il va finir le jour là. C'est que le mariage va finir. Oui, tout ce que tu te fais plus mal, tu vas donner, je ne nous aide. Donc ce qui va te faire plus mal, non, on te dit ce qui va te faire mal, qui va te choquer, là je vais te donner beaucoup. Le poids des sacrifices qui fait le plus mal. Quand tu vas donner, ça t'a fait mal aussi, ma soeur. Ça m'a fait mal. N'est-ce pas? Exprimez-vous et puis on va arranger ça avec les saintes écritures. Mais au préalable, je veux, avant qu'on avance, je veux que quel que soit ce qu'on vous a fait au travers de cela, veuillez pardonner. Veuillez-leur pardonner. D'accord? Chaque personne a son rôle. Je veux que vous compreniez ceci. Chaque personne a son rôle. Et dans le film de Dieu, chacun doit jouer sa partition. Judas avait la bourse, là où on mettait les offrandes. Il volait là-bas. Jésus restait ici, il dit que femme, va, ta foi t'a sauvé, ton enfant est guéri. Là où la femme syrophénicienne, sa femme, son enfant avait le démon. Quand elle a dit que sur tes paroles, tu as la foi, ta fille, il connaissait que le démon était sorti, non? Judas qui était à côté de lui avec le sac d'argent. Jésus ne savait pas qu'il volait l'argent là-bas. Hein? Il devait se poser la question, mais comment cet homme se peut dire que ta foi est sauvée? Il dit les choses du futur, il dit les choses d'ici, il voit la vie de quelqu'un, il parle. Et il est à côté, il faisait quand le gars s'est dérangé, il dit qu'il n'a pas ni à zone, ni quoi, il n'a pas de maison, moi il mange. Mais il protège mes arrêts. Quand il fait comme ça, Jésus ne voit pas. Hein? Le jour est arrivé, il a dit ce que tu as à faire, fais-le. Dès ce moment, Satan entra dans Judas. Parce qu'une porte est ouverte dans sa vie. La Bible déclare dans ses Philippiens que ces hommes-ci ne servent pas mon Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais si quelqu'un a pour la divinité, c'est le ventre. Alors il faut qu'il pense n'importe quoi qui tourne autour du ventre. La Bible déclare dans ses Philippiens, là, ça continue en disant qu'il ne pense aux choses de la terre, de ce monde-ci. Donc il doit prêcher sur ton visa. Prêchez sur ton mariage, prêchez sur tes choses. Dieu va vous venir et l'agir de l'espace de Satan. Dieu est un Dieu de multiplication. Tu dois te multiplier. C'est normal. Mais le prédicateur lui dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Parce que nous sommes ici pour en préparatif de notre partie céleste. Amen. Vous comprenez cela? Amen. En étant dit que Dieu va te donner, si vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des rois, vous devez régner sur la terre. Dis à ton voisin, je règne. Tu règnes, ton royaume c'est où? Il faut lui poser la question parce que toi-même, toi, pas de royaume, c'est où? Tu vas te mettre au pour lui, tu sais, papa. Donc, tu vas voir ce garde du corps, non? Donc, je voulais que vous compreniez que chaque personne a sa partition à jouer. La Bible dit, quand la Bible dit qu'il s'est livré du milieu de vous, de faux prophètes, il faut qu'il soit là. C'est pour témoigner encore que la Bible est vraie, parce que la Bible l'a dit. Il y aura au milieu de vous de faux docteurs qui enseignent des sectes qui introduisent cette pénurie. Il faut qu'il y ait ça. Quand il y ait ça, ça montre que votre Bible est authentique parce que la Bible l'a dit. Amen. Donc, laissez-les jouer leur rôle. Parce que la Bible déclare que plusieurs les suivront. Donc, si le monde va vers eux, c'est encore vrai parce que la Bible l'a dit. Beaucoup d'appelés. Voilà, peu d'élus. Alors maintenant, pour vous qui êtes dans la vérité, qu'est-ce que la Bible déclare? Ce que vous avez, retenez-le fermement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, allons à la base. La Bible n'est presque nulle part aux chrétiens de payer la dîme. Nulle part. Alléluia. Il n'y a pas un seul verset. Hey! Au ministère des femmes, 10 millions. Elle arrive. Au ministère des hommes. On arrive. Personne ne veut amener les sacs de sel. Merci. Non, doucement. C'est bon. Dans le livre de Jean, au chapitre 6, quand Jésus a parlé à ses disciples, il y avait un niveau de la prédication où les disciples ont dit à Jésus que cette parole est à Dieu. Qui peut l'écouter? Et quelqu'un est conçu l'église, il ne met pas le nom de. Il dit que c'est son nom de l'église, que c'est son nom qui est dedans. Il ne compte pas que c'est son nom. Et tu t'abuses même dans l'église, ils sont de mon église. Oui, ils chassent de son. C'est normal, c'est son église. Oui. Mais l'église de Jésus-Christ, personne ne peut chasser personne dedans. Amen. C'est ça le problème. D'accord? Jésus a dit, il ne mettra point dehors ceux qui viendront à moi. Maintenant, on peut aller maintenant doucement, ma soeur. Donc, où est-ce que c'est écrit dans votre sainte écriture que donner ce qui va vous faire mal? Maintenant, je veux que vous me dites où est-ce que c'est écrit. Vous donnez pour ça, jusqu'à ce que tu as fait, comment ça dit la donnée? On vous chauffe les fesses là, vous me donc, voyons que tu as déjà donné. Il donne comme il a encore le pupitre en haut, il pointe le doigt. Quand tu vois ton doigt, tu crois que c'est toi qui l'as dédoigté. Est-ce qu'il te dit que c'est toi? Tout le monde sait que c'est toi. Est-ce que tu te donnes les prophéties? On te dit plus rien. Il imagine un nom. Là, nous sommes ici, il dit que Henriette, il sait qu'il y aura Henriette dans la salle. Il dit que qui s'appelle Henriette? Parce qu'il sait que même c'est comment il y aura Henriette là-dedans. Comme vous êtes nombreuses là. Oui, bien sûr. Oui, qui tente, il va dire Gédéon, il ne peut pas voir Gédéon. Oui. Bon, maintenant, souvenez-vous de ces choses. Allons dans les Saintes Écritures. Alors, dans les Saintes Écritures, le lieu où on fait allusion à ce que je viens de dire, que donner quelque chose qui fait mal, c'est dans le 1 Samuel au chapitre 24. Je vais vous expliquer donc ce qui se passe là-bas. 1 Samuel. Ok. Donc, je vais vous poser la question et vous ne savez pas, je vais vous donner les références. Je vais vous dire maintenant le pourquoi. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. À l'école biblique, il y a un livre qu'on vend là-bas, How to Raise Fund. Comment susciter les fonds, les appels de fonds. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour cela. Quand il ne veut pas faire, il amène un Nigérien ou bien un Congolais. Ah, ma famille. C'est pour ça qu'il parlait d'un dogme. Oui. Parce que c'est non, ça, c'est pas dans l'église du Seigneur Jésus. C'est comme ça, c'est la lignée là. Voilà, dans leur norme, ils peuvent faire cela parce qu'ils ont les appels de fonds. Ils font cela parce qu'ils s'entendent entre eux. Quand un des invités est un pasteur, quand le pasteur vient, il signe un contrat que ce qu'il prêche là-bas, j'ai 50%, tu as 50%. Alors quand celui-là monte sur le pupitre, il n'est pas venu pour jouer. Il dit que Dieu me dit qu'il y a 6 personnes qui peuvent donner 1 million chacun. Oui. Et je prophétise que cette mois-ci, de 1 million que vous donnez là, seront produits par 10. Quand tu vois que tu as donné 1 million, tu as donné 10 millions. Tu as donné 10 millions. Comment tu n'as pas à les donner? Voilà. Quand il fait comme ça, après il dit que, ok, maintenant, même ceux qui ont les 500 000, comment la descendre? Comment la descendre? Quand ils collectionnent, ils viennent maintenant, ils suivent les terres que quelqu'un ne puisse pas sortir avec cet argent-là. Maintenant, quand il finit de donner, maintenant, il part t'asseoir dans le bureau. Pendant que vous en faites, vous vous embrouillez là-bas. Il fait donc ses comptes, il fait le compte. Quand ça finit, il prend sa part, il prend sa part. Après, il annonce même là-bas pour faire une offrande, les offrandes qui ne doivent pas toucher le pasteur. Il dit l'autre, c'est sa part. Ici, quelqu'un veut me voir pour voir mon secrétaire là-bas dans l'hôtel, à l'hôtel tel. Chacun veut. Il dit, et souvenez-vous qu'on ne vient pas avec le service, il faisait les mains vides. En venant là-bas, chaque personne a son enveloppe encore. Donc, en plus de ce qu'il a fait, 50% là-bas, il a les enveloppes. Il n'est pas venu pour blaguer. Voilà, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles. Ils ont le même message, trompeuse. La même façon de faire. Oui, c'est normal. Oui, mon cher. Oui, Dieu Samuel, chapitre 24. Merci, frère. 2 Samuel, chapitre 24. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe là-bas d'abord, pour que vous saisissiez. Ok. Maintenant, si vous ouvrez 2 Samuel, chapitre 24. Vous y êtes. Ouvrez, je vais vous expliquer, parce qu'on doit parler, on doit parler, il faut qu'on continue. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Là, c'est 1 Samuel ici. 2 Samuel, maintenant. Voilà, avance au chapitre 24. C'est 2 Samuel, là. Oui. Le dernier chapitre de Samuel, de second livre de Samuel. Ce qui se passe, c'est, si vous lisez le livre de Noms, vous y êtes, n'est-ce pas? Permettez-moi d'aller vraiment vite maintenant. Ok, donc vous êtes tous, tout le monde est dans 2 Samuel, chapitre 24. Vous y êtes, c'est comment là? Mais toi tu es dans le livre de. Mais toi tu y es, non? C'est 2 Samuel ici. D'accord? Ok, maintenant, regardez très attentivement, je vais vous faire la photo de ce qui se passe là-bas. Parce que, en toute chose, il faut savoir, ma soeur, tu as pu trouver. Voilà. Ce qui se passe. Quand j'insiste pour que vous voyez, c'est parce qu'en réalité, si vous aviez lu la Bible, on ne peut pas vous tromper. C'est pour ça que j'insiste que quand je dis quelque chose, vous ouvrez. Que vous soyez à même de voir que dans votre Bible, c'est écrit. Ce qui se passe ici, c'est... Il va falloir que je vous explique ce qu'il en est. Pour tout ce qu'on va faire, on va expliquer ce qu'on dit dans la Bible. Pourquoi on le dit et à qui c'est adressé. Et on va ressortir là maintenant pour voir. Il y a des choses qui sont adressées comme commandement. Des choses qui sont adressées comme avertissement. Des choses qu'on dit comme instruction. Faut bien faire la différence. Quand on dit par exemple que Judas... Voyant que Jésus avait été crucifié, est venu remettre les pièces d'argent, on a dit que c'est ton problème là-bas. Il partait à se tuer. Mais la Bible déclare qu'il est parti se pendre. On a donné l'information que Jésus est parti se pendre. Est-ce un commandement qu'allez pendez-vous? Est-ce qu'on a dit qu'allez pendez-vous? Mais est-ce que quelqu'un peut dire que ma vie me dépasse? Si je suis dépassé, j'ai vu Jésus se pendre dans la Bible. Ma vie va se me pendre. Il en a compliqué un commandement. Vous voyez qu'il y a un problème ici, n'est-ce pas? C'est une information qu'on a dit de donner pour ce qui lui est arrivé à la suite de sa forfaiture, pas vrai? Donc ce n'est pas un commandement qu'on doit accomplir. N'est-ce pas, ça se comprend? Maintenant, dans ce livre de 2 Samuel, si vous regardez dans votre titre, on va parler de dénombrement et peste. Dénombrement et peste. Dénombrement, ça veut dire compter, décompter pour savoir quel est le nombre. Maintenant, ce qu'on appelle recensement. Dieu avait interdit au peuple d'Israël de compter son peuple. Parce qu'il avait prophétisé qu'il serait comme le sable de la mer. Parce qu'en réalité, le peuple de Dieu n'est pas seulement Israël. On ne peut pas compter le peuple que Dieu s'est acquis. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, un de ces jours, si vous lisez ceci dans le livre des 1 Chroniques et puis dans le livre des 2 Samuel chapitre 4, vous allez voir dans le chapitre 24, il est dit dans l'un des passages et dans l'autre que Satan excita David afin qu'il fisse le dénombrement. Vous voyez cela, que c'est Satan qui l'a excité. De l'autre côté, on dit maintenant que Dieu a donné à David de faire le dénombrement. Vous dites, mais comment on dit, si on dit que c'est Satan, ici si on dit que c'est Dieu? Il y a une explication à cela. Mais laissez-moi continuer. Lorsque David fait appeler Joab, son général, et il dit, va faire donc le recensement. Quand Joab a entendu cela, il savait que je n'allais pas avoir des instructions. Mais lui, il est le roi. Et donc, voici Joab. Il dit, mais pourquoi mon Seigneur veut-il faire le recensement de l'enfant d'Israël? Puisse le Seigneur multiplier ses enfants d'Israël. Il dit que va faire le recensement. Job était obligé de se soumettre à cette voie. Il est parti de part d'Israël, allait faire le recensement. La Bible déclare que quand le recensement a été fait, son cœur commence à battre. Il savait qu'il venait de pécher devant le Seigneur. Donc quand vous péchez devant Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ça va commencer à vous mettre en mal à l'aise. Que vous voulez quitter quelque chose ne va pas jusqu'à ce que vous confessez cela. Quand il a fait ça, Dieu a envoyé le voyant. Le voyant Gad, va chez David, propose-lui trois fléaux. C'est l'ascension. C'est l'essence. Dieu est venu, il ne casse pas par quatre chemins. Il est venu dire que Dieu te propose trois fléaux. Il dit, on m'envoie te dire que tu as trois sanctions. Les trois sanctions, donc tu dois choisir parmi les trois sanctions ce que tu veux qu'on te sanctionne. Et comme dis-moi, comme je ne sais pas dire à la personne qui m'a envoyé que sanctionne-le comme ça. Vous voyez? Dans l'une des sanctions, David connaissait effectivement comment Dieu agit. Dans l'une des sanctions, il dit que soit trois années auxquelles tu vas seulement courir derrière tes ennemis. Le gars a compris que notre sanction est grave. Vous voyez cela? Parce que si court derrière les ennemis, parce que quand l'ennemi te donne te frappe, il ne te donne pas le lait. C'est pour ça que quand Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour frapper la part Israël, il a serré, il a frappé Israël jusqu'à. Il a dépassé le niveau que Dieu lui avait promis de frapper. Et Dieu a dit que comme tu as eu la colère contre mon peuple, on peut le frapper au-delà, je vais te frapper aussi à cause de ça. C'est pour ça que Babylone aussi va être tombé en captivité. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, dans l'autre sanction, il dit, ou bien les pestes que tu vas recevoir de la part de Dieu. David a dit que parce qu'il connaissait Dieu, il dit que tombons entre les mains de Dieu, pas entre les mains de l'ennemi. Parce que au point de Dieu, c'est miséricorde. Il savait comment on peut faire plier Dieu dans la miséricorde. Mais l'ennemi, quand l'ennemi vient vers toi pour te taper, est-ce qu'il va, il ne te donne pas le lait? Il n'a pas de pitié. Il tombe entre les mains de Dieu. Et quand Gad est sorti, donc maintenant, la Bible déclare dans l'ère d'Arana, un ange se tenait là-bas, il a tendu l'épée au niveau de Jérusalem, comme ça, les gens tombaient dans la peste. Je pose la question. David est mort dans la peste? Non. Ses enfants sont morts? Les gens qui sont dans le quartier là, ceux qui ont fait le redémoulement, faisons attention à ce que notre prince font. Vous voyez, il a pris une sanction là-bas, une décision là-bas, la sanction était sur le peuple. L'ange a tendu le peuple, les gens tombaient. David s'est mis dans l'intercession pour prier. Père, j'ai péché, c'est moi qui ai péché. Ces pauvres bébés-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? 23 000 personnes sont décédées comme ça. 23 000 personnes, tu te lèves le matin, ah, bam, tu meurs. Quel est le problème? La sanction, c'est que ton droit a fait le dénombrement. Qu'est-ce que toi tu as à voir là-dedans? Tu es tombé là-dedans. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Maintenant, je viens d'aller au niveau de donner ce qui est cher. David a intercédé devant le Seigneur jusqu'à ce que la solution à ces pestes, c'est là le vrai problème, la solution à ces pestes soit donnée. Alors, maintenant, la révélation lui a été donnée que va vers cette ère, vers l'ère d'Arana, justement, où se tenait l'ange de l'éternel. C'est là-bas qu'il faut offrir de l'offrande à Dieu. Et donc, il vient voir maintenant celui qui a donc cette cible-là. Cette cible-là, quand le monsieur voit que le roi est en train de venir vers lui, il dit, qu'est-ce que le roi veut ici? Le roi dit, je veux quelque chose, un site où je vais offrir l'offrande à Dieu. Le gars lui a dit, je te propose de prendre ça. David a refusé que je ne veux pas faire ça parce qu'il sait qu'il est coupable. Il sait qu'il est coupable. Il veut quelque chose pour montrer effectivement qu'il est désolé pour ce qui s'est passé. Il dit non. En tant que roi, il pouvait prendre cela parce que celui lui donnait en offrande. Que prends ça, offre ça pour que la paix puisse cesser du peuple. Il dit donc non, je vais donner quelque chose qui me coûte cher parce qu'il sent sa responsabilité. Il voulait impliquer sa responsabilité. C'est là où c'est mentionné. Que je ne donnerai pas, une offrande à Dieu ce qui ne me coûte rien. Voilà là où c'est mentionné dans les Saintes Écritures. Je suis maintenant là. Amen, mon papa. Donc, il n'est pas nulle part. C'est une information comme pour le cas de Judas dont je dis ici qu'il est mort. Il est allé, il est mort. Là-bas. Or, la Bible nous déclare que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne tombions pas dans la même désobéissance. Donc, la désobéissance ici, c'est quoi? C'est que quand Dieu n'a pas dit de faire quelque chose, ne faites pas. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut faire. David a été dans la désobéissance, voilà les conséquences. Donc, ces conséquences-là nous sont données pour regarder qu'à l'initial, il y a eu une désobéissance quelque part. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. On n'a pas dit que non, donnez votre offrande, quelque chose que vous faites. Il n'y a pas ça dans la Sainte Écriture. La libéralité. Là, que tu as compris, ma soeur. Voilà, il ne faut pas aller l'agresser en route que donne-moi ma scripture qui t'avait fait mal là. Je ne pas dire cela. Je continue. Il y a encore un autre truc qu'on ne vient pas chez le serviteur de Dieu, les mains, vides. Où est-ce que c'est écrit? On ne vient pas voir le serviteur de Dieu, les mains vides. Par contre, quand tu fais partie, tu fais d'abord l'enveloppe. Où est donc c'est écrit? C'est écrit, je vous le dis. Dites-moi. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures. Donc, quand vous vous asseyez seulement comme ça, on vous dit. Vous faites seulement, vous allez avec les mains pleines. On dit qu'ils connaissent bien avant de nous dire ça. Ok. Mais donc, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17 que maudit soit quiconque se confie en l'homme. Voilà. Vous devez veiller, examiner les Saintes Écritures. D'accord. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 2, Moïse avait dit au peuple d'Israël qu'il devait mettre en pratique selon ce qui est écrit là-dedans, sans rien y ajouter, sans rien retrancher. Dans Proverbe chapitre 30, verset 5, il dit que n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te répète et que tu ne sois trouvé menteur. C'est ce qu'on a dit. N'ajoute rien à ses paroles. on ne doit rien ajouter. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, il soit en disant que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fruits décrits dans ce livre. Vous voyez la malédiction qui est collée sur tout ce qui ajoute à la Bible, n'est-ce pas? Alors je pose la question, où est-ce que c'est écrit dans les Saintes Écritures qu'on ne vient pas devant le serviteur, enfin, devant la parole de Dieu, enfin, ou bien devant le prophète, les mêmes vides? Dites-moi d'ailleurs. Vous entendez ces paroles, non? Vous voyez que ça semble être quelque chose qui sort de la Bible. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils peuvent prendre une vraie parole pour vous tromper. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est une vraie parole, ça va vous dire la vérité. Mais si ce n'est pas une parole, c'est une parole trompeuse, ils doivent devoir tordre pour que ça dise ce qu'ils veulent dire. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères. Notez Exode chapitre 16. Exode chapitre 16 et Exode chapitre 23. Il va vous expliquer ce qui s'y trouve. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, faites un bon usage. Je crois que avec, si vous comprenez toutes ces choses, on ne doit plus vous tromper. On ne pourra plus vous tromper. Amen. Non, j'ai dit notez, vais expliquer ce qu'il y a là. Quand il va expliquer, vous allez vous retrouver. Donc, j'ai dit Exode chapitre 16 et Exode chapitre 23. Maintenant, dans ce livre, vous avez noté, je peux parler? Mm-hmm. Dans ce livre, il est fait état, et sous noté également le livre de Lévitique chapitre 25, il est fait état des fêtes de l'Éternel. Parmi ces fêtes de l'Éternel, il y en a trois principales qui doivent se célébrer à Jérusalem. Vous comprenez? Dans ces différentes fêtes de Jérusalem, ces trois fois là-bas, la Bible déclare trois fois par année. Trois fois par année. Tout mal se présentera devant l'Éternel à Jérusalem. D'accord? Dans le lieu où il a fait choisir pour résider son nom. Donc, c'est le lieu par excellence où Dieu invite dans le mal. Il dit, écoutez bien encore. Trois fois par année. Tout mal. Mal, ça veut dire quoi? Homme. Masculin. Tu es masculin, hein? Féminin. Mais on dit que tu dois te présenter sur le devant. Tu ne dois pas aller devant le Dieu le même vide. Pourquoi? Pourtant, la Bible déclare tout mal se présentera devant l'Éternel et on ne viendra pas devant l'Éternel le même vide. C'est ce qui est écrit là-bas. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Maintenant, on dit tout mal se présentera. C'est trois fois par année. Mais vous, c'est combien de fois là, hein, déjà? Tout la chaque jour. Donc chaque fois qu'on partait. Oui, tout la jour. Mm-hmm. Ça dit tout la jour. Trois fois par année. Tout mal se présentera devant l'Éternel et on ne reviendra pas le même vide. C'est ce que les Saintes Écritures disent. Ça, c'est à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on vient là-bas pour les offrandes. Il y a un autre, durant le moment des dîmes, quand on va à Jérusalem, les dîmes qu'on mange sur place, en allant, on vient avec les offrandes où on doit manger sur place parce qu'on vient pour manger, pour célébrer la fête de l'Éternel. D'accord? Il dit que trois fois par année, on doit monter. Donc, une année, la fête qui se trouve en septembre, on y va. La fête de Sukkot, on y va. Vous voyez, n'est-ce pas? La fête de fin, pain sans levain, les mâles y vont. Quand ils vont là-bas, ils viennent se présenter devant le Seigneur pour célébrer le Seigneur. Ils mangent ensemble. Oui, ils mangent ensemble. Mm. Ce n'est pas pour venir pour donner à quelqu'un. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Vous allez où dans le temple de Dieu pour fêter? Où est-ce que le temple de Dieu se trouve? Dans les églises sont les temples de Dieu. Dans notre corps. La Bible déclare que le corps, le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? Le corps. Maintenant, vous pouvez donc faire tout cela, ce qu'on a dit là. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Voilà. Trois fois par année. Un, ce sont des mâles. Deux, doivent aller le lieu, c'est Jérusalem. Vous voyez qu'une fois de plus, ils ne vous disent pas cela. Mais voyez, on ne se présentera pas devant le Seigneur, les mains, même vite. Le on qui ne se présente pas, c'est les mâles qui doivent aller à Jérusalem à la période de 3 ans. Vous avez vu, là on se retrouve là maintenant. Malachie chapitre 3. Malachie, donc le livre qui est toujours avant Matthieu. Ouvrez Matthieu. Et puis vous rentrez juste derrière, vous allez trouver Malachie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous touchons dans le texte favori du verset 10 qui se trouve. Donc ouvrez juste Matthieu, vous allez vous repérer avec Matthieu. Vous ouvrez Matthieu, puis vous rentrez. Parce que vous allez ouvrir Matthieu, vous allez voir là-bas, on a écrit le Nouveau Testament, bien que ce ne soit pas le Nouveau Testament. Encore un autre problème là-bas maintenant. Malachie. Et ma soeur, quand tu vois là, tu vois le Nouveau Testament, non? Ok, Malachie chapitre 3. Ouais, la façon que votre Bible est disposée, quand vous voulez tous les Bibles, sans exception, dès que vous ouvrez Matthieu, à la fin de Malachie, vous voyez, Nouveau Testament. Pourtant, ce n'est pas le Nouveau Testament. Malachie chapitre 3. Mon frère lit le verset 10. Écoutez très attentivement. Chacun regarde dans sa Bible. Allons-y. Malachie chapitre 3. Je lis. Au verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Soulignez. Maison du trésor. Oui. Et entourez toutes les dîmes. Entourez. Remarquez bien, j'ai dit souligner, puis j'ai dit entourer. Entourez toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soulignez la nourriture dans ma maison. Puis il dit, mettez-moi de la sorte en... À l'épreuve. Maintenant, on va commencer au verset 10. Nous allons faire deux pas en arrière, d'accord? Deux pas en arrière. Rentrons deux versets plus tôt. Allons-y, frère. Deux versets plus tôt. Je lis au verset 7. C'est vraiment, hein? Au verset 8. Donc, quand toi, tu as dit, tu fais deux pas en arrière, tu tombes au verset 7. Verset 8. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Car vous me trompez. Stop. Entourez-vous. Entourez-vous. Ce sont les choses. On va se poser des questions parce que si vous ne comprenez pas, c'est comme ça qu'on va toujours vous tordre. Entourez-vous. Il a dit un homme trompe-t-il Dieu. Donc ça veut dire que c'est clair que personne ne peut tromper Dieu. Il dit maintenant vous. Vous me trompez. Puis il dit. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappé par la malédiction. Entourez encore vous là-bas. Là, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Oui. La nation tout entière. Encadrez la nation tout entière. Puis maintenant, on tombe dans le verset 10 où il dit maintenant apporter. Pas vrai? Donc vous voyez que c'était nécessaire que nous rentrions par derrière. On va commencer à se poser la question. Le premier que vous avez entouré, c'est quoi? Vous. Vous. Ok, répondez-moi. Je vous pose la question automatiquement. On s'adresse à qui? À nous. Ok. Donc, elle a dit que c'est eux. Donc, y compris toi. Pas vrai. Maintenant, là-bas, vous avez encadré quel mot avant le verset apporté? Toutes. Vous. Vous avez encadré. Vous avez encadré quoi? La nation du temps. C'est-à-dire, comme tu as dit tout à l'heure, que nous, y compris toi, donc, si tu dis ça, on s'adresse à toi. La nation tout entière, de quelle nation est-il les questions? Parce que là, il a précisé le vous dont il est question. Pas vrai, frère? Parce que lui, il a expliqué à qui il s'adresse. Il a dit la nation tout entière. Donc, ma soeur, d'après cela, c'est quelle nation? Le monde entier. L'humanité. L'humanité. Donc, il ne savait pas la soeur qui donc, il y a le mot humanité. La nation précise. Dans le monde entier. Donc, il a dit que. Considérez que c'est toujours nous. Nous, comment? Bon, il a dit vous. Pour être plus précis, il a dit que la nation toute entière. Il y a les nations sur la terre. Il y a les nations. Mais il dit la nation toute entière. La question c'est de quelle nation dont il est question. Répondez. Le Cameroun. La créature, c'est une nation, ma soeur. Et si en autre langue, il veut dire le pays tout entier. C'est quel pays donc? Je peux me dire que ça peut être le peuple d'Israël. Non, dis-nous clairement. De façon spécifique, on s'adresse de quel pays parle-t-on ici? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Comment tu sais que c'est le peuple d'Israël, ma soeur? Ce sont les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants de Dieu. Mm-hmm. Pourquoi ça ne s'adresse pas au Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun? Pourquoi ça peut être? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien la chose. D'accord? Il y a les principes d'élimination. On peut faire pour éliminer. Mm-hmm. Parce qu'on dit nation. La nation n'a pas été spécifiée là-bas comme étant Israël. Mm-hmm. Il faut qu'on regarde si c'est le Cameroun. Parce que si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Niger, vous lisez cela, ça devient le Nigeria. Mm-hmm. Si vous êtes en Afghanistan, vous lisez ça, ça devient l'Afghanistan. Mm-hmm. Mais dans ce cas, si ce n'est pas cela, alors on va savoir le pourquoi c'est Israël. D'accord? C'est là le problème. Alors donc, vous dites que c'est Israël. Pourquoi? Oui, laissons Israël tranquille. Laissons-le tranquille. Posons la question autrement. Est-ce que ce passage peut être en train de s'adresser au Cameroun? Oui. Alors que nous sommes au Cameroun? Oui. Ok, oui. Pourquoi? Parce que nous vivons la même chose. Parce que nous vivons la même chose. Donc, le Cameroun frappe. Donc, la nation est frappée par la malédiction parce qu'il ne paie pas la dîme. N'est-ce pas? Hein? Non. Ah, mais là, ce que tu dis, comment tu dis non? Je n'ai pas compris la thématique. Si on remonte au verset 4, il dit alors l'offrande de Judée et de Jérusalem sera agréable. Moi, je pense que ça doit être le peuple de Juda de Jérusalem. Ok, le peuple de Juda de Jérusalem. Ok, maintenant, tu es de quel peuple parmi les deux? Dis-nous donc dans ce cas. C'est elle qui allait chercher là-dedans, non? Mm-hmm. Ok, si donc si c'est à Juda et à Jérusalem, donc dans ce cas, toi tu es de Juda. Si c'est la tribu de Juda, de quelle tribu parmi les douze? Tu vois quand vous avez le problème, n'est-ce pas? Il faut donc savoir de quoi il est question. Une fois de plus, maintenant, il faut qu'on plante le décor. Hein? Il faut qu'on plante le décor. On explique donc ce qu'il en est. Lorsque vous ouvrez votre livre de Malachie et Matthieu, il y a 400 ans d'écart. 400 ans entre Malachie et Matthieu. Donc, avant Jean-Baptiste, 400 ans séparent Malachie du dernier prophète avec Jean-Baptiste. Ça veut dire que Dieu a arrêté de parler par les prophètes. Il y a un pourquoi. Le chapitre 2 de celui de Malachie nous explique pourquoi. Dieu explique qu'il avait signé une alliance entre lui et les Lévites. Et son alliance avec les Lévites était une alliance de paix. Et Lévite a fait ce qu'il leur avait demandé de faire, d'enseigner au peuple, comme il le dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, verset 21 et 22, que le sacrificateur est au peuple, c'est un serviteur de pour enseigner ce qui est au peuple, à discerner ce qui est pur et ce qui est impur. Vous voyez, et on dit dans ce livre de Malachie, chapitre 2, qu'il a fait cela exactement comme Dieu avait dit, pas vrai? Maintenant, il dit depuis le temps de votre père, si vous prenez à partir du chapitre 1 même déjà le Malachie, parole du prophète, oracle de Malachie, et il dit. Israël, il s'adresse comme ça au peuple d'Israël. Il dit que Jacob et Esaïe ne sont-ils pas frères? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il commence là. C'est là où l'interjection commence. Puis il dit, mais j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaïe. Et vous me dites, je suis votre père. Si vous m'appelez donc père, où est donc l'honneur qui m'est Dieu? Donc depuis le début, il s'adresse à un peuple bien particulier. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Vous voyez, dans les offrandes, il dit qu'ils ont même les offrandes de prostitution, de la prostitution. Donc, en réalité, en ce moment-ci, Israël avait atteint le sommet de la prostitution, où le culte était mélangé. La Bible déclare qu'il dit dans le chapitre 3, il dit malheur à celui qui a une bête en bonne forme et donne une offrande fétiche à Dieu. Les pasteurs prennent ça pour dire que non, vous ne pouvez pas toucher votre salaire, vous devez donner 500 à Dieu alors que vous gardez 100 000. Vous voyez, parce que c'est chétif. Or, c'est parce que la Bible est en train d'enseigner. Parce que dans la loi qui était donnée aux Lévites, Dieu avait donné de façon spécifique qu'on ne doit pas offrir quelque chose à Dieu avec des défauts. C'est pas ça que je comprends. Donc en réalité ici, c'est un reproche donc aux gens qui vivaient sous le sacerdoce lévitique. Il y a des choses qu'on a soulignées là qu'on va voir. Donc il faut qu'on se comprenne. Parce que c'est pour ça qu'il a dit la nation tout entière. Maintenant, prenons un exemple simple pour le cas du Cameroun. Et c'est valable pour toutes les nations en dehors d'Israël. Donnez-moi une raison valable pour que le chef d'État paie la dîme. Une raison. Qu'est-ce qui l'oblige à payer la dîme de Dieu? Y a-t-il un commandement qu'il doit faire? Est-ce qu'il y a un commandement que Dieu a ordonné à Paul Biya ou bien au président de la République dans chaque pays de payer les dîmes? Il ne peut pas. Donc ça ne peut pas concerner le Cameroun. Vous savez pourquoi? À la différence de la nation d'Israël, ça ne s'agit pas de tout autre pays. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que la nation d'Israël a été choisie par Dieu. Et la nation d'Israël est censée être gouvernée par la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait réglé tous les secteurs d'activité. Et même le roi était obligé de se soumettre à la loi. Dans Deutéronome chapitre 17, il avait dit que quand vous serez entré dans le pays, vous allez choisir un roi au milieu de vous. Il fera une copie de cette loi. Afin que lorsqu'il sera sur le trône, qu'il s'étend à vivre d'après ce qui est écrit. Donc, c'est la seule nation sur la terre qui est gouvernée par la loi de Dieu. L'Israël, donc, se réfère comme étant la nation théocratique, comme un signe de l'annonce du royaume de Dieu, où Dieu sera le roi suprême. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, c'est à ce roi, alors, c'est à ce royaume. C'est pour cela que parmi les rois, il y avait effectivement une dîme qu'on devait payer même au roi. D'accord, si vous lisez 1 Samuel chapitre 7, il y a donc le dîme qu'on devait payer au roi. Quand le peuple a sollicité un roi, comme nous parlons tout à l'heure de Saül, il a commencé à dire que okay, si vous prenez un roi chez vous, sachez qu'il va prendre parmi vous vos jeunes garçons, vos jeunes filles pour servir à ses champs, ainsi de suite, pour servir comme les gardes du corps, ainsi de suite. Ils ont dit que nous voulons la loi. Sachez qu'ils vont prendre vos dîmes ainsi et certaines de vos choses. Ils ont dit que oui, on préfère prendre. Donc il a en train de donner comme ça les différentes actions que le roi doit faire, les droits de ce roi-là. Donc quand le roi donc vient, il commence à faire cela. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, ce passage ne peut être vrai que pour Israël, parce que Israël qui est obligé de se soumettre à la loi de Dieu. Vous avez compris, n'est-ce pas? La nation camerounaise n'a rien à foutre. La Bible déclare que tandis que chaque nation marche au son de son Dieu, suive son Dieu, la nation d'Israël marche au nom du Dieu d'Israël. Donc il s'agit du pays dont le Dieu est le souverain. Et dans la Bible, donc dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au chapitre 32, il dit clairement qu'il a choisi la nation d'Israël afin de montrer sur la terre ses lois, pour que Israël serve des signes à d'autres nations. Amen. Voilà pourquoi. Donc il s'agit de la nation d'Israël. Ça ne peut pas être. C'est ce qu'il dit, il faut dire le principe d'élimination. Donc le Cameroun ne peut pas obéir à cela. Parce que le Cameroun a une constitution. La constitution lui dit au préambule que le Cameroun est laïque. Donc ça dit que votre loi là, mettez ça de côté. Donc ils sont éliminés. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà, il s'agit d'Israël. C'est pour ça que quand Israël était en désobéissance, Dieu était obligé d'intervenir dans toute la nation. Et tout ce que le roi faisait, ça impliquait. Et on vient de voir dans 2 Samuel chapitre 24. Quand il a fait le dénombrement, Dieu a frappé tout le pays. Pas vrai? Pourquoi il frappe le pays? Parce que le pays est sous sa responsabilité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Cela étant, si donc c'est Israël dont il est question, il dit apporter à la maison des trésors. Il y a la maison des trésors où ici au Cameroun? Vous me commencez en disant maintenant tranquillement. Vous voyez donc que vous voyez que les problèmes, les pasteurs ont des problèmes, n'est-ce pas? Apporter. On n'a pas n'importe où. Parce que si Dieu dit apporter à la maison des trésors, ça doit être à la maison des trésors. S'il n'y a pas de maison des trésors, ça ne veut pas dire que ça ne t'a pas été donné d'apporter. Parce qu'il faut qu'il y ait la maison du trésor pour que vous y apportiez. Si Dieu dit qu'il y a la maison du trésor à porter là-bas, et que tu dis non, moi il m'envoie dans les chambres, tu es en train d'abouiller à quel commandement? Nous avons des problèmes. C'est peut-être comme tout à l'heure quand je parlais de Ellen G. White, que Dieu a dit que voici le sabbat. Il dit que non, on peut quand même aller me faire parce qu'on ne doit pas changer, on ne peut pas manger la nourriture en hiver. L'hiver a commencé avec Ellen G. White en 18 ans. Quand Dieu avait donné le sabbat là-bas, à ce moment-là, il n'y a pas l'hiver. Donc Dieu ne savait pas qu'il devait avoir l'hiver en interdisant le feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si tu dis non, nous obéissons au sabbat, vous pouvez quand même chauffer votre nourriture. Mais directement, ce commandement, c'est contredit le commandement du Seigneur qui a dit que le jour du sabbat, on ne doit pas allumer le feu. Alors la personne dit que non, comment il y a l'hiver? Ça veut dire que Dieu, elle a interdit indirectement à Dieu que Dieu avait oublié qu'il devait avoir l'hiver. Hein, mes frères, nous avons les problèmes, pas vrai? Alors donc, nous avons résolu deux problèmes. Un, le vous dont il est question, c'est aux Juifs. La nation, c'est la nation d'Israël. C'est toute cette nation qui était frappée de malédiction parce qu'ils avaient quitté la loi de leur père. D'accord? Dieu donne la solution pour que la malédiction quitte. Il dit la solution. Maintenant, vous allez voir effectivement l'effet d'enchaînement. D'accord? L'effet d'enchaînement. Nous avons vu ça en toile de fond avec David. Il fait le dénombrement. Dieu frappe la nation. Quand le livre, dans le livre de 1 Samuel, dans le chapitre 21, cette fois-ci, au chapitre 21 de 2 Samuel, vous allez voir effectivement qu'il y avait la famine de 3 ans. Du temps, la Bible déclare que du temps de David, il y a eu une famine de pendant 3 ans dans le pays. David a commencé à chercher la face de Dieu. Mais pourquoi cette famine celui-là, dans le pays? La famine était là. Dieu a révélé à David que c'est à cause de la maison sanguinée de Saül. Parce qu'ils ont tué les Gabonites. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu lance la famine sur la terre pour résoudre une injustice. Le roi comprend que non, il y a un problème là-bas. Mais si c'est chez nous maintenant, on va dire que vous sont les agrégés de l'économie là. Il faut regarder les irrigations pour que vous produisez, il faut faire les engrais pour que la terre produise. Parce que voilà, les emplois obligataires. Il faut faire cela pour pouvoir produire, parce que la production, il y a beaucoup de demandes. Comment on est en crise, on est en récession. Mais lui, il ne fait pas comme ça. Il va prier, il dit que ce n'est pas normal que la famille arrive sur la terre d'Israël. Parce que la promesse de l'Obsé, c'est le pays où coule le lait et le miel. Où est parti le lait? Si le lait est coupé, le lait, mieux écouté, il y a un problème. Il va chercher quelle est la cause. Dieu dit, c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. C'est dans 2 Samuel chapitre 21. Quel est le problème? Vous lisez le livre des Juges chapitre 9, quand les Israéliens étaient en train de traverser, il y a un peuple qu'on appelle les Gabonais qui avait pris des ruses, venir vers Israël et demander de faire alliance avec eux. Ils ont fait alliance qu'ils ne doivent pas le tuer en jugeant et en jurant. 3 jours après la conclusion de cette alliance au nom du Seigneur, ils ont découvert que Gabon était à côté d'eux. Ils ne pouvaient plus les toucher. Un de ces jours, par le zèle de Saül, il les a tués. Ça, c'est plus de 500 ans que ça s'est passé. Qu'ils ont juré qu'Israël ne doit jamais tuer les Gabonais. Saul les a zigouillés. Quand ils ont zigouillé, Dieu n'a pas répondu, n'a pas riposté sur Saül. Mais c'est sur le règne de David que Dieu a lancé la famine. Une fois plus, la famine a touché tout le pays. Les gens sont au village, ils plantent, ça meurt. Ils ne savent pas ce que Saül avait fait longtemps avant. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Les conséquences. Longtemps avant. Quand ils priment, on dit que c'est à cause de la maison de Saül. David a alors appelé les Gabonites. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour remédier à la situation? Il dit que choisissez 7 enfants de Saül. On va le sacrifier. Donc vous voyez que être enfant de l'ancien président, c'est un problème. Non, ton père fait du mal. Non, c'est lui, c'est mon père, il n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire. Et les enfants des gens qui l'ont tué, vous pensez quoi? Si le ciel réclame qu'il doit avoir justice, on dirait quand tu es quelque part, il y a Bias. Non, ils ne sont pas bien. Il ne faut pas qu'on vienne nous chercher ici. Si il y a Mobutu, l'autre, on peut venir chercher, n'est-ce pas vrai? Si il y a Mobutu, c'est ton nom, tu passes partout. On dit que tu es qui? Mobutu. On te guette d'abord comme ça. Mobutu, le fils de Seseko, on dit oui. Tu vas me sentir ici. Pas vrai, frère? Voilà le problème qui est sur toi. À cause de qui? À cause de ton père. Donc quand ils avaient fini, Saul était mort, on avait pleuré, tout Israël avait pleuré, on a chanté jusqu'à ces malédictions-là soient ressuscitées par Dieu. On a demandé au Gabonais, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? Il dit, donnez-nous 7 fils. 7 de ces fils, qu'on va les pendre, ça va s'arrêter. Quelqu'un reste à la maison, on nous dit, Son Excellence, tu es l'ancien fils de Saül, lui vient. Quand tu partais comme ça, c'est pour aller tuer. Sans savoir exactement ce qu'il en est. Ton père fait, mon père fait, ça fait quoi? Ne suis pas ton père. Hein. L'exigence de la vengeance réclame cela. D'accord, ma chère? Je parle pour montrer l'effet de dégénérescence, de s'en suivre. Que si le roi fait quelque chose, ça touche tout le peuple. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est comme ça en Israël, parce que la nation doit être commandée par la justice de Dieu. Et par conséquent, quand le Dieu donne ce commandement au peuple, ça touche tout le monde, sans exception. Tout le monde doit se soumettre. Dans le temps du temps de Josias et du temps d'Aza, ils ont découvert le livre. Ils avaient été en captivité. Personne ne suivait même plus la loi de Dieu. Un jour, Ikeja et autres, les archivistes, sont allés là-bas dans le temple. Pendant qu'ils remettaient la terre des anciens débris, ils ont trouvé un livre. Ils lisent d'abord que quand vous serez rentré dans le pays, ils ont chanté ces cantiques contre vous, les complaints. Complaints de Moïse, de Deutéronome, chapitre 32. Quand ils ont vu cela, le roi a déchiré ses vêtements de que mince. Donc c'est à cause de ce que nous avons communiqué que la malédiction nous est venue. Ils ont commencé à restaurer la restauration du temple selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils ont commencé à faire ça, Dieu a béni son règne. Donc ça dit que même si le roi rejetait la loi de Dieu, le pays en subissait la conséquence. Ça ne peut pas, donc c'est pas ça, c'est dit clairement à Israël de retourner à Dieu. Et donc ils ont dit, voici la voie de sortie pour Israël, apporter à la maison des trésors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très attentivement maintenant. Je veux toute votre attention. L'architecture d'Israël donne donc ceci. Le roi, les prophètes, le sacrificateur, les lévites qui assistent les sacrificateurs dans leurs tâches, puis maintenant le peuple. D'accord? Dans le livre de Deutéronome, Nombre chapitre 18, il est dit que lorsque tu seras entré dans le pays, que ton pays va te produire, n'oublie pas les sacrificateurs, les lévites. Tu lui donneras la dîme sur tous tes revenus. Parce qu'ils font pour le service, qu'ils font à la tente d'assignation. Parce qu'ils sont, mon peuple, ils sont mon héritage. Donc ils n'auront pas de part. Ils n'ont pas le temps d'aller travailler au champ comme vous, mais vous travaillez au champ. Pour les bénéfices, parce qu'ils sont comme ça, pour expier vos péchés. En retour, vous devez donner la dîme de tout ce que vous a produit chez vous. Écoutez très attentivement. Toi, tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas lévite, donc par contre, tu peux aller dans tes activités. Eux, ils ne travaillent pas ces choses-là. Donc, ils doivent rester là-bas dans le temple d'assignation pour offrir les sacrifices. Quand ils amènent les béliers, ils sacrifient ça pour vous, pour vos péchés. D'accord? Maintenant, ceux qui vont au champ, un de ces moments de nez, on commence à négliger la loi. Dit que mince, des 10 sacs ci comme ça, là, de mandarines. Je prends un sac. Je parle de notre petit gars là, il a travaillé. Quoi? Votre tête ne tient pas. Nos histoires de Moïse, non, on ne passe ça. Quand ils font comme ça, le lévite qui lui-même ne travaille pas, reste tranquille, il a faim. Vous comprenez la situation? Il est obligé de quitter le lieu de service pour aller chercher la nourriture. Parce qu'il n'y a pas la nourriture là-bas. Parce qu'il devait, il y a un magasin où on mettait la nourriture, vous pouvez manger en travaillant. Il n'y a pas cette nourriture là-bas, alors il est obligé de partir. Quand il part, le sacrifice n'est pas fait. Par conséquent, le péché du peuple n'est pas fait. Par conséquent, il y a la malédiction sur le pays, l'effet de dégénérescence. Dieu dit qu'il faut commencer à la base. Il faut donc apporter la nourriture. Parce que vous apportez la nourriture dans la maison, les lévites vont revenir en fonction. Le péché sera pardonné. Le pays va être guéri. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué maintenant, s'humilie, prie, recherche ma femme et se détourne de sa mauvaise voie, du haut de ceux, j'écoute sa prière, je sais sa voix, je guérirai son pays. Amen. Dit les Saintes Écritures. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc c'est à eux qu'on disait. On disait donc de retourner, donc de leur la nourriture, pour que les lévites viennent là-bas pour travailler afin que l'ordre de Dieu revienne. C'est de ça dont il est question. Il dit, mettez-moi de la sorte et que vous ne voyez pas pour vous, je vous ouvrirai les écluses du ciel. Je menacerai le dévoreur. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'il a dit, amenez toutes les dîmes. Parce qu'il y avait les dîmes qui étaient concernées, qui concernaient les sacrificateurs, les dîmes qui concernaient les lévites. Parce que quand le lévite aussi prenait, il était obligé de donner aussi un dixième aussi au sacrificateur. D'accord, ma chère? Donc, il n'y a pas dans les Saintes Écritures aucun commandement que le chrétien donne une dîme. Vous ne trouvez pas? Il n'y a pas de dîmes à donner. Parce que ce sont les dîmes. Il y en a 5 styles. Les 5 styles de dîmes, quand vous entendez l'explication, vous n'avez pas, il n'y a pas quoi que ce soit à donner. D'accord? Le vrai problème, c'est que non seulement tu appartiens à Dieu, tout ce que tu as appartient à Dieu. Voilà le vrai problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez compris? Donc quand tu es devenu chrétien, tout ce que tu as est chrétien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus ma. Là, celui qui est en Christ est mort. C'est ça? Ok. Quand tu dis ma. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, l'enseignement biblique commence. Actes des Apôtres chapitre 2. Ils avaient tout en commun. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Donc c'est encore plus grave que les dîmes. Mais le vrai problème, c'est que les pasteurs disent que donner les dîmes, c'est pour eux qu'ils prennent. Mais vous regardez la communauté chrétienne vivant, le modèle exemplaire des Actes des Apôtres, c'est que la Bible déclare qu'ils étaient tous dans un même lieu, ils partaient le repas ensemble. Personne n'osait dire dans Actes chapitre 2 que cette chose lui appartient en propre. C'était tellement parfait au milieu d'eux. On dit les gens vendaient les biens qu'ils possédaient, venaient mettre au pied des apôtres et on faisait la distribution à chacun selon son besoin. Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Voilà la règle du Nouveau Testament. Nouveau Testament. La Bible déclare donc, parmi eux, il y a un couple qui va encore dire les choses que les Lévites ont dit ici, là, Ananias et Saphira. La Bible déclare qu'il y a jusqu'à au point où même un Lévite appelé Joseph Barsabas va aussi vendre, originaire de Chiva, vendre, venir déposer. La Bible déclare au verset 5, chapitre 5, mais, ça commence par mais un homme, Ananias et Saphira, avec sa femme Saphira, vendit une propriété qui était leur, retint une partie de la somme. Vous voyez cela? Retint une partie. Et quoi que la soeur là, il faut reculer ta chaise comme ça pour que ça ne soit pas écarté. D'accord, ma soeur? Oui, bien. Il vendit ces biens-là et retint une partie. Donc, supposons qu'il a vendu à 2 millions. Il a dit que Pierre-là et les autres, je lui donne tout ça qu'ils ont travaillé. Voilà. Travaillé quoi? Il a pris 1 million 500, gardé quelque part. Parce que si c'est grave dehors, si la famille est grave, il s'est récupéré là-bas. Écoutez, dès qu'il s'est présenté en assemblée, Pierre a dit, la question que Pierre lui parle, il devait savoir que quelqu'un d'autre en train de lui parler. Ananias, oui, tonton Pierre, est-ce à ce prix que tu as vendu ces champs? Tout le monde dépose ses offrandes, on ne dit rien. Mais lui vient déposer sa part. Est-ce que, pas étonnant qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cela. Parce que quelqu'un passe prostitué, quelqu'un vit avec un homme marié. Il prend les enfants, il vient donner là-bas. Tout est marié. Le petit ami, l'autre soit même qu'avec ton petit ami en classe, dans l'adoption. Il prend, il donne, il met là-bas. Le pasteur dit seulement que donner, vous serez béni. Donc Dieu a béni votre relation là. Alors la Bible déclare ici que quand il a amené cette offrande, quand Pierre l'a regardé, il a dit Ananias, est-ce assez pris que tu as vendu ces chances-ci? Et il met. Oui. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi as-tu mis pareil destin dans ton cœur? Après que tu aies vendu le champ t'appartenait d'abord, non? Oui. Quand tu as vendu, l'argent était pour qui? Pour toi. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais si la première question qu'on lui a posée, est-ce assez pris que tu as vendu ces champs? S'il disait non, il ne doit pas avoir de problème. Vous voyez? Il ne doit pas avoir de problème. J'ai vendu, j'ai retenu une partie. Ok, j'ai décidé de vous, avec mon épouse de vous apporter ceci pour les saints. Le retour, nous allons garder ça pour nous. Le problème se serait réglé là. Mais là, il dit que oui, c'est à ce prix-là. Il dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti. Donc, vous voyez que faire un service devant Dieu sous la nouvelle alliance, dans le mensonge, vous entrez dans le Saint-Esprit. La règle là-bas, sur le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament pour vous dire qu'ils sont sous la grâce. La grâce a commencé par eux-là. La grâce a commencé par les tueries. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je dis, la grâce a commencé par les tueries. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est à Dieu. Donc, l'apôtre Pierre lui explique que celui qui te posait la question, c'était Dieu qui t'a posé la question. Il dit, en entendant cela, il tomba et expira. Il est tombé, il est mort. Il a demandé d'aller l'enterrer. On a parlé de déclarer la mort que non, quelqu'un fait. Donc si vraiment le Saint-Esprit vient, les gens vont mourir comme ça. Alors, sur le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Quelques minutes plus tard, on entre, comme les femmes sont, ils partent toujours à Réunion, ils sont allés au marché acheter des tomates. En passant, ça allait, maman Tagne avant de venir passer ici. Elle entre. Maman, ça fait le bonjour. Bonjour. Ne sachant pas que son mari avait été enterré. Je veux que vous regardiez l'autorité que Christ a donnée à l'église. Ils peuvent tuer. Ils tuent effectivement. Quand ils tuent dans tes sans donner de compte rendu à quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans une assemblée d'un pasteur, on a peur de prier. Parce que s'il prie un dos ici, mais on va venir dire qu'on a tué quelqu'un. Parce qu'on a peur. Si Christ a envoyé et qu'il déclare la mort, il tue seulement. Vous avez vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dans chapitre 13. Alors qu'il vient de parler au proconsul, il y avait un monsieur là-bas, on l'appelle Bar Jésus. La Bible déclare qu'il faisait obstacle, À un moment donné, quand le Saint-Esprit est entré en scène, il s'est tourné vers lui, il dit, homme, fils du diable, ouvrier d'iniquité, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de tout pervertir les voies justes du Seigneur? Voici l'obscurité tombera sur toi, tu ne verras point de lumière. À cet instant, ses yeux sont fermés. L'église du Seigneur Jésus-Christ, les armes offensives et défensives de la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut faire attention quand on se tient là, parce qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc quelqu'un peut tomber là, expier. Tomber, et si vous tombez, il y a le sable, c'est même plus facile. On creuse avec la main, on te met dedans, on continue ici. Parce qu'en réalité, oui, absolument. On tentait là, parce que la Bible dit qu'on l'a sorti, on l'a l'enterré, on a continué la réunion. C'est pas ça, hein? Parce que quand les gens ont enfoui, enterré, on tapait la main comme ça, ils sont revenus. Que Pierre, tu disais quoi? On continue avec Ananias, avec Saphira. Quand Saphira est entrée, on a dit Saphira. S.A.C. puis là, vous avez vendu le champ à combien? Il dit 500 000. Il dit, comment vous vous êtes accordé pour venir tenter le Saint-Esprit? Vous voyez cela? Or, dans leur réunion à la maison, ils n'ont pas dit, tentons le Saint-Esprit. Leur action était mauvaise parce que dès le départ, l'église marchait dans l'amour. Tout était commun entre eux. Voilà la loi de l'église du Seigneur. Vous me suivez? Voilà. De tel enseignement qu'au chapitre 6, lorsque les hellénistes et les femmes hébreues ont commencé à avoir des mumus, on a dit choisissez parmi vous sept hommes de qui on rend bon témoignage. On a élu les gens et parmi et Procore, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la répartition des différentes tâches, des différentes choses qu'on distribuait aux veuves. C'est ce qu'on faisait chaque jour. D'accord, mes soeurs, d'accord, mes frères. Alors, la prescription de l'Église, c'est la libéralité. Si vous savez que Christ est mort pour vous, vous comprenez effectivement que par notre service, nous devons nous sacrifier pour les frères, les uns, les autres. Dans Galates chapitre 6, au verset 9, 8, 9 et 10, la Bible déclare que si quelqu'un s'impose sa chair, il moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui semera de la vie éternelle, pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne vous lassons pas. Donc, notre vie, c'est une vie successive de bien. D'accord? Il fait du bien surtout à tous, mais surtout aux frères dans la foi. Donc, remarquez bien, on fait aux gens de la foi, on fait aussi à tous. Vous avez compris? Bien saisi. Jacques chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notez aussi 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens le chapitre 16. Ouais, qu'une question biblique, on est obligé d'aller dans toutes ces directions pour essayer de classer, nettoyer tout ce qui a été perverti, pas vrai? Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, je crois que ce serait bien que je. Jacques. Juste après. Voilà. Comme vous êtes dans Jacques, notez Hébreux au chapitre 13. J'ai dit notez le livre de Jacques, chapitre 2. Notez Hébreux, parce que Jacques est proche de Hébreux, d'accord? Notez Hébreux chapitre 13. On va y revenir tout à l'heure, donner le verset. Notez 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Que Dieu vraiment vous bénisse. Non. Vous avez déjà ouvert Jacques, tout le monde? Ok. Jacques chapitre 2. Nous allons lire. Tout le monde n'est pas là. Ok. Hébreux. Non, attendons d'abord. Hébreux chapitre 13. Hébreux d'abord. Non, tu es dans Daniel là, ma soeur. Ici à Jacques. Jacques, c'est là. Voilà, c'est Hébreux 13, d'accord. Donc, après, on va y aller directement. C'est Jacques, okay. Au chapitre 2. Ce sera bien que tu lis dans ta version extraordinaire ici, d'accord. Okay. Allons-y. On y va. 1, 2, 3. Elle va lire, d'accord. Amassé, lis un peu à haute voix. Chapitre 2, à partir du verset 1. Alors, suivant. Okay. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus qui soit libre de tout favoritisme. Oui. Supposez en effet quand dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux et quand aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Oui. Et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout. Mmh. Ou bien, assieds-toi par terre, à mes pieds. Mmh. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Amen. Mmh. Alors, donc, la Bible, par le Saint-Esprit ici, dit clairement que les places dans les assemblées déjà réservées est une mauvaise inspiration. N'est-ce pas? Donc quand vous entrez maintenant, vous voyez effectivement que ça c'est la place où vous pouvez vous asseoir là-bas. Parce que c'est réservé, c'est la place de tel, il y a déjà un problème. Là c'est la Bible. Vous avez la Bible en face de vous, face aux gens qui sont censés vivre la Bible. Et vous verrez que dans ces assemblées, vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe où. Quand vous voyez, on vous oriente assez là-bas. Je ne peux pas m'asseoir ici, là où il y a la mousse, pourquoi? Non. Là-bas il y a le ventilateur. Ici, il y a le truc là-bas avec la fleur, avec l'eau. Vous ne pouvez pas boire l'eau. En état, vous tournez le mouchoir comme ça, comme moi, comme ça, vous tournez comme ça pour vous vient. Parce que là-bas, c'est place. En état, vous chantez ce que pour vous vient avant que le pasteur entre. Le pasteur entre. Il a même d'autres, leur porte, c'est seulement eux qui passent là-bas. Il peut passer dans votre milieu. Il passe là-bas, il y a le tapis rouge qu'on a mis comme ça pour monter là-bas. Il monte là-bas, il s'assoit, le vent s'attend sur lui. Il dit, oh, quand il entre, c'est là où tout le monde se lève, que oh, l'homme de Dieu est venu. Mais votre Bible dit le contraire. Voici la Bible face à la réalité. Vous prenez donc quoi maintenant? On dit que loin de Dieu vient. Effectivement, il est loin de Dieu, justement, effectivement. Il est loin de Dieu, n'est-ce pas, ma soeur? Il est loin, vraiment loin. Il est vraiment loin de Dieu. Très loin de Dieu. Ouais, c'est elle qui avait dit qu'on ne juge pas les joints de Dieu. Maintenant, elle dit qu'elle lui-même, il est très loin de Dieu. Voilà, c'est la compréhension qui a évolué maintenant. Donc, vous voyez ce qui se trouve dans ces écritures. Oh, vous vivez ça. Vous vivez ça quand vous allez dans les assemblées. Vous entrez que on dit, ah, vous pouvez vous asseoir. Ici, c'est la place de presse. Donc, quand vous entrez dans l'assemblée, on dit, ça, c'est la place des anciens. Ça, c'est la place de Sissi. C'est la place. Pour ceux qui ont les églises ou ont les caméras, on fait tout pour que ceux qui sont bien habillés soient devant. Il faut qu'on voit que tout le monde vient pour que tu sois bien à la télévision. Ils appellent ça le trône. Le trône. Ils sont sur le trône. Ah, l'hôtel. À l'hôtel. Il y a un enseignement sur l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel au milieu chrétien. Il n'y en a pas. Ils disent qu'ils sont sur l'hôtel. Donc il faut venir à l'hôtel de nous offrir à l'hôtel. C'est possible à l'hôtel. Il y a des enseignements concernant ça. Il n'y en a pas à l'hôtel. D'accord. L'hôtel où Dieu nous a invités là-bas, c'est surtout ici à l'intérieur. Alléluia. D'accord. C'est là-bas qu'il faut aller. Mais nous avons des problèmes. Voilà la Bible qui vient de dire. Nous parlons des offrandes et c'est la façon que ça va se passer. Maintenant, voici dont nous nous retrouvons. Quelqu'un entre, il est pauvre. Maintenant, si il est pauvre, la Bible déclare dans Deutéronome, dans Proverbe chapitre 19, que le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a fait. Celui qui outrage le pauvre insulte celui qui l'a fait. Le pauvre est parmi nous pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on puisse le soutenir. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 18 à 20, que Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et même les membres que nous considérons comme les plus négligeables doivent être entourés de plus grands soins. Donc c'est la personne qui a beaucoup plus besoin de nous. C'est lui justement qu'on néglige là-bas. On ne peut pas lui donner les fonctions. Les fonctions, c'est qu'on en fait balayer. Quand on finit l'église, là, range les chaises. Mmh. On regarde là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a des indices dans les églises. Mmh. Suivez-moi tout le monde. Là-bas, tu regardes où il travaille. Celui-là, il travaille où il est cadre à la Sonnel. Oui. Mmh. Combien 400 000. Mmh. Il faut lui dire qu'il veut voir la réunion. À la réunion. Mmh. Mmh. Quand il y a la réunion, on le nomme ancien. Conseiller. Devant ancien. Conscient. Devant ancien. Conseiller et devant ancien. Ah, parce qu'il peut conseiller le pasteur. Il est proche du pasteur. Il a l'argent beaucoup. Oui, parce qu'il faut le retenir pour qu'il ne parte pas. On regarde ton accoutrement. Oui. La famille. Le jour où cet homme l'a dit que j'ai le problème de l'emploi là-bas, mon salaire passe, puis on m'a chassé de travail. Son travail aussi fini là-bas. Son travail est censé finir parce que c'est pas son travail qu'on avait employé, c'était son porte-monnaie. Où est là on se trouve, n'est-ce pas, frère? Non, si on t'emploie et que c'est eux qui t'ont employé, là, ton salaire, tu ne touche pas. Il vit d'abord. Oui, puisqu'il faut qu'il voit ton salaire, il voit que tu es fidèle. Il travaille là-bas. Un de mes cousins est dans une église. Oui. Il touche 150 000. Là, les 50, c'est le pasteur qui l'avait trouvé. Le travail. Donc, chaque fois qu'il a son salaire, c'est le pasteur qui a son salaire. Oui. Donc, lui, il est toujours un Jean. Ouais, on se trouve, n'est-ce pas? Lui, le pasteur vit, il enlève sa dîme, quoi. Mm-hmm. Automatiquement. Donc, il donne ce qu'il faut lui donner. Que Dieu nous délivre donc sous le joug des saints lourds, pas vrai? Amen. Même la famille, on regarde même. Même la famille? Oui, on regarde si tu as une famille posée. Hein. Posée. Si ta famille a un nom. Oui, même la richesse. Oui. Si peut-être dans la famille, il y a peut-être le frère qui est peut-être cadre. C'est pour ça qu'ils viennent de la famille. On insiste avec les prières pour que tout change. Non, que fais-les venir. Ils sont bien. À l'étranger. Enfin, voilà. À l'étranger. Ils ont beaucoup d'argent. C'est là où on te prend maintenant comme ancien. Bon, moi je vous pose la question. Quand quelqu'un fait ces choses-là, l'inspiration, s'il vient du Saint-Esprit? Non. Donc, il est loin de Dieu ou bien c'est un loin de Dieu? Très loin de Dieu. Je commence encore. Il dit qu'il est loin de Dieu. Ou bien il était un loin de Dieu. Donc, il ne faut pas confondre les gens qui sont loin de Dieu et les gens qui sont loin de Dieu. D'accord? Je voulais mettre une précision. Oui. Les conseillers n'ont aucune formation biblique. Oui. Ils sont là par rapport à leur porte-monnaie. Mais les anciens d'église ont une formation. Oui. C'est la différence entre les deux. Bon, la question là, c'est que qui forme les anciens? Ce sont les pasteurs. Donc les pasteurs qui sont les anciens. Mais la Bible déclare que les anciens sont le plus haut hiérarchie de l'église. Oui. Donc le plus grand au milieu de l'église, c'est les anciens. Donc on a encore un paradoxe là-bas. Donc l'ordre de l'église, c'est que c'est les anciens qui coiffent. Mais vous voyez un pasteur, il dit que non, j'ai nommé mes anciens. Oui. On va se renverser aujourd'hui là. Vraiment. Non, mais si j'insiste, c'est parce que moi je suis ancien. Non, on arrive. Ah, ne t'inquiète pas, je vois. Ne t'inquiète pas. Depuis que tu es assis là-bas, il arrive. J'ai bien dit que vous posez des questions ici tout à l'heure là. Comment tu vas en train de peser la serre rapide? Il arrive, frère. D'accord. Donc, j'arrive. Attends, ma soeur, ne parle pas. Ne parle pas. Wow, je vais poser une question. Vous me levez seulement la main et vous dites si vous avez déjà vu. Avez-vous déjà vu le poste de conseiller dans l'église du Seigneur dans la Bible? Non. Ok, maintenant, quand tu dis que les conseillers sont cette chose-là, ils prennent où pour mettre conseiller? Bon, si ça ne se trouve pas dans la Bible, on les prend où pour les mettre? Quel est le poste qu'on leur octroie? Le support de l'église. Le support, bon, qui a donné? Jésus ou bien eux? Les hommes. L'église, c'est pour les hommes ou c'est pour Jésus? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? L'homme doit s'interférer aux choses de Dieu en y mettant ses pensées. Qu'est-ce qu'on devrait faire si on entend ceci? Il doit se repentir et casser cela. On doit marcher sur la loi de Dieu. Maintenant. J'avance. Même si c'est fâché, est-ce qu'il y a un problème? Elle aime la vérité. Je peux poser une question? Amen. Je te pose une question. As-tu déjà vu une femme ancienne dans les Saintes Écritures? Non. Tu es ancien en vertu de quel verset biblique alors? Ça cuit vraiment. dites à ma soeur, à votre soeur, courage à toi. Et bienvenue dans notre milieu. Bienvenue dans notre milieu. Il faut qu'on l'aide, d'accord? Amen. Vous voyez la seule année, n'est-ce pas? J'étais laissé en crête, titre chapitre 1, verset 5. J'étais laissé en crête afin que si j'y trouve quelques hommes fidèles, vous voyez cela, mariés d'une seule femme. Donc on ne dit pas homme grand âge pour dire que humanité. Donc le fait qu'on dit mari d'une seule femme veut dire clairement que l'homme de parler c'est le sexe masculin. Donc il n'y a pas de possibilité de tourner les écritures. Quel homme marié qui soit établi, évêque. Vous voyez cela, parce que le mot évêque c'est le mot ancien. Amen. D'accord? Évêque. Et surveillant. Quel homme marié ayant des enfants fidèles. Il faut qu'il s'occupe, d'abord de la maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendre soin de l'église et Dieu? Près de 19 conditions sont à remplir pour être ancien de l'église. Donc être homme n'est pas suffisant. Être homme n'est pas suffisant. Dans Jacques chapitre 3, il est dit dans Jacques chapitre 3 que mes frères, qui ne soient pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez comment sera jugé plus sévèrement. Donc être homme, c'est une condition déjà des sexes. Donc si tu es déjà une femme, tu es disqualifié même si tu respectes les autres 19 conditions. Parce que la qualité des premières, il faut que tu sois homme. Si tu n'es pas homme, même si tu respectes pas que conditions, ça va. Maintenant, si tu es homme, autre condition continue. Lorsqu'on dit dans la constitution, dans l'article qui traite du président de la République, que pour être président de la République du Cameroun, pour faire acte du président de la République, il faut avoir 35 ans révolus à la date de la candidature de l'élection. N'est-ce pas? N'avoir été condamné, ce sont les conditions. Si tu respectes toutes les conditions, tu dis non, j'ai 34, 39 jours. Tu as 35 ans? Non. Et tu ne peux pas aller expliquer cela à la constitution ou constitution que vous pouvez faire une marche pour qu'il puisse avoir. Parce qu'on dit 35 ans. Mais c'est la loi des hommes. On est rigoureux pour enregistrer ta dossier et tu ne peux rien faire. Alors, comment faisons la loi de Dieu? Vous voyez que nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Nous avons des problèmes. Tu es quoi, ancien d'église? Tu es quoi? J'ai le ministère des chants. Vraiment? Chants. Donc, comme nous avons de chanter pour la gloire de Dieu, comme ça, c'est le ministère, quoi. Des choses qui ne se trouvent dans la Bible. Vous voyez, quelqu'un dit que tu es quoi? Je suis le cardinal. Cardinal, c'est quoi? Tu respectes les 4 points cardinaux? Et non. C'est un titre. Lequel? Tu es quoi? Je suis archbishop. Quoi? Archbishop, le chef des évêques. C'est quand encore que titre ça? Parce que la Bible enseigne que les derniers, c'est les évêques. Il n'y a plus rien. Pape, ça veut dire père. Et pour embrouiller les gens, il dit pape. L'autre dit abbé. Abbé, ça veut dire pape en réalité. Oui. Pape vient du latin qui veut dire père. Abbé vient du grec qui veut dire père. Donc tu inscris, tu dis en français mon père. Après tu dis que le pape, tu viens de dire le père. Tu dis abbé, c'est le père. Donc tous sont des pères. Donc vous embrouillez en français, en anglais, en grec, en hébreu, en latin. C'est ça peut-être qui nous embrouille. Jésus dit sur la terre, il y a un seul qui est père. C'est votre père qui est dans les cieux. C'est lui seul que vous devez appeler. Alors maintenant, vous voyez que il ne faut pas utiliser deux poids, deux mesures. La même sanction rigoureuse que vous voulez utiliser contre l'Église catholique, contre tout docteur, vous devez employer ça n'importe où, quiconque. Parce que les Saintes Écritures s'imposent à tous. Nous devons respecter la Bible telle qu'elle se doit. Parce que la Bible est écrite, quand vous voyez, il n'y a pas la Bible, on n'a pas écrit le nom de quelqu'un à l'entête. C'est la Bible, c'est les Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Corriger, c'est-à-dire que si j'étais dans l'erreur, je me corrige à partir d'aujourd'hui. D'accord? Souvenez-vous que ce n'est pas un homme qui va venir juger. Oh, le papa qui était, c'est la dernière fois qu'il parlait de qu'il a ses cahiers d'écologie, va venir là, votre papa là. Il a dit qu'il va protester jusqu'à la fin. Peut-être. Il n'est plus jamais revenu. En tout cas, on a reçu la vérité. Il me tourne vers notre soeur. Bon. Comment tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Ou bien encore, je pose encore la question. Veux-tu servir Jésus qui a inspiré cette Sainte Écriture dans son église? Ok. Continueras-tu à protester donc contre lui? Que vas-tu faire? C'est-à-dire quoi concrètement? Donc si tu avais été prostituée, tu ne sortiras pas de la prostitution. Mais c'est la prostitution que tu as en train de faire. C'est absolument cela. La prostitution de la Bible, c'est servir Dieu autrement qu'il en a dit de servir. C'est ça la prostitution. La Bible. personne va peut-être rendre compte là-bas. Et comment? On va leur rendre compte que tout passe vraiment. Depuis que le Seigneur m'a appelé, ça m'a coûté les amis. Ça m'a coûté des relations. Ça m'a coûté tout. J'ai dû arrêter à l'université à cause de lui. On m'a appelé, on a dit que tu as choisi ton camp. J'ai dit oui. Il dit que qui paie ta pension. Si j'ai les diplômes, ce diplôme, il m'amènera-t-il au ciel? Non. Non. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est un accessoire. Dans la Bible, David était derrière le troupeau. On a les diplômes du gouvernement derrière le troupeau. Mais il est allé dans le règne. Il a régné plus que les gens qui sont allés à l'ENA. Quand Joseph est sorti de la prison, il a donné la loi économique. Comment faire pour sauver le monde de la famine? En prison, on enseigne l'économie, frère. Mais il est agrégé en économie des dieux. Les sages qui sont en Égypte, là, ils étaient où pour trouver la solution? Vous voyez de quoi il est question, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui doit gouverner. Alors, donc, ça veut dire que soit nous servons Dieu, comme Dieu dit, soit nous ne servons pas Dieu, comme nous sommes dans l'autre camp. Ou bien, vous choisissez la loi de l'homme. Mais quand tu as servi la loi de Dieu, sois en su et certain que tu n'es pas en servi Dieu. Même si tu dis n'importe quoi. Quand vous voyez une femme se présenter et dit que je suis apôtresse, à cet instant-là, la Bible l'a rejetée. La Bible l'a rejetée parce qu'elle ne trouvera pas sa place dans les Saintes Écritures. Puisque les pasteurs que nous avons vus tout à l'heure, là, qui prennent la Bible pour trouver avec l'argent, prennent la Bible pour lire. Et grave, ils se font appeler serviteurs de Dieu. Tout le monde pour avoir de l'argent. Donc, s'ils sont faux et qu'ils font ce qu'il faut, parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur place, enfin, leur place est dans la Bible, c'est même bien vrai. Ils sont les faux. Donc, ils ont leur place. Mais la femme n'a pas sa place là-bas pour enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais qu'elle soit soumise aussi, comme le dit aussi la loi. Fin de citation. Maintenant, c'était haut. Tu vas trouver ça dans la Bible de toute façon. Qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs maintenant? Je ne permets pas. Donc, ça les a refusés. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas péché, c'est elle qui a péché pour lui. Donc, si vous voulez aller commencer à prêcher, allez régler le problème original. Hébreux chapitre 13, donc. Courage, donc, ma soeur. Courage. Donc, vous voyez qu'elle doit démissionner, n'est-ce pas? Non seulement démissionner, mais cesser de protester. Oui, ma chère. Je ne vois pas toute la Bible, mais le fait que je connais, j'essaie de m'arrêter seulement ce que je connais. Amen. Oui. La Bible, si je me trompe, parvenez à moi tel que vous êtes. Oui. Est-ce que le fait que je sois ancienne d'église par rapport au monde. Non, tu n'es pas venu à Jésus. Ah, mais la phrase que tu viens de citer est contraire à ce que tu viens de dire. Parce que tu n'es pas venu à Jésus ancienne d'église. Quand il dit venez à moi tel que vous êtes, c'est parce que vous pouvez nettoyer de votre péché. Oui. Ou tu viens avant que Jésus-Christ ne ôte le péché. Mais ici se trouve un acte clair de désobéissance. Parce que tu es venu à Christ. Quelqu'un t'a installé un poste qui n'est pas sien. Donc maintenant, refuser de quitter, c'est la désobéissance. Mais il a aussi dit qu'il ne se souvient pas des temps ignorants. Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Mais non, je sais. Ah, mais donc... je ne veux pas empêcher ce que je suis déjà. Mais tout ce que je veux dire, c'est que. Oui. Ce que je veux dire, c'est que. Oui. Le fait que je sois femme et ancienne d'église n'empêche en rien que je prêche Christ. Hébreux. Non, il n'y a pas de problème. Alors, permets-moi de lire d'abord. Attends d'abord, ma soeur, on va y revenir. D'accord, j'arrive là maintenant. Je vais arriver et je vais prendre une autre posture et tu vas répondre selon la même réponse. Hébreux, chapitre 13 ici. Nous sommes au niveau des dîmes. Nous voulons conclure avec l'affaire des dîmes et des offrandes. Parce qu'on a fini avec les dîmes. Il fallait maintenant voir comment ça s'est passé avec l'église. D'accord. Hébreux, chapitre 13, verset. Tu me donnes le verset 15, frère. Verset 15. Oui. Hébreux, chapitre 13. Oui. Par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Oui. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Attends, stop. Entouré, bienfaisance, libéralité. On dit, n'oubliez pas quoi? La bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend. Plaisir. Je ne veux pas voir comment la Bible dit un peu plus clairement. Si vous faites autrement, voilà le sacrifice donc qui est agréable à Dieu. Vous devez vivre, enfin, on a déjà vu cela, que votre vie doit être bien pour tous les croyants, et pour tout le monde et principalement pour les croyants. Bienfaisance et libéralité. Quand vous voyez libéralité, vous voyez effectivement que donner avec un cœur simple, c'est tel que ce ne soit pas par contrainte. N'est-ce pas? Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, ma soeur, je reviens à toi. On me dit que tu prêches, tu rencontres une prostituée. Elle sort avec ton mari, peut-être tu ne savais pas qu'elle sort avec ton mari par derrière. Elle te cite ce même verset que non, je dois rester tel que je suis. Elle signe gangan sur ton mari. Tu fais quoi? Je vais reprendre sa famille. Oui. Parce que la prostituée ne s'est pas approchée du Christ. Est-ce pas cette même prostituée qui a offert le parfum cher? Est-ce qu'il l'avait repoussé parce qu'elle était prostituée? Nous parlons de deux choses différentes. Cette prostituée, quand elle est venue à Christ, est-elle demeurée prostituée? Donc elle a quitté la prostitution. Elle a quitté parce que la prostitution, c'est sa part de désobéissance. Donc c'est ce qui l'empêchait d'être dans le service de Dieu parce que Dieu, la parole condamne la prostitution. Quand elle s'est approchée de Dieu, elle a changé la prostitution. Elle n'est plus demeurée prostituée puisqu'elle a suivi Jésus partout maintenant désormais. Pas vrai? Maintenant, je dis en citant la parole que tu as citée tout à l'heure, que venez à Christ tel que vous êtes. Donc, comme tu es là, tu ne peux pas changer. C'est la prostituée, donc celle qui soit avec ton mari, dit qu'il ne peut pas changer aussi ce que c'est. Tu amèneras là. Tu vas chercher par la Bible pour lui dire que non, tu dois quitter ça, non? Mais comment tu vas faire pour lui dire? Dans quoi, sur quoi vas-tu te baser pour dire que non, il faut que ça se sépare? Prenons même pas que ce soit ton mari, parce que là, c'est encore très grave. Si c'était une femme qui vit avec des petits amis ou bien qu'elle soit avec le mari d'autrui. Mais normalement, tu dois la conseiller que c'est la fornication. Qu'elle doit arrêter cela. Mais d'après le verset que tu viens de lire, le verset ne semble pas dire cela. Parce que s'il faut venir à Christ tel que tu es, ça veut dire que comme elle a la fornication, qu'elle reste comme ça, mais qu'elle soit à Christ. C'est ce que ça semble dire. Pourtant, la Bible en train de dire plutôt que vous venez à Christ tel que vous êtes, il vous nettoie. Quand tu nettoies, tu ne dois plus vivre dans la mondanité. Amen. La femme qui, dans Jean chapitre 8, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, les gens la condamnaient. Christ, et la Bible déclare clairement que c'était vrai parce que Jésus n'a pas dit qu'elle n'a pas commis l'adultère. La Bible déclare que si parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Personne n'a fait parce que tous étaient coupables. Il est resté tranquille avec cette famille. Il dit, où sont tes accusateurs? N'ont-ils pas condamné? Ils ne l'ont pas fait. Il dit, dans ce cas, moi-même, je ne te condamne plus. Il n'est pas resté tranquille. Il a dit, va, ne pêche plus. Donc, c'est réglé, ne le fais plus. Tu as vu, elle est venue à Christ, on l'a amenée à Christ telle qu'elle était. Telle qu'elle était, elle était adultère. Elle est quittée là-bas, n'est plus adultère. D'accord, ma soeur? Il fait tout à l'heure, tu voulais parler. Je voulais simplement citer un verset. Oui. Il faut aider également ma soeur, c'est que puisqu'elle elle nous fait croire qu'elle veut véritablement servir le Seigneur. Oui. Elle aime le Seigneur, qu'elle aime la vérité. Il y a cette parole du Seigneur Jésus qui dit, si quelqu'un veut être... Vous attendez là-bas, hein? Si quelqu'un veut être mon disciple, oui, il renonce à lui-même. Mmh. Ce renoncement-là signifie justement de lâcher prise par rapport à cette position-là, par exemple. Mmh. De ne pas dire je ne peux pas. Oui. C'est une exhortation. Mmh. De ne pas dire je ne peux pas. Mmh. Parce que, puisqu'il est démontré par les Saintes Écritures que tu ne peux pas être disciple du Seigneur en faisant exactement le contraire de sa volonté. Absolument. Il a dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole, mes commandements. Donc tu ne peux pas être disciple du Seigneur en lui disant, moi je ne peux pas changer ce que je suis déjà. Il est question de déposer tout. Et elle n'est même pas d'abord quelque chose, elle est une femme, elle ne peut pas changer cela. Voilà. Mais on l'a introduit dans quelque chose. Dans quelque chose. Qu'elle ne se trouve pas. Mmh. Donc il y a là lieu de choisir entre la gloire des hommes qui vont continuer à me voir comme la considération humaine. Et s'humilier et suivre Jésus-Christ. Amen. Il dit qu'il renonce à lui-même mmh. et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Amen. Si on s'accroche à cette parole-là, on fait déjà cette. Je crois que la soeur a écouté l'exhortation. Oui, ma soeur. Moi, j'ai un témoignage à lui faire. Amen. Moi, j'ai en classe de troisième, je suis devenu adventiste. Mmh. Donc, c'est à toi, c'est pour toi qui parlais oui, ici-là. C'est de moi. Parce que l'école adventiste, oui. Du collège jusqu'à. Mmh. Bon, on est obligé d'être adventiste parce que tu es obligé. Oui. Adventiste par obligation. Exactement. Ou bien par. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, quand je suis converti de. Vous entendez là-bas? Je suis quitté de l'église catholique où j'étais fervent choriste. Oui. J'ai chanté avec le Mendoza. Vous voyez comment Caladier dit fervent? Vous voyez comment son visage change, non? Fervent. Vous voyez que la fervent. Parce que je suis une très grande choriste. Mmh. Parce que vous qui avez chanté Mbamba et ça? Oui, bon, j'ai chanté beaucoup. Mmh. Quand j'ai donc quitté l'église catholique, c'était la bagarre de mes parents. Mmh. On a refusé de me payer l'école parce que je suis devenu, j'ai changé de religion. Parce que obligatoirement, je devais être adventiste. Oui. Ma maman a pris tous mes habits, mes grands frères, tout, on m'a abandonné. Comme tu veux suivre la voie de la vérité, tu vas te plonger dans l'eau alors qu'on t'a déjà baptisé. Mmh. On m'a pu payer l'école. J'ai commencé à payer mon école, moi, on m'a fait mes sous-métiers. Mmh. Parce que j'ai cru, je me suis baptisé à cause du baptême. Mmh. Et comme vous êtes entendu, j'ai perdu tout le monde, mes copines, tout le monde me vexait. Même la Bible, quand j'avais la Bible, on disait que c'est pas la Bible catholique, ça c'est la Bible des secteurs. Mmh. Donc je venais de la CES là que quand on veut prendre une certaine décision, une certaine tenue, ce n'est pas elle-même qui est venue, c'est Dieu qui l'a conduit. Amen. Ce n'est même pas elle-même, peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle est assise là. Mmh. Donc elle doit savoir que le moment est venu qu'elle doit prendre une décision dans sa vie. Amen. Parce que vous savez pourquoi c'est l'une des choses que j'aime sur le Seigneur, c'est que quand tu as écouté, tu ne peux pas enlever. C'est ça le problème. Quand tu as écouté, parce que tu, même si tu brûles ta Bible, le jour que tu vas ouvrir, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Vous ne pouvez plus jamais entendre. Même si tu dis que j'ai un ami, il était venu chez moi quand il était à l'université, j'avais écrit sur la porte, si tu rejettes Jésus comme ton avocat, tu le rencontreras comme juge. Il vient s'asseoir sur la porte, il en devait lire. Et si tu rejettes Jésus comme ton avocat, tu le rencontres comme un juge. Il dit que j'ignore, j'ai pas lu. J'ai dit tu as lu. Il a lu effectivement. D'accord. Il a lu. Puisqu'il a prononcé, il a lu la phrase jusqu'à la fin. Donc il sait de quoi maintenant. À partir de maintenant, il a intérêt à l'accepter comme avocat parce que la conséquence c'est qu'il va le rencontrer comme juge. Comme juge. Il a, le renseignement est donné. Donc le conseil qui est plus donné que. Elle n'a pas à regarder que là le titre, là, le titre ne vient. Qu'elle sauve sa vie, qu'elle sauve. Comment tu peux dire? Oui, ça compte. Je ne m'attarde pas sur le titre. Non, oh, non. Titre n'est qu'un accessoire. Oui, non, je vous comprends. C'est juste pour vous. Parce que vous avez dit tout à l'heure que. Elle ne peut plus rien. C'est déjà là. Le fait que je renonce ne sert à rien que quand je vais manger. C'est ça. Non, on t'appelle, tu dis que tu n'es pas comme ça. Quand quelqu'un est prêtre catholique et on l'appelle Monseigneur, si il s'est converti à Jésus, on va le dire la prochaine fois, mon père, il va dire ne me faites pas cela. Passe la gloire du Seigneur, justement. C'est simple. Ça va piquer progressivement. Donc maintenant, vous n'êtes pas sur le point de dire les gens vont tuer ma conscience à faire comme ça. Il faut que tu prennes d'abord ta position à toi. C'est exactement ce qu'il en est, d'accord? Courage, vraiment, courage. Courage. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur m'a visité, en 2005 et qu'il m'avait appelé. Bon, depuis la naissance, je savais que c'est pourquoi il est censé faire. Un jour, dans toute la nuit, alors que j'ai prié des minutes, peut-être jusqu'à 4 heures, et que quand le Saint-Esprit est venu, et qu'il m'a dit ce qui devrait se passer, y compris vous qui êtes assis ici, concernant ces choses-ci, cette nuit-là, il a dit, si tu fais le choix, tu auras des problèmes de persécution, les gens vont te fuir. C'est pour ça que quand les gens parlent, je ne dis absolument rien. Il dit, voilà ce qui va se présenter, des persécutions vont t'attendre dans tous ces choses. Voici ce qui est d'être présenté. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez très attentivement. Vous connaissez Koto, Apisport, on descend, Apisport. Vous connaissez la colonne, on descend. Et on remonte pour aller au carrefour des immeubles. Nous habitions aux immeubles là-bas. Je suis sorti des immeubles. On nous habitions là-bas pour aller à l'école le matin. Quand j'ai fini de prier, j'étais vraiment en forme. Vraiment bien. C'est comme si j'ai chauffé à l'intérieur. Et puis j'ai mis mon sac comme ça. Dès que j'ai abordé le goudron, l'atmosphère a changé. Satan s'est présenté. Il ne dit pas que je suis en train de dormir. Il dit le matin. Cette atmosphère-là a changé. Il s'est présenté. Il dit que tu as accepté de t'opposer à moi. Quelques secondes, j'étais là en route comme ça là. Comme si on avait mis pause sur un écran, vous savez, vous allez voir quelque chose, mettez pause. C'est comme si tout l'environnement s'était arrêté. J'ai vu exactement tout ce qui devrait m'arriver. J'étais là, surpris de ce qui est arrivé. Moi, je suis allé à l'école. Surpris. Quelques secondes seulement, je vois ces choses arriver. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il dit, tu oses t'opposer à moi? Là, en tant qu'être humain, il ne savait pas ce qu'il devait faire parce qu'il ne comprenait pas ce que c'est pas. Et le Saint-Esprit a pris mes lèvres. Il dit, je le ferai au nom de Jésus parce qu'il ne compte pas sur mes capacités. Il a dit, ok, ça s'est retiré. D'accord, ma chère, ça a coûté ce que ça a coûté. Les gens que ça a coûté. Ça a coûté. Les persécutions que j'ai eues dans le monde entier. On m'a appelé démoniaque. Mais elle a dit que tu ne dois pas prononcer des paroles malédictions contre eux. Tu dois prier pour eux. Parce que c'est censé être arrivé. Imaginez mon grand frère André le dit ici que dans toutes les villes où je vais passer, le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais il dit il ne fait aucun cas de ma vie comme si m'était précieuse. Donc il est préparé à vivre cela. On peut le persécuter n'importe comment. Il sait c'est quoi. Il est en train de courir à une course. Il y a une direction qui lui a été donnée. Donc c'est pour dire quoi? Si vous regardez pour le moment mon cas, je serais enseignant d'université aujourd'hui. On serait en train de créer des bombes atomiques ici dans les domaines où je travaille. Mais vous me voyez, j'étais obligé de bombarder le camp de tes ennemis. Voilà, ça, c'est le véritable bombe atomique. De dire la vérité comme ça, bam, dans le monde de ténèbres. Je dis, ouais, Kouga la dérange quoi. Ancien degré a fait quoi. Là, la vraie bombe atomique là-dedans. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est une grâce inouïe de faire quitter les gens des ténèbres et les transporter dans la lumière. Par la puissance de la parole, de l'esprit. Des questions? Oui. Là, c'est ton jour. Bonne arrivée. Mon vœu le plus cher. Oui. Et le ministère que j'ai choisi. Suivez les enfants là, qu'ils ne se fassent pas mal. Il y a un enfant qui a le caillou entre les mains là. Oui, ma chère. Mon vœu le plus cher, le ministère que j'ai choisi, c'est l'évangélisation. Oui. Est-ce à me dire que je l'ai tout abandonné? Voilà. Et rester une femme foyer. Applaudissez encore une très fois pour la soeur. Voilà. Toute question biblique a une réponse. Biblique. Voilà. Jean, ouvrons. Jean. Le livre des gens. Vous m'avez suivi la question, non? le ministère que j'ai choisi, c'est l'évangélisation. Donc, si tu comprends très bien avec ta côte d'aile, tu veux me dire là que si tu comprends bien, je suis censé rester au salut en laissant ça. Voilà. Je n'ai pas utilisé les bons mots. Non, tu as bien dit. Non, j'ai bien compris. C'est pour ça que je t'en ai dit à mon mot, non? Je dis à mes propres mots pour être sûr que j'ai bien compris. Jean chapitre 15. Jean le chapitre 15. Tu y es, ma soeur? Lis-nous le verset 16 d'abord. Allons-y, à votre voix. Jean 15, 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Maintenant, toi-même, explique-nous le verset. Prends tout ton temps. C'est pour ça que je disais tantôt que j'ai utilisé le mauvais terme. Voilà. Mm-hmm. Je ne peux pas dire que j'ai choisi. Bref, c'est... Bon, on va arranger le thème là. Oui. En prenant avec la première parole que tu nous as dite, tu as dit que le ministère que tu as choisi, c'est l'évangélisation. Je vais poser la question autrement maintenant. Oui. C'est pour ça que je me suis reprise en disant que peut-être le terme n'est pas bon. Mm-hmm. Donc tu as à cœur des fesses là. Donc tu sens, tu te sens poussé dans ce moment-là. Je fais beaucoup plus. Comme un enseignant, quand on voit un enseignant, on sent que celui-ci est appelé à cela. Voilà. Non, j'arrive. C'est très bien, ma soeur. Aux frères que je rencontre comme vous, oui, aux soeurs qui ont le Saint-Esprit en oui, eux, il leur a été révélé que je suis une évangéliste. Non, ne t'inquiète pas, on arrive, non? Ne t'inquiète pas. Alors maintenant, voilà la Bible. Voilà. Qui choisit? C'est l'Éternel qui suit. Qui envoie? C'est l'Éternel. Qui établit? Ok. Ok. Maintenant, montre-moi une évangéliste dans les Saintes Écritures. Une. Évangéliste, non. Il n'y a pas. Mais... montre-moi une pasteuse dans la Bible. Une. Non plus. Une enseignante. Une enseignante de la Bible, dans la Bible. Non plus. Prophète. Une apôtresse. Non plus. Une prophétesse. Non plus. Arrête, assieds-toi. Et toi, tu applaudis maintenant pour le Seigneur. Tu applaudis en disant que le Seigneur fait toutes choses parfaites. Il fait toutes choses parfaites. Voilà. Alors, donc, nous avons un problème ici. Parce que nous avons vu ici dans une des séquences que le fondement que nous avons, on ne peut pas bouger. L'apôtre Paul nous a dit, et j'ai cité ça ici, qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais ça sent des sous. Que le fondement qui a été posé a été parfait. On doit seulement continuer là-dessus. Et il n'y a plus autre fondement qui va être posé. Si quelqu'un se présente devant vous et dit que Dieu m'a révélé que je suis apôtresse de Christ. Donc il avait oublié ça aux apôtres. Donc il faut qu'on rentre à la fondation. On va mettre ça là-bas. On a des problèmes. Il va falloir maintenant que j'essaie de vous donner la compréhension du pourquoi Dieu a donné cela aux hommes. D'accord? Il faut que vous compreniez dans cela. Ouvrez Éphésiens. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous touchez ces choses là maintenant, vous allez entendre. Il y a la femme samaritaine là. Vous allez entendre, ça la soirée, la femme samaritaine. Quand ça ne va pas, c'est très grave. On dit que vous ne connaissez pas Déborah dans la Bible. On continue tout comme ça là. Vous voulez dire qu'on ne connaissait pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand il y a Anne, la prophétesse Anne. Je vous pose la question, que vous êtes dans quel sacerdoce là? Vous êtes dans quel sacerdoce? Dieu merci que nous avons mis les choses au clair ici par rapport au sacerdoce lévitique et au sacerdoce de Melchisédek. Si quelqu'un dit Anne, tu dis que le Anne de quel sacerdoce? Lévitique ou Melchisédek? Il faut que ces questions soient répondues. Si c'est répondu, on va se retrouver. Si vous citez quelqu'un qui se trouve dans le sacerdoce lévitique, tu dis, ah, je comprends. Tu confonds les sacerdoces. D'accord, mes frères? Donc, si vous citez un personnage, vous vous retrouvez dans le sacerdoce Melchisédek. C'est que vous avez gagné. Si vous parvenez à trouver une seule prophétesse dans le sacerdoce Melchisédek, alors ça lui donne le droit d'être prophétesse. Je vais revenir sur l'allégation que la soeur a dit qu'il y a des gens qui ont été révélés par le Saint-Esprit qui ont dit ces choses. On y va maintenant. J'ai dit quel livre? Éphésiens chapitre 4, donc. Ok. Chapitre 4. Tu peux lire, mon frère, à haute voix. Tu peux lire à partir du verset 8. À partir du verset 8. Éphésiens 4, à partir du verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Stoppons d'abord, on a un problème ici. Il faut qu'on s'arrête, on comprenne doucement. On dit qu'un personnage est descendu dans les régions inférieures. En montant, il est monté avec les captifs, donc ceux qui étaient retenus là-bas. Il est monté. Et en montant, il a fait des dons. Des dons aux hommes, littéralement, il a fait des dons hommes. Pas qu'il a donné des cadeaux. Il a donné des hommes cadeaux. Donc les êtres humains comme étant le cadeau pour, lui, pour l'église. Donc ces êtres-là sont des dons. Maintenant, regardez, je veux que vous regardiez le temps du verbe avant de prendre avec ce que le frère disait ici dans le 1 Timothée chapitre 4 là. Il se donne le foule de docteurs. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici. La Bible déclare que à la résurrection du Seigneur Jésus, pendant qu'il montait, quand on lisait à des apôtres, que pendant qu'il les regardait, qu'il les parlait ainsi, il est monté, on le regardait monter. On dit pendant qu'il montait, il est monté avec des gens. C'est ce que la Bible nous enseigne. Étant monté, il a amené le captif. C'est sur le jour-là qu'on a entendu parler. Et quand il est monté, on dit que il, écoutez bien le temps du verbe, il a fait des dons aux hommes. On n'a pas dit qu'il a, il est monté et il va faire. C'est pas ça, on se comprend. Et on dit qu'il a fait les uns comme apôtres. Donc, on ne devient pas apôtre. Tu as vu le problème, ma soeur? On vient pour cela. On ne devient pas prophète. On est ainsi. Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Car avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Vous avez vu cela? Galates chapitre 1. Vous connaissez ma conduite dans le judaïsme, comment j'étais plus avancé. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare, c'est qu'il a fait. On nous donne la période qu'il a fait cela. Étant monté, il a fait, pas qu'il va faire. Pas qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Il a fait. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet éternel. Le projet de Dieu, donc, c'est l'église glorieuse. Et dans cette église glorieuse, ça traverse les âges. L'âge des fers, des Smyrne, des Philadelphie, ainsi de suite, là, jusqu'à l'Odyssée. Les sept âges de l'église, symbolisés par les sept chandeliers. Chandeliers qui sort comme ça, avec les sept conduits d'huile. Pour montrer que à chaque semaine de ces choses-là, lui devait être là pour oindre les gens pour travailler. Alors, cette période de l'église sont données. Et dans cette période de l'église, Dieu a déjà choisi les gens qui sont censés travailler. C'est ça qui est très bien. Dieu a choisi chaque personne qui est censée œuvrer là-bas pour la continuité afin que le corps de Christ arrive à maturité comme il l'a voulu. C'est pas que Dieu est en haut. On dit que, hey, on est en 2019. Michael, c'est grave sur la terre. On va envoyer qui est. On va envoyer qui est. Frère, c'est toi. Je t'ai choisi. Non, c'est pas comme ça. Écoutez encore ça. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc on est là pour cela, pour la mission. C'est pour la mission. Vous pouvez marcher, maintenant quand vous marchez, quand l'apôtre pour marcher, il était d'abord pharisien. Il faisait telle chose. Mais il ne savait pas. C'est son problème. C'est des vécus. Sont choses. C'est les choses qu'il a choisies ou bien le monde a influencé. Quand le temps de Dieu arrive, il dit maintenant. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que je me rends compte que, hein, donc j'étais où? Oui, tu étais là comme ça pour faire ce chose-là le temps que je t'appelle. Lorsqu'il pleut à ceux qui m'avaient mis à part. Mais il a la révélation maintenant que c'est à part qu'il avait mis. Donc quand il persécutait les chrétiens, c'était quand même un apôtre, mais il ne savait pas qu'il était apôtre. Donc ici, la Bible déclare qu'étant monté, il a fait les dons aux hommes. Et donc il a fait les dons. Quand il fait ça, les dons aux hommes qu'il a fait, c'est les apôtres, prophètes, ainsi de suite. Pas vrai? Et il a fait cela avant quand il est monté. Donc je dis, comme ce sont les hommes et l'église a une période, chaque période de l'église jusqu'à ce que Christ vienne a des gens que Dieu a choisi qui doivent travailler. Vous voyez que ça concorde avec Jean chapitre 15 qu'on a lu verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Personne ne vient que le Seigneur fait de moi apôtre. C'est pas parce que Dieu a fait quoi que c'est un coup d'avion. Non. Si j'ai fait une formation, je m'équipe comme ça pour que Dieu m'appelle. Hein? Je t'équipe pour que Dieu t'appelle. Il ne t'appellera jamais parce que tu as tes potentialités. Il veut des gens qui vont choisir selon son main. Donner la forme qu'il veut, envoyer selon la mission qu'il a prédestinée pour cette personne. Et donc, le plus grave, c'est que le plan d'action pour la construction de l'église a été déjà fait. Les employés ont été déjà choisis depuis. Il a déjà vu l'accomplissement de cela. Mais chacun vient seulement accomplir sa course. Et donc vous êtes là, vous dites que c'est un plan, moi. Je suis un tolu, il veut toler ton église. Toler l'église. Il avait choisi personne. Il n'y a plus de place là-bas, il n'y a plus d'emploi là-bas. Vous faites comment? Donc il n'y a pas de place à pouvoir dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 14, verset 18 dit que il dit Dieu a mis dans le corps. On n'a pas dit Dieu va mettre. On a dit Dieu a mis dans le corps. On est déjà dedans. Étant ressuscité, il nous a ressuscité ensemble et nous sommes assis ensemble. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc si tu ne te trouves pas là-bas dans la représentation spirituelle, fais ce que tu fais ici. Tu fais ça pour ta famille, les gens de ton village et ton mari. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la religion ne peut pas faire qu'on retrouve le Seigneur. C'est ceux qui l'ont connu d'avance. Non, là-bas en haut, là, comme ça, il n'y a que les hommes là-bas. Il y a pas les non, femmes. C'est pas ce que j'allais dire. Je parle de l'emploi, de la place. Il y a des femmes là-bas, justement. Vous voyez que si la femme ne s'exprimait pas, elle devait aller dire qu'il y a un gars qui a dit que ce sont les hommes seulement qui partent au ciel. C'est pas ce que je viens de dire. Ils sont en train de dire, et je vais expliquer le pourquoi. Ils sont en train de dire que sur la terre, et je veux dire le pourquoi Dieu a choisi les hommes pour cette tâche-ci. Parce que Dieu a le système d'autorité dans son gouvernement. Il y a un système d'autorité que vous devez savoir. On doit respecter l'autorité telle que prônée par les Saintes Écritures. Je vais dans le livre des Nombres au chapitre 30. Notez cela, vous allez lire cela à la maison. Regardez, la première autorité que Dieu a instituée sur la terre, c'est l'autorité des hommes sur les animaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous lisez les Saintes Écritures. Quand Dieu a fini de créer l'homme et haut là-bas, il a donné la domination à l'homme sur les animaux. De telle enseigne que l'animal sait effectivement que l'homme est son chef. Ça, c'est la première autorité que Dieu a donnée. Dominer. Quand il a vu l'homme, il dit multiplier, soyez fécond. Dominer, gouverner, prôner sur eux. D'accord? C'est la première des autorités que l'homme reçoit. Lorsque la femme, lorsque Dieu donne cette autorité-ci, il donne cette autorité à l'homme et à la femme conjointement. Donc la femme ici et l'homme ont la même autorité dans le Seigneur pour gouverner sur les animaux. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, il y a l'égalité. La femme et l'homme ont la même égalité par rapport aux animaux. Tous les animaux de la terre, même le lion. Même si vous voyez le serpent, vous avez peur. Vous êtes quand même le son chef. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, suivez bien. La deuxième fois, maintenant, quand Dieu le va entrer en scène, c'est lorsqu'il a péché pour régler maintenant la nouvelle autorité. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Quand la femme a péché, il dit, puisque tu as fait cela, disant au serpent, je mettrai inimitié. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. Puisque tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras au salon. Une alliance a été mise entre la femme et le serpent. Voici le vrai problème de l'histoire. Donc la femme a une alliance avec le diable. Bravo. Vous me dites, bravo, c'est la Bible là. Attends, on arrive, ne posez pas de questions. Attendez, en parlant, vous allez avoir toutes les réponses là. Notez 1 Timothée chapitre 2. Doucement. Notez 1 Timothée chapitre 2, d'accord? On va y arriver. Je recommence encore. Regardez bien. Quand l'homme a péché, quand le péché s'est commis dans le jardin, quand Dieu est venu, il a demandé à Adam. Adam a dit qui était le problème. Adam a dit que c'est la femme que tu as mis. Il veut parler, dit que c'est la femme que tu n'as pas amené la femme si. Je n'aurais pas des problèmes. Donc c'est la femme qui était la source du problème. On va voir cela dans le Nouveau Testament maintenant. Donc il dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a fait cela. Qui a mal donné un jardin mangé, pas vrai? L'homme accuse la femme accuse. Attends, c'est pas quand même. Non, la femme n'a pas accusé l'homme. La femme a accusé le serpent. Mais pourquoi on prend pour la femme, laisse pour l'homme? Oh, c'est l'homme lui-même qui. Non, remarquez encore que Dieu respecte l'autorité. Quand Dieu a donné le jardin à l'homme, de suivre et de garder, Dieu a mis l'homme dans le jardin de cultiver et de le garder. Quand il vient, il y a un problème. S'il y a un chef, s'il y a un sous-préfet dans le doigt, la troisième, si. S'il y a un problème de bavure là-bas, c'est à lui qu'on va demander parce que c'est son administration. Il est censé rendre compte à la hiérarchie. Alors, la personne à qui on donne quelque chose de gérer, il a autorité de gérer cela. Et donc, il doit rendre compte par rapport à ce qu'on lui a donné. C'est normal que quand Dieu vient, il dit Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il donne le compte rendu. Celui-ci donne le rapport de ce qui s'est passé. C'est la femme que. Donc, la cause, le problème qui se passe ici, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Celle qui était l'os des mains. Mais c'est qui me crée un problème comme ça. C'est-à-dire que. Il a négligé la femme, il était. Tu en as l'accusé, Adam. On va aller là-loger, là, tu vas voir. Adam, il était où? Il était à côté. Il a négligé sa femme. Il n'a pas fait son travail. Lui-même, il était où pour qu'on ne sait pas quand. Comme les hommes sont là à parler, peut-être il voulait dire comme ça que. Satan. Vous voyez. Comme tu vois comme ça, il faut réfléchir. On est quoi? La femme a dit que. Donne-moi du goût. Comme la femme bavarde beaucoup aussi là. Il a négligé sa fonction. Vous avez arraché. Et c'est justement ce que la Bible déclare. Que lorsque les hommes sont comme Akab, Jézabel doit être là. Pour commander. Chaque fois quand les hommes ont négligé l'autorité, et c'est l'histoire de la Bible. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit que quand Akab n'est pas là, Akab ne veut pas prendre des décisions, il est nonchalant, il y a toujours une Jézabel qui prend. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que l'esprit d'Élie doit être là. S'il y a Akab, il y a Jézabel. Et s'il y a Jézabel et Akab, Élie sera là. Pour dire la femme, tu ne dois pas faire cela. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est ça. Et la femme a toujours appliqué ce qu'elle a fait. Elle sera énervée. C'est ce que Jézabel a fait. La femme est celle qui a apporté la grâce malgré le fait qu'on dit que c'est de la femme. C'est donc pour cela que le comportement de cette femme-ci maintenant, c'est celle qui se soumet au Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, je me soumets. Elle est soumise au Seigneur. Elle ne fait que ce que le Seigneur dit. Elle est dans la discrétion. Elle n'est jamais venue pour réclamer que c'est moi qui ai accouché le Sauveur. Vous allez m'obéir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Après le baptême du Saint-Esprit de chapitre 2, on n'a plus jamais entendu parler de Marie. Jamais. Elle a disparu. Marie a été celle qui a suscité le premier comment on appelle ça, miracle. Puisque la même parole. Donc, c'est un effet, tu vas l'eau en vain, je n'ai pas accompli le miracle. Non, c'est pas ça. C'est pas pour dire que la femme a sa place. Non, je n'ai pas dit. Est-ce qu'il dit que la femme n'a pas de place? Non, je suis ici. Elle est chosifiée. Non, elle n'est pas chosifiée. C'est à Dieu que vous dites comme ça. Donc, c'est Dieu qui dit ça. Le Seigneur nous apprend par rapport au sein des écritures que lui ne marginalise pas la femme. Hein? Mais ce sont les hommes qui marginalisent. Permets-moi de citer, donc je continue à citer. Donc tu vas dire, c'est vrai, tu vas dire qui a dit cela. Alors je peux continuer. Donc dans Genèse chapitre 3, donc, quand le péché entre, voici ce qui se passe. Dieu se tourne donc vers la femme. Pourquoi a-t-il fait cela? Il dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et j'en ai mangé. Il se tourne donc vers la femme, le serpent, il ne lui pose pas de questions. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussée tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc Dieu vient de mettre une alliance entre la femme et le serpent. Ça, c'est la première chose. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit maintenant, que vous l'admettez ou non, vous avez une alliance avec le serpent. Maintenant, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité. Donc la femme a une postérité. On a des prophéties comme ça, que Christ va venir au travers d'une femme aussi, pour régler le problème. Maintenant, celle-ci te blessera, te brisera la tête et tu lui blesseras le talon. D'accord? Maintenant, puis il continue encore avec la femme. Il se tourne maintenant vers la femme. Puisque tu as fait cela, tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Hein? Les douleurs, les souffrances de tes grossesses, je vais augmenter. D'accord? Il continue. Tes désirs se tourneront vers ton mari. Il dominera sur toi. L'alliance a été donnée. À partir de cet instant, le commandement, le chef tancy a changé. Or, initialement, quand on les a créés, les deux, on leur a donné le pouvoir de gouverner. Il y avait même autorité. Quand quelque chose s'est passé, il y a une. Dans l'ordre, c'est le gouvernement de Dieu ici. Ça n'a rien à voir avec la loi, ni rien à voir avec la grâce. Vous voyez le problème maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, alors ici, alors gardez-vous à l'esprit que le gouvernement de Dieu prône sur la grâce. La grâce n'est que la main tendue de Dieu aux misérables pour le faire rentrer sous le gouvernement. Je veux que vous gardiez cela. Parce que les gens disent que non, nous sommes sous la grâce. Ils croient que la grâce est au-dessus de la loi de Dieu. Non. La grâce est un moyen. Une faveur de Dieu. Parce qu'on parle de faveur imméritée. Les gens, parce que si vous êtes hors la loi, le gouvernement de Dieu doit vous sanctionner. Le gouvernement doit vous sanctionner. Dans le pays, par exemple, le gouvernement, par l'autorité judiciaire, peut vous fermer à 30 ans de prison. Celui qui incarne le gouvernement décide par la grâce présidentielle, libérez-le. Pourtant, la justice a condamné. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ça. Cette grâce-là, la main tendue pour te libérer. C'est exactement ce que Dieu a fait dans le gouvernement. Quand on te donne donc la grâce que tu rentres dans le gouvernement, à cet instant, si tu apprends donc maintenant à vivre d'après la loi de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors par conséquent, la grâce nous ramène sous le gouvernement de Dieu afin de vivre dans l'obéissance à son gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ce gouvernement donc avait un ordre. Bien, je suis allé de loin pour vous amener cela. Alors ce gouvernement donc, à cet instant du péché, les responsabilités ont été données. Dieu a donc dit désormais, l'homme doit prôner maintenant sur la femme. Vous comprenez? Tes désirs se porteront vers ton mari et il gouvernera sur toi. Voilà. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Dans le chapitre 30, donc des Nombres que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu va prôner exactement devant ça par écrit le gouvernement de l'homme, de l'agent masculin sur la femme. Ça commence dans la maison paternelle. La Bible déclare que quand une femme dans la maison de son père fera un vœu, si son père entend et annule, ce vœu-là sera annulé. Amen. Comment? N'importe quel vœu que tu vas faire. Dis que je vais jeûner demain. Ton père dit arrête-moi ça, tu dois arrêter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc son père est son autorité. Et la Bible déclare donc maintenant que si ton père entend et il ne dit rien, ce vœu-là sera fait. Tu dois faire cela. Et si ton père annule le vœu, tu annules le vœu, tu ne pèches pas, tu ne commets pas le péché. Donc si ton père dit que tu ne te maries pas, tu ne te maries pas. Ça, c'est le vœu. Hein? Donc maintenant, la Bible continue en disant que si cette femme-ci, dans la maison de son mari, fait le vœu et que son mari entend le jeu, l'entendu, ce vœu annule, ça doit être annulé. Donc, la femme quitte la maison sous l'autorité du père pour aller sous l'autorité du mari. La femme donc n'est pas libre, elle doit être contrôlée. Ah. Mmh, hein? Mais la position de l'homme est petite. J'arrive, laissons l'homme tranquille, parlons de vous, on a d'avancer parce qu'il est question du ministère des femmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons de l'ordre de Dieu dans le gouvernement. C'est un ordre. Quelqu'un qui est sous-préfet ne peut pas dire que ouais, pourquoi je ne suis pas préfet? Il est sous-préfet qui contrôle son territoire. L'autre est préfet, l'autre est gouverneur. Chacun est dans son territoire de commandement. D'accord? Quelqu'un ne doit pas dire que, ok, comme je suis sous-préfet, je suis marginalisé. On t'a donné une responsabilité. En tant que femme, tu as une responsabilité. Et vous allez voir effectivement que si vous connaissez vraiment le plan de Dieu, ce que Dieu a destiné pour vous, vous avez le plus grand travail que les hommes ont. Vous avez la plus grande responsabilité plus que les hommes. Le vrai problème maintenant, c'est que l'église du 21e siècle a dénaturé la nature, ou bien la nature de l'œuvre de la femme, l'a poussée vers là où elle ne doit pas être. Par conséquent, elle est en train de négliger ce que Dieu lui a donné, elle fait ce qu'elle pense être vrai. Voilà le problème. Donc, il est question que nous touchons ces points pour que vous voyez. Je sais si vous comprenez. Amen. Donc, ce n'est pas ce que vous allez faire qui plaît à votre pasteur, ou bien ce que vous faites, ça vous plaît, qui est le problème. La question, c'est êtes-vous à la position que Dieu vous attend? C'est ça le problème. Dans le livre d'un chronique au chapitre 13, si vous lisez un chronique chapitre 13, vous allez voir effectivement que plusieurs années plus tôt, les Juifs avaient désobéi et l'arche de l'Alliance était allée à Kijajarim. On avait amené l'arche en captivité. Et puis David va tenir conseil. David va tenir conseil avec tous les anciens d'Israël et autres là. Mais pourtant, le prophète Nathan était parmi. Il n'a pas appelé Nathan. Il a appelé tous les grands conseils de la terre, de son pays. Ils sont réunis. Ils sont réunis comme ça. Ils ont fait un conclave spécial que le président de la République a appelé. Ils ont dit que vous ne voyez pas que ça fait longtemps que l'âge de l'Alliance n'a pas été ici. Faisons-nous un comité pour aller prendre l'âge de l'Alliance. La Bible déclare que la chose parut bonne. Tout le monde a dit sans exception que c'était bien. C'est une bonne chose. Et si vous regardez dans la logique des choses, c'est normal parce que l'âge de l'Alliance se trouve hors d'Israël. Ça ne doit pas être hors d'Israël. Donc le projet est bon, louable et notable. Maintenant, c'est bon. Maintenant, il convient donc maintenant qu'allons chercher. Ça, c'est encore bien. Voici le peuple qui veut que Dieu revienne chez lui. Mais sauf que Dieu avait un autre avis concernant le transport d'un point A à un point B de cette tâche. La Bible déclare que la chose paraît bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, notre grand Dieu, c'est un grand Dieu, il faut qu'on rapporte le bois le plus excellent. Quel est le bois que vous avez fait pour que Dieu s'assoie sur ça? Puis c'est une créature, c'est une création. Alors ils ont créé le bois, raboté là-bas le char, les bœufs, blanc blanc, on a mis les habits royautés là sur ça, on a porté l'argent, on a mis sur ça. Ah maf. Ils dansaient, la Bible déclare que David dansait, le danse pentecôtiste, ça a commencé là-bas. Ils ont commencé à danser, ils dansaient devant l'arche de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il arrivait à un endroit où la roue de l'arche, est monté. Vous savez, ça a monté sur un endroit, ça a penché l'arche qui est à l'intérieur. Ça fait brouf, ça voulait tomber. Ils ont tendu la main pour soutenir, vous savez, ça ne tombe pas. Le feu est sorti, bang! Ça l'a frappé, il est mort calciné là-bas. David a arrêté la danse, tout le monde, chacun a abstenu en tant que. Chacun rentre comme ça doucement, doucement. Dieu a voulu donner la correction. Oui, ils avaient une bonne idée de transporter l'arche. Mais Dieu avait une façon de transporter. Amen. Et vous voyez que la façon de transporter est importée pour lui. Parce qu'il a tué quelqu'un. Quand Dieu a tué cette personne, Uza, il n'a pas dit que si il tue la personne, si elle a sept enfants, ces sept enfants vont vivre comment? Et c'est pas ça. Il punit seulement. Les enfants vont en subir. Sa femme va subir. Il n'a pas dit que mais le projet que le type avait là, comment il va faire? Il a seulement tué. Comme Anania et Saphira, on a vu tout à l'heure là. Ils sont quittés de la maison, ils ne sont plus jamais rentrés. Le projet, les 1 500 000 qu'ils ont gardé à la maison, on va faire ça, ce qu'on va faire. Même si un frère ne va pas écouter. Ils ont quitté de là, aller à l'église, passer à la tombe. Gardez-vous cela à l'esprit. Et c'est un Dieu terrible que nous chérons. Quand David a vu cela, vous savez ce qu'il a fait? Il a maintenant appelé Nathan. Tonton Nathan, oui. Le prophète Nathan était là. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'on n'a pas cherché Dieu selon sa parole. Il dit, quel est le problème? Il dit, Moïse avait dit que lorsque sera transporté, cette tâche-ci, 4 Lévites doivent la transporter en mettant sur les épaules. Quoi? C'est seulement pour ça que Dieu a tué les gens. Eh oui, Dieu tient compte des moindres détails. Alors faisons attention lorsqu'on s'approche de la parole. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc faites attention. Vous allez dire, si c'est l'être humain, on va dire que non. Quel est le problème même? Le sens de porter ici pour aller mettre là-bas. Le moyen importe peu. Le moyen pour Dieu importe parce que c'est ce qu'il a dit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit oui, c'est comme ça qu'il faut faire. David a encore tenu conseil avec ces mêmes personnes. Il a dit, vous savez quoi? Il dit non. La dernière fois qu'on a cherché, Dieu n'a pas cherché selon sa voix. Maintenant, il fallait que les Lévites soient. Il a amené à appeler les Lévites. Que sanctifiez-vous? Allez porter l'âge de l'Éternel. Ils ont porté ça. Ils sont venus là-bas. Là, ils sont venus. La correction. Amen. Donc faisons attention lorsqu'on est en train de s'avancer avec le Seigneur. L'autorité dont est donnée depuis Genèse sur l'homme, à l'homme par rapport à la femme. C'est cette autorité-là qui va marcher. Maintenant, je vous pose la question. Vous pensez que la descendante lévite qui était sous l'ancienne alliance, qu'on appelle le sacerdoce lévitique là, il n'y avait pas les filles lévites. Est-ce que les hommes qui étaient là-bas n'accouchaient que les hommes? Je vous pose la question, pourquoi les femmes ne s'approchaient pas là pour travailler? Répondez-moi donc maintenant. Il y avait les femmes lévites, non? Comme par exemple, prenons lévites comme étant une tribu bassa. Par exemple, Dieu choisit au Cameroun que c'est les tribus bassa qui doivent s'occuper du service. Il dit que c'est les hommes uniquement. Mais les femmes, il y a les femmes bassa, non? Pourquoi ne dit pas les femmes bassa aussi? Pourquoi ne dit pas que moi-même je suis lévite? Je m'en vais le faire. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas comptés? Ces étaient anciens. Voilà, c'est très bien. Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question, avez-vous vu une apôtre? Parce qu'il n'y a pas des apôtres dans l'Ancien Testament. Les apôtres des évangiles, c'est dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est venu, a-t-il choisi parmi ses apôtres une femme? N'y avait-il pas de femme? Pourquoi n'a-t-il pas choisi les 12? Mais je pense qu'il y avait une femme dans les 12 disciples. Je pense Marie, qui accompagnait Jésus. Où ça? Donc il y avait 13 alors finalement. Non, je veux dire, il y avait une Jésus Marie, avait une multitude de disciples. Jésus avait une multitude de disciples. Mais les 12. La Bible déclare dans Luc chapitre 6, le verset 12, que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu et descendit sur le flanc de la montagne et choisit parmi ses disciples 12, qu'il les appela apôtres. Frère. Oui. Frère. Oui. Frère. Oui, maman. Il y a une image qu'on nous montre ce soir-là. Oui. La femme est parmi les 12. La femme est. Quelle image? Hollywood? Non. Le film de Jésus? Il y a souvent les photos. Il y avait ok. Une on montre souvent. Dites la pointe. Elle a dit Hollywood sort de ce corps. Donc il y a souvent les femmes. Dites Hollywood sort de ce corps. Hollywood sort de ce corps. Bible entre dans ce corps. Bible entre dans ce corps. Oui. Moi, je ne parle pas d'une image. Non, il ne parle pas de toi. Il parle ici. On arrive avec ton cas. Parce que, excusez-moi, parce oui. qu'on faut qu'on demande pour connaître. Ça, c'est la sorcellerie de Da Vinci Code qui vous a amené ici. Nous parlons des Bibles ici. Je ne comprends pas ça, je veux seulement juste que vous me disiez. Je veux que je crois à ça. C'est ce que ça nous dit justement. Oui. Je dis que ça, c'est Hollywood. La Bible dit autre chose. Je viens de citer là où Jésus a dit. La Bible déclare, dans Luc chapitre 6, verset 12, que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Et le matin, il descendit de la montagne. Et parmi ses disciples, les disciples étaient versés parmi les montagnes là-bas. La Bible déclare partout que les gens croyaient en lui, partout. Il en choisit 12 qu'il appela des bons d'apôtres qui devaient le suivre partout. Ce nom, c'était Barthélemy, celui-ci, Pierre, Simon, André, Jacques, fils de Azaphée, ainsi de suite. 12. Parmi les noms, là, tu as vu une femme là-bas? Il n'y avait pas une femme. C'est de laquelle dont tu parles alors? Il y avait une femme selon ce que les gens disent, c'est pas moi. Bon, maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit le contraire. Vous savez, on connaît ce que les gens disent, on continue avec la Bible, non? La Bible, la alors, Bible. C'est, la, c'est pour ça que je repose la question. Vous voyez que sous l'ancien alliance, dans l'ancien sacerdoce. C'est la prostituée dont Jésus elle avait lavé les lavé le parfum bon. Les cheveux de Jésus. Ouvrez Luc chapitre 8 alors. Luc chapitre 8. Ah, donc, de toute façon, il y a pas, elle n'est pas parmi les apôtres, n'a pas, d'accord mm-hmm. Elle n'est pas parmi les apôtres pour commencer. Donc, elle est disciple du Seigneur Jésus. Être disciple du Seigneur Jésus ne veut pas dire que tu es apôtre parmi eux. Non, non, non, non. Disciple, ça veut dire que ceux qui suivent la discipline de Jésus. Nicodème était un disciple du Seigneur Jésus-Christ en cachette. D'accord quoi, Joseph d'Arimathée était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne suivait pas Jésus. D'accord. Voilà. Vous êtes dans Luc chapitre 8 là. Prenez l'une. Ah non, non, attends, il faut qu'elle lise. Il faut qu'elle voie cela. Mais c'est-il déjà, non? Tu es dans Luc chapitre 8 là. Oui. Ok, lis-nous le verset 1 alors. Luc chapitre 8, verset 1, il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Verset 2. 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, non? Mais on va voir leur rôle. Continuons. Suzanne. Suzanne, femme de Susa, intendant et d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Stop. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas tourner la Bible et dire ce que la Bible ne dit pas. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui. Vous voyez qu'on met d'abord, il n'y a pas ces 12. Et maintenant, les femmes. Vous voyez? Et ils n'ont pas le même rôle. Parce que les 12 l'accompagnent pour aller prêcher la parole. Et si on dit clairement que cette femme, si on cite parmi les femmes que vous avez dit tout à l'heure là, elle l'aidait dans cette tâche-là. Donc, vous voyez effectivement que ce que vous fiez comme une tâche ménagée, quand ils étaient là, et nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 8, puisque vous êtes dans le livre de Luc chapitre 8, au chapitre 10, on voit effectivement comment Marie, il y avait une famille là-bas, Marie, Marthe et Zach, comment ça s'appelle, Lazare, qui était un de ses amis. Remarquez bien même que Lazare, l'ami de Jésus, ses disciples n'étaient pas appelés amis de Jésus, c'était son ami personnel, mais il ne suivait pas Jésus. Jésus battait, baladé, il vient à la maison manger. Quand il est dans la maison, Marthe était là, waouh. Après, il voit que Marie était comme ça, que Seigneur parle encore, mince, ta parole est comme le miel. Elle est sortie, elle a mis le cabaret, elle a dit que, Seigneur, mince. Ça ne t'inquiète pas que je sois ici, je ne peux pas le bongo, je ne peux pas le sanga, je ne peux pas ceci, je ne peux pas le truc, je m'inquiète. Il dit, Marthe, laisse la chair, dis donc. Tu t'embarrasses beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, vous voyez? Bon, cette Marie-ci, elle est en train de prêcher l'évangile, mais elle a choisi la bonne part. Vous voyez que rester juste au pied de l'écoute du Seigneur, jusqu'à ce que tu as choisi la bonne part. Et cela ne sera jamais ôté. Alléluia. Amen. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il faut seulement être à la position que Dieu t'attend, là où tu te trouves. Maintenant, regardez cette femme-ci. C'est cette femme-ci qui est citée dans Luc chapitre 8, qu'ils allaient partout suivant Jésus-Christ aidant de leurs biens. Donc ils assistaient dans le ministère, comme disait Romains chapitre 16, verset 1 de Fouébé, qui assistait Paul aussi dans son ministère. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc maintenant, les gens croient maintenant que annoncer l'évangile, c'est consiste à se mettre debout, prêcher comme si on est prêché, que les gens soient sauvés. Je peux prêcher comme ça alors que je n'ai jamais été appelé de Dieu. D'accord? Je peux prêcher comme ça. Quelqu'un se trouve tout simplement là-bas. Quand il finit de prêcher, c'est elle qui prépare que je mange comme mon épouse le fait. Elle est en train de m'assister. C'est bien. Cette chose-là qu'elle me soutient de cette façon-ci, elle est dans le ministère que Dieu lui a accordé. Amen. Donc le ministère de Dieu ne consiste pas à aller annoncer l'évangile. Encore maintenant, écoutez maintenant ceci. La bonne nouvelle à aller prêcher, ce n'est pas pour tout le monde. J'arrive là maintenant. Ne sois pas pressé d'accord, ma soeur. Parce que si tu fais ça, boum, jusqu'à ce que ça soit là-bas, tu vas annuler toutes les réunions où tu vas partir. Parce que même si à n'importe quel programme, si Jésus apparaît ici, ça soit là-bas, dit que mon fils prêt, continue à prêcher. Personne ne bougera ici, pas vrai? Hein? Mais effectivement, il est là, parce qu'il a dit là-haut de toi, ensemble, en son nom, il est là. Mais quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas dire que tu vas te tourner, tu vas dire Jésus, comme tu es là, mais de toute façon, j'ai quand même autre chose à faire. Mais pourtant, physiquement, s'il avait été là, on ne ferait pas comme ça. Donc j'avance, d'accord? Donc nous voyons dans Luc chapitre 8, nous voyons que Jésus marche avec 12. Et c'est en ces 12-là qui va les envoyer 2 à 2 plus tard devant lui qu'il allait annoncer. Donc vous voyez que c'est à eux qui donnent les enseignements. Alors, quand ils donnent les enseignements en parabole à la foule, à Manapaté, il explique à ses disciples. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez qu'il y a les disciples, tout le monde est disciple. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ sont d'abord ses disciples. Ils sont apôtres parce que apôtre, ça veut dire envoyé en avant. Donc ceux qui sont envoyés. Dans Jean chapitre 15, nous avons lu que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que quand il est descendu de la montagne, c'est lui qui a désigné. Et même, lorsqu'il les désigne, Jean chapitre 17 nous révèle que c'était des gens choisis par Dieu d'avance. Vous voyez cela? Dans Jean chapitre 17, quand il a prié pour eux, il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je les ai gardés en ton nom quand j'étais au milieu d'eux, sauf le fils de la perdition, afin que les grandes s'accomplissent. Donc maintenant, Père Saint, je sors du monde. Et ils sont dans le monde. Et comme je leur ai dit, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas non plus du monde. Préserve les dieux du malin. Donc, ce sont des gens qui avaient été choisis par Dieu, désignés par Dieu pour être sélectionnés pour l'œuvre du ministère du Seigneur Jésus. Alors, il n'y a nulle part l'endroit où Jésus a enseigné, envoyé une femme à aller prêcher, ou bien appeler une femme à aller faire quoi que ce soit. Non. Elles connaissent. Oui. Il y a l'objection. Tu as vu un verset? Parce que j'ai un flash. Quand Jésus a été ressuscité. Oui, les premières personnes qui l'ont vu, ce sont les femmes. Qu'il a envoyé, ne t'inquiète pas. Il va te rappeler que c'est d'abord les anges qui l'ont vu avant les femmes. Donc j'arrive. Oui, ça c'était les anges. Mais les anges, maintenant, le ministère. En tant qu'humain. Il n'y a pas de problème. C'est ça, voici le problème. C'est pour ça que je vous ai donné tout à l'heure qu'il y a des informations dans les scènes écritures qui ne sont pas de commandement. Tu as dit, voici l'information. L'information, c'est que c'est les femmes qui l'ont rencontré en premier sous forme humaine. Ça ne leur donne pas le droit d'aller prêcher. Puisque il les envoie aller dire à ses frères qu'il est ressuscité pour réitérer ce qu'il leur avait déjà dit. C'est une mission qu'il leur a envoyée. Et sentiment, elles sont allées prêcher, dire à ses frères que nous avons vu Jésus, il est ressuscité. Il a dit qu'on allait à Jérusalem. Il a dit. C'est terminé, non? Mais non, pour continuer. C'est ça le problème. Où est le problème? Comment? Les femmes étaient les premières aussi à croire. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème là-bas. Parce que vous nous avez ravisé tout à l'heure en disant que. Défends-les, d'accord. Elles servent à quelque chose en ce qui concerne. Non, elles servent. Je vais vous montrer le ministère. Vous allez voir effectivement que ce ministère-là, vous quittez. Satan vous êtes allé. Souvenez-vous que la Bible déclare que vous avez l'alliance avec Satan. L'alliance avec Satan, c'est de vous pousser à quitter la parole telle que Dieu vous a donnée. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, regardez bien. Lorsque Jésus est ressuscité, effectivement, il a dit Marie, dans ce livre de Luc, chapitre 1, Jean, chapitre 19, Marie l'a regardé parce qu'elle était là en train. Elle pleurait. Elle a vu Jésus. Jésus était à côté. Elle dit. La Bible déclare que c'était le jardinier. Où l'avez-vous mis? Elle dit Marie. Elle s'est tournée, elle dit Rabouni. Où est-ce que. Elle, ah, c'est toi. Ah, non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté chez mon père. Parce qu'il fallait qu'il monte d'abord au ciel, verser le sang avant de redescendre. Vous voyez? Quand elle est descendue, maintenant, on pouvait le toucher. Il dit va dire à mon frère, je le précède en Galilée. Parce qu'il ne comprenait pas cela. Il s'était enfermé là-bas parce qu'il ne savait pas. Tout le monde était paniqué parce qu'il ne savait pas ce qui arrivait. D'accord? Après les ans, dans le livre de Luc. Dans le livre de Marc, chapitre 16, les anges les rencontrent maintenant. Ils disent que les anges disent que allez dire aux frères de Jésus que c'est en Galilée, comme il vous a dit. Donc Jésus leur avait d'abord dit ça. Là, les anges viennent pour réitérer encore cela, qu'allez rencontrer, c'est là où vous rencontrerez. Gardez-vous à l'esprit maintenant ceci. C'est très important là maintenant. Dans ce livre de Marc, chapitre 16, quand les anges disent aux femmes d'aller dire à ses disciples que c'est en Galilée qu'il va les rencontrer, vous les ouvrez votre livre dans le livre de Matthieu, chapitre 28. La Bible déclare, à partir du verset 16, que les 11 disciples arrivèrent sur les montagnes où Jésus leur avait désigné. La femme, les femmes à qui Jésus a transmis le message, ne sont pas venues à la réunion. Elles n'ont pas dit, écoutez bien, allez dire à mes frères, c'est en Galilée que je vais leur montrer. La suite ne nous dit pas qu'il l'a désigné exactement, mais ça veut dire que manifestement, il leur a dit en secret, là où ils devaient se rencontrer, puisque les 11 sont allés au lieu de la réunion. La Bible déclare donc dans ces Matthieu chapitre 28, verset 16, que les 11, on n'a pas dit tous les disciples de Jésus. On a dit les 11 arrivaient sur la montagne que Jésus avait désignée, c'était en Galilée. Donc les femmes sont venues dire, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Et vous dites de le rencontrer à tel endroit. Elles ne sont pas parties parce que ça ne les concerne pas. Même la propre maman de Jésus. Elle n'était pas là-bas. Parce qu'on dit les 11, ils étaient 12. Judas avait été tué, donc 11 sont restés. Donc ce sont des hommes. Ils viennent donc là-bas. Jésus se présente devant eux. La Bible dit contre quelques-uns d'entre eux avaient encore des doutes. Il dit que vous voyez. Thomas. Non, c'est pas Thomas, c'est pas ça. Son état est passé, son épisode est passé. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Donc vous voyez, dans votre église, on dit que Jésus, la grande commission, on a dit allez. La question c'est, il s'adresse à qui? Vous devez lire la Bible et laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Non, Jésus nous a dit d'aller, aller, aller. Oui, à qui? Bon. Ah oui, nous tous nous sommes disciples de Jésus, oui. Les gens à qui il avait dit, allez dire à mes disciples, n'étaient pas présents. C'était les premiers prototypes. Elles ne sont pas venues à la réunion, parce que la réunion, c'est une réunion entre le maître et les apôtres. Ça c'est un. De deux, à cette personne-ci, allez et faites de toutes les nations les disciples. Leur enseignant a observé tout ce que je vous ai prescrit. Je laisse le baptême d'abord. Leur enseignant a observé tout ce que je vous ai prescrit. A-t-il prescrit à une femme d'aller enseigner un homme? Vous voyez que pas vrai, ça ne donne pas vrai. Alors, dans Acte chapitre 2, la Bible déclare, après tout ce qui a accepté les 3000 personnes, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans l'enseignement. Quand l'apôtre Pierre a fini de prêcher, on dit que Pierre se leva au milieu de la foule avec les 11. Il dit que c'est pas si. Après, ceux qui ont le cœur vivement touché furent baptisés. Et ceux-là, ils vont recevoir le baptême. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres leur enseignaient. Aucune femme n'a enseigné dans l'église. Aucune. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement. Il arrive, attends un moment. Aucune femme n'enseignait pas parce que je n'avais pas donné l'enseignement. C'est pour ça qu'il veut donner le pourquoi. Tout le pourquoi doit sortir ici aujourd'hui. Alors maintenant, quand Jésus dit allez, fais de toutes les nations des disciples, il dit une chose, les baptisant. Quand tu prêches quelqu'un, tu peux le baptiser. Pourquoi? Parce que dans ma religion, les femmes en général, parce que maintenant elles sont pasteurs, mais la femme en général, elles baptisent. Ça c'est dans ta religion maintenant. Maintenant, dans ta Bible maintenant. Un droit t'est donné de baptiser. Bon, maintenant, la Bible, cette Bible-là dit à ceux à qui on a dit allez, on leur dit de baptiser en faisant les disciples. Donc, quelqu'un ne peut pas non plus en même temps dire, on nous a dit d'aller et en même temps dire que non, je ne peux pas baptiser. Ça n'a pas de sens. Parce que ceux qu'il a choisi, il les a établis et il les a envoyés pour aller pour porter des fruits. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Non, j'arrive. Garde-toi une question. Il doit avoir le problème. Oui, ok. On prend alors. Nous sommes sur le baptême, nous sommes sur la recommandation du Seigneur. Oui. Est-ce que quand l'Éternel se révèle à un homme, homme avec grande tâche, est-ce qu'il choisit de se révéler seulement aux hommes avec petite tâche? Quel style de révélation? Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, j'arrive. Dans le livre des Juges chapitre 13, Dieu a rencontré la maman de Samson avant de rencontrer Manoach, son papa. Il a rencontré que femme. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il dit, tu seras enceinte. Tu vas accoucher d'un enfant. Ne bois ni liqueur fort, ni prendre de boisson enivrant. Et le roseau ne passait pas dans sa dans bon. Elle a écouté. Elle a levé sa maman. Donc elle a la révélation de la naissance de Samson. Ça fait qu'elle désormais soit sa prédicateur en Israël. La prédication est réservée aux sacrificateurs et aux sacerdotes. Donc ça ne change pas. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a le ministère d'enseignement. Il y a le ministère des prophéties. Il y a le ministère des prophètes. Il y a des révélations. Quand vous lisez le livre des deux rois, chapitre 4, vous connaissez l'histoire de Naaman. Naaman était un Syrien, un général syrien qui avait les lèvres. Chez eux, dans leur maison, se trouvait une petite fille d'Israël. On dit la petite fille d'Israël. Cette jeune fille d'Israël qui avait été mise en captivité. Et là, elle avait sa maîtresse. Elle a dit que si seulement si mon Seigneur était en Israël et chez l'homme de Dieu, sa lèpre finirait. Dieu a donné la révélation au travers de cette jeune fille que si Naaman va en Israël, sa lèpre sera guérie. Finalement, elle finit par aller là-bas. La lèpre a été guérie. Ça ne fait pas que désormais, elle est songeuse et le ministère de conduite. Je ne sais pas si on se comprend là maintenant. Donc, avoir une révélation, un son de Dieu ne t'établit pas dans un ministère en tant que femme. Tout à fait. Voilà. Je peux continuer maintenant? Amen. Voilà. Alors, donc, lorsque nous continuons comme ça, dans ce Matthieu chapitre 28, le verset 18 maintenant dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, la question c'est, à qui s'adresse? Aux 11 apôtres qu'il avait choisis. D'accord? Faites des nations des disciples, les baptisant. Donc, on fait des disciples en baptisant. Mm-hmm. On ne fait pas des disciples en disant que, réfléchissez quand vous allez vous baptiser en avril. Mm-hmm. Parce que les disciples, c'est ceux qui sont les disciples de Jésus. Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est qualifié pour être baptisé. Et donc quand vous les baptisez maintenant, après cela, enseignez-leur à observer. Parce que Dieu a donné le ministère d'enseignement aux apôtres. Parce que c'est le ministère d'enseignement. Écoutez maintenant. le ministère d'enseignement, c'est le ministère de conduite et d'autorité spirituelle. Amen. Et donc l'autorité dont a été refusée à la femme de conduire les gens. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le problème de sa féminité. C'est le problème de la position et de l'ordre dans le gouvernement du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous fâchez pas, vous devez plutôt rire. Parce que maintenant, quand vous indiquez l'endroit où vous trouvez dans la Bible, à partir de cet instant, vous aurez des problèmes. En tout cas, il y a les enseignements concernant cela. La place et le rôle de la femme dans la Bible. D'accord? Il y a un enseignement de 4 heures. En première partie, deuxième partie, c'est disponible, vous pouvez prendre. J'explique dans cet enseignement-là la place de la femme avant la loi, à la création, à la chute, sous la loi, sous la grâce et dans l'éternité. Donc tout est là. En prenant tous les exemples de Hulda, de qu'on vous appelle la femme samaritaine, la femme ce qui a vu Jésus avant ressuscitant, tout cela. D'accord ma soeur? C'est pour ça que tout le contour de la Bible, là, tous les angles, j'ai traversé là-bas. Un Timothée. Comment ma soeur? Voilà, un Timothée. Tout le concours. Tu vois, regarde, voici par exemple une pensée. Ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier lieu. Oui. Quand on voit Jésus, on devient prédicateur. Eh ma soeur. Il les a envoyés aller dire à ses disciples. Il a envoyé aller dire quoi? Que je suis ressuscité, oui, que précédemment en Galilée. Est-ce qu'elles sont allées faire cela? Non. Elle a dit à qui? Aux disciples. Est-ce qu'elles ont vu quelqu'un dire, hey, Jésus est ressuscité là? Non, pas fait cela. Ils sont allés dire exactement ce qu'il en est et c'était terminé. Absolument. Et nous sommes en 2019. Ça n'a pas changé. La parole de Dieu est même aujourd'hui. Hier, en 2019. Les temps ont changé. Non, les gens périssent dehors. Vous savez, j'ai une chose, hein. Dans ma marche vers le Seigneur, je sais qu'on ne discute pas la parole de Dieu. C'est cela que j'essaie de me retenir, mais ça ne me laisse pas. Courage. J'essaie de me retenir parce que je sais qu'on ne discute pas. C'est pas chrétien. Oui. C'est pas bon de discuter même avec un homme de Dieu ou bien. Auparavant, à l'Ancien Testament, les femmes ne parlaient pas au milieu des hommes. Même dans le Nouveau. Non. Même dans le Nouveau, ça se dit. Le Seigneur Jésus est venu abolir un peu ceci. Je veux dire, ça, c'est que lui, il prend tout le monde, il cause avec tout le monde. Dans ce cas, pourquoi, mais à l'époque, dans ce cas, pourquoi, mais dans ce cas, pourquoi il n'a pas appelé au moins une femme dans le milieu pour pouvoir briser le ciel indien? Nous voici. Non, je dis en tant qu'apôtre. Là, c'est 12 apôtres. Nous voici. Tu es apôtre alors. Je suis 1 Timothée chapitre 2. On y va? Qui va nous lire ça à haute voix là maintenant? Je vais donner le verset. Qui va lire vraiment le verset à haute voix? Oui, lis-nous le verset. Prenons à partir du verset 12 et 13. Voilà, les versets 12, 13. Allons-y. Écoutez très attentivement. Volume. Chapitre 2, verset 12 et 13. Allons-y. Alors, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car. Stop. Car, ça veut dire quoi? Car introduit quoi? Car. Il dit car si. Quand il introduit car, il veut dire le pourquoi. Il y a une interdiction, pas vrai? Donc, ça dit le verset qui va venir, il va expliquer le pourquoi l'interdiction. Ok, je crois que là, au moins, on est d'accord. Continuons donc. Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Stop. Donc, la prééminence. La prééminence de l'autorité est donnée à l'homme en vertu de son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est sacré devant Dieu. Ouais, le simple fait que Dieu a créé l'homme en premier, la femme ensuite, donne automatiquement l'autorité à l'homme. C'est la première des choses. Ça, et là, c'est le Nouveau Testament. Donc, vous n'allez pas dire que c'est l'ancienne coutume. C'est le Nouveau Testament. Il dit que c'est l'explication du pourquoi la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité sur l'homme. Parce que dans ce volet, dans le verset 12, il y a deux choses. Ni enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme. Elle ne peut pas prendre l'autorité parce que l'autorité est déjà établie par le droit de naissance. Ouais, ça n'est-ce pas? Pourquoi il ne doit pas enseigner? Continuons. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Stop. Parce que la première parole, elle n'a pas tenu. Et c'est pas Adam qui a été coupable de la parole. Donc maintenant, la parole lui est refusée. Que Dieu te bénisse, frère. Viens vous asseoir. Néanmoins, le solide fondement reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Dit la Bible. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc Dieu a ses paroles. Le sceau, on ne peut pas changer. Donc vous comprenez qu'en réalité, il n'est pas question de la connaissance de la parole pour annoncer. Parce que si quelqu'un connaît la parole plus que tout le monde, la Bible déclare que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et que cette personne se dit à deux femmes, il connaît les sciences de tout le mystère. Il explique la Bible un peu comment la Bible lui interdit d'être ancien. Tout simplement parce qu'il a deux femmes. Parce que la condition de l'ancienneté, il ne respecte pas. Maintenant, s'il dit aujourd'hui que non, nous sommes en 2019. Je peux quand même enseigner la femme parce que j'ai la connaissance. Mais frère, la connaissance, c'est pourquoi tu fasses quoi de cela? Tu vis, que tu vives ça. La connaissance là, c'est pourquoi tu vives ça. Dieu n'a pas besoin d'un être humain pour sauver un être humain s'il veut. Il saute n'importe qui qu'il veut. Amen. Quand l'ennemi éthiopien était là, allé à Jérusalem, quand il avait adoré de Jérusalem jusqu'à ce qu'il sorte, il rentrait, non? Mm-hmm. Mais l'église était à Jérusalem. Mm-hmm. Les apôtres étaient à Jérusalem. Il était dans le désir, que Dieu dépêche Philippe qu'approche-toi vers ses chars. Quelqu'un savait qu'il y avait un ennemi éthiopien qui était venu en ville. Mais le Seigneur connaissait ce qui lui appartient. D'accord? Quand ils étaient là-bas en Jopé, là-bas, ils savaient qu'il y avait un monsieur là-bas qui prie chaque jour, appelé Corneille. Là, Dieu a délégué un ange qui sort du ciel pour venir dire que va là-bas prêcher. Vous avez vu cela? Mais là aujourd'hui, c'est que les gens aiment les hommes plus que Dieu. Il dit, ouais, les hommes périssent ici dehors. Dis à ton voisin, suivez d'abord ton dedans. Dis à ton voisin que suivez d'abord ton dedans. Les gens ne périssent pas seulement dehors. C'est dedans d'abord que ça commence. Donc vérifie d'abord chez toi. Est-ce que toi-même tu es d'abord dedans? Vous comprenez? Donc les gens disent, non, allons prêcher, allons annoncer. Dieu t'a envoyé où? Dieu t'a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tu as de faire ton propre travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors Dieu doit devoir t'appeler, t'envoyer, parce qu'il y a un besoin qui est là. Il y a donc les gens qui doivent aller prêcher. Dans Romains chapitre 10, il dit, comment donc croirons-tu à ceux qui n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendons-tu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ignorera-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les prédicateurs doivent être envoyés afin qu'ils prêchent pour que les gens qui sont censés croire. Si vous n'êtes pas encore... Vous n'avez pas de prédicateur, vous n'avez pas été envoyé. Tout ce que tu dis, c'est pour ton grand-père, ta papa et pour ton maman. C'est comme ça, c'est aussi simple que possible. D'accord? Et donc là, la Bible déclare dans Luc chapitre 10, il a dit, si vous voyez que les gens périssent dehors, vous avez trop pitié d'eux. Il a dit, la moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Ne dis pas que Seigneur, mais les gens périssent, m'avaient les sauver. Tu sais comment on sauve? Tu crois qu'en disant à quelqu'un que Jésus est mort sur la croix pour toi, il dit oui, je sais cela. On a vu ça dans les doctrines. Il est mort sur la croix pour toi. Mais ça fait que la personne soit sauvée. Il faut que le salut lui soit accordé. Il faut que la grâce lui soit appliquée dans sa vie pour que ça soit justifié. Si ce n'est pas le cas, tout ce que tu vas faire là, c'est des histoires. D'accord, frère? Tite, chapitre 2. Ne vous fâchez pas. Tite, le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez les plus petits enfants là, s'ils ont des biscuits à manger, qu'ils mangent de l'eau, parce qu'ils ne peuvent pas supporter comme nous. Je ne sais même pas quelle heure. Il est quelle heure maintenant? Combien? 15 heures déjà. Seulement. Donc. Mais ça se passe bien, non? Amen. On peut continuer. D'abord, depuis on a un séance de questions-réponses. J'aimerais que ce soit une femme qui lise. Parce qu'elle va lire, là-bas, elle ne dit pas que c'est moi qui ai dit. Voilà. Le chapitre 2. On y va, ma soeur. Tu peux nous lire le verset 3 à haute voix d'abord. D'accord. Chapitre 3. Chapitre 2. Verset 3. À haute voix. Hein. Il est écrit. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'expérience l'extérieur oui. Qui convient à la sainteté. Stop. On parle de qui ici? Il dit qu'on parle au qui? Quelle force quoi? Qu'elle doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a une sanctification à l'extérieur. On doit dire ça aux femmes. Maintenant, si c'est écrit dans le Nouveau Testament qu'on doit dire cela, c'est une marginalisation. On les conseille pour qu'elles soient meilleures devant le Seigneur, pas vrai? On ne doit pas considérer les exigences et les choses que Dieu lui-même a établies comme étant des marginalisations. C'est seulement que chaque personne doit. Imaginez que dans la maison, vous tous, vous êtes chef à la maison. Personne ne peut donner, c'est pas recommander à personne. Qu'est-ce qu'il y a de foyer vous aurez là? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne l'ordre, d'autres qui suivent. Dans une entreprise, tout le monde n'est pas directeur. Il y a des gens que vous allez arriver au matin, c'est eux qui ouvrent le portail. Ils ne pas dire que moi-même je suis le directeur ici, toi-même ouvre le portail. Parce qu'il est fait pour ouvrir le portail. D'autres personnes sont faites pour nettoyer, d'autres personnes sont faites pour leur. Et c'est cette cohésion-là qui fait que l'entreprise fonctionne. Tout le monde ne peut pas occuper le même poste, d'accord? Alors il dit que dès que les femmes âgées doivent. C'est le mot doit là introduit quoi? Une obligation ou bien une. Donc c'est un commandement pour vous de vous habiller bien, n'est-ce pas? Pas les cuisses dehors avec les femmes dehors, comme le roux machiné, comme c'était les sardines, pas vrai? Voilà. Qu'elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la. Donc il y a une sainteté qu'on doit regarder à l'extérieur. Quand on regarde, on doit voir que vous êtes saint, pas vrai? Continuons. Naître. Comment, maman? Dit que les femmes. Verset 3 encore. Dit que les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur. Non, tu as sauté un mot. Non, il y a aussi. Dit que les femmes âgées doivent aussi. Voilà. Pourquoi on dit aussi? Parce qu'en réalité, les gens, quand les pasteurs ne veulent pas vous prêcher, ça dit que Dieu regarde seulement au cœur. Mais on dit que doivent aussi. en plus de votre cœur, parce que votre cœur, c'est la source des Congosa. Il faut relever, il faut d'abord nettoyer le Congosa qui est à l'intérieur. Dans 1 Pierre chapitre 3, on dit que les mèches ne passez pas le temps à mettre la mèche sur votre tête là, ne passez pas le temps pour faire cela. Vous devez passer le temps plutôt avec votre cœur pour que Dieu nettoie, parce qu'il veut un esprit doux et paisible. Pourquoi Dieu spécifie les femmes? Parce que votre cœur là, c'est le cœur que si on ne veut pas, vous allez prendre le pouvoir. Vous comprenez? Alors, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Doivent aussi. Gardez bien le mot aussi. Parce qu'on dit aussi, subitement, on dit aussi. Aussi pourquoi? Parce qu'en réalité, il a traité le cas du cœur dans 1 Pierre chapitre 3. L'intérieur et l'extérieur. N'être ni. Ni médisante, ni à donner au vin. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Stop. Nous commençons à voir ici les obligations des femmes. C'est les femmes ou c'est pas les femmes? Les femmes. Voilà. Qu'elles doivent donner quoi? Des bonnes. Donc, moi, en tant que femme maintenant, je vais dans la Bible, dans la méditation, je prends mon cahier, j'écris quel est mon rôle en tant que femme. J'ouvre l'endroit, on parle de moi de façon spécifique. Il dit que la recommandation du Seigneur pour moi dit, je dois donner des bonnes instructions. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare aux enfants de se soumettre aux enseignements de leur mère. Alors, ça veut dire que Dieu va demander des comptes sur les enfants qu'il m'aura donné en tant que femme pour que je puisse les grandir dans la voie du Seigneur. Parce que le papa est généralement à la maison. Donc, la gouvernance de la maison revient à la femme. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, j'écris donc sur mon cahier, en tant que femme, voici ce que je suis censé faire. D'abord, un, mes obligations dans le Seigneur. Vous voyez, hormis la grâce, le salut que nous avons maintenant, il y a une obligation. Tout le monde a les obligations. De façon spécifique, on a commencé par les vieillards. Maintenant, on tombe sur les femmes âgées. Maintenant, on dit que ces femmes âgées, parce que ce sont des conductrices, elles doivent, je veux que vous gardiez bon le mot devoir, elles doivent donner les bonnes instructions. Donc, voilà un commandement pour une femme qu'elle doit faire. Une obligation. Pas vrai? Elles doivent donner de bonnes instructions aux. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Stop. D'apprendre aux jeunes femmes. Maintenant, je vous pose la question. D'où est-ce qu'elle doit prendre elle-même ces bonnes instructions? C'est bon, parce qu'on n'a pas dit les instructions. Si on dit les instructions, tout simplement, elle pourrait avoir n'importe quelle instruction elle donne. Mais on a dit bonne instruction. Et cette instruction, ces instructions aussi ont un but précis. Pour améliorer, façonner la jeune femme aussi à avoir un foyer qui est image du sien. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit que non, on marginalise les femmes. Non, vous commencez à voir le monde, c'est difficile pour vous là, non? On arrive. Donc, vous voyez que, il dit ici, Paul, par le Saint-Esprit, en train de donner aux anciens, ou mieux encore à Tite, parce qu'il dit que j'étais laissé en Crète selon mes instructions que tu établis les anciens d'église. Quels étaient les anciens d'église? Ils relaient les mêmes enseignements qu'ils doivent enseigner. Dit que les anciens d'église doivent faire ça. Dit que les vieux doivent être. Dit que. Il appelle ça la sainte doctrine. À ton entête, là, qu'on a écrit quoi? On a écrit quoi sur, à l'entête? Il n'y a pas l'entête dans ton Bible. L'instruction est transmettre. À transmettre aux chrétiens. Voilà l'instruction à transmettre aux chrétiens. D'accord? D'autres versions parlent de l'instruction à la sainte doctrine. Voilà ce qu'on appelle la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine montre clairement tous les aspects de la vie, comment nous allons vivre pour plaire à Dieu sur la terre. Alors, donc, voilà l'un des aspects. Donc, dans cette sainte doctrine, il y a l'aspect qui concerne les enfants. Enfants, Éphésiens chapitre 6, enfants. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Voilà les enfants. On donne les instructions. Père, n'héritez pas vos enfants. Le père du foyer, on donne. Il y a les instructions. La femme, voici ta part maintenant. Les hommes, ne soyez pas des soulans, ne bougez pas comme. Voilà, il y a leurs instructions. En vivant tout cela, on doit dire cela pour que les gens, chacun range sa vie. Chacun dans son cadre. Maintenant, il n'y a pas d'instruction d'inciter les soeurs à devenir riches, ni d'inciter les soeurs à se marier, ni d'inciter les soeurs à être prédicatrices. Il n'y en a pas dans les Saintes Écritures. Mais au contraire, c'est ce que la Bible nous a demandé de dire. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant ni à donner au vin, mais être quoi? Mais qu'elles doivent, gardez bien le mot, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but quoi? D'apprendre aux jeunes femmes à comment? À donc, donc tu vois qu'il y a des enseignements enseignés à celle-ci, comment elle doit aimer son mari plus tard? Et leurs enfants. A été occupé, a été quoi? Continue. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Oui. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Souligne dans ta Bible. Souligne. Non, soit tu soulignes, soit tu déchires. Pourquoi? Parce que tu veux plus voir ça. Parce qu'on dit qu'on on dit aujourd'hui. Non, attends d'abord, je dis. Les femmes disent aujourd'hui, comme tout à l'heure, tu as dit, que on voulait dire qu'on doit s'occuper aux soins domestiques. C'est moi qui ai écrit ça là-dedans. C'est les hommes qui nous ont fait ça. Hein? Ah, dans ces gens qui ont écrit ça. Non, c'est les, dans la vie courante. Oui, c'est l'homme qui dit quoi? Que va aussi te débrouiller. D'ailleurs. Oui. Lui, il est chrétien. Non, les hommes en général. Elle veut dire qu'en principe, c'est pas écrit que la femme doit travailler. Normalement, la femme ne doit pas travailler. Voilà. Non. C'est là justement, on touche maintenant la foi en Dieu et l'expectative avec lui. Exactement. Maintenant, vous dites, ok, le contexte veut que non. Si tu travailles, il faut que tu payes la quittance, tu payes l'eau. Mais vous êtes où là? Vous êtes en plein Babylone. Mais c'est ça qui nous fait qu'on. La chose maintenant, c'est que si vous avez compris, maintenant, vous voulez faire ce que Dieu dit. Rentrez maintenant devant Dieu. Seigneur, je vais faire ta volonté. Et voir comment Dieu va pouvoir pour le foyer. Vous voyez? Maintenant, ceci ne vous incite pas de ne pas sortir. Une femme peut faire dans le prophète chapitre 31, la Bible déclare la femme sage, elle donne les ordres à sa maison. Elle prend ceci, elle saisit, elle achète un champ, elle fait ça. Donc ça ne vous empêche pas de faire votre business. Mais le problème, c'est que même si vous faites n'importe quoi, l'image doit être que vous ne devez pas vous déchoir de votre grâce et de votre obligation qui a été donnée. Parce que imaginez par exemple que vous allez faire un travail en tant que femme qui vous fait permettre de rentrer à 22h. Votre mari rentre, celui qui vous ouvre la porte. Vous avez un problème ici. Où est-ce là? Les enfants, en voyant que les enfants ont dormi, et elle dort avec les nounous. La majorité des nounous sont les sorcières. Quand vous partez, l'enfant confond, vous appelle grande soeur, il appelle nounous maman. Vous voyez là on en est. L'éducation qu'on a donnée à votre enfant, l'enfant a été rejeté. Tout simplement parce qu'on a dû courir derrière l'argent. Quand Dieu donne ces choses-ci, n'est-il pas puissant pour pouvoir? N'est-ce pas lui a dit que ne vous inquiétez pas du lendemain? Ce sont les inquiétudes du lendemain justement qui nous poussent dehors comme ça, aller chercher les autres. L'argent aux trans. Faisons confiance à Dieu. Désormais, dites-vous que je vais servir Dieu comme il se doit. Je fais ce que j'ai à faire et puis si Dieu me donne la grâce de sortir, je sors et puis il rentre, mais que rien ne me contrôle à partir de l'extérieur. Et voyez ce que Dieu va faire. Mais le problème, c'est qu'on touche un peu le commandement de Dieu une fois, on sort dans le monde trois fois. On touche un peu le commandement une fois, on sort dans le monde quatre fois. Dieu ne joue pas le ping-pong. Vous comprenez, frère? Alors, il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Regardez les champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un d'eux. On prend la gloire de Salomon, qu'on bat aux herbes, frère. C'est terrible. On prend la gloire que Salomon a eue, ou personne n'a eue jusqu'à sa mort, on compare aux herbes. Donc les herbes que vous voyez là, les fleurs, quand vous voyez les fleurs ibis avec les trucs rouges, on dit que ça dépassait la gloire de Salomon. Il dit, si Dieu revêt ainsi, Dieu revêt. Ainsi l'herbe des champs qui sera préjectée dans le feu. Comment ne vous revêtirez-vous pas, gens de peu de foi? Et moi je vous dis, ne vous souciez pas du lendemain. Ouais, on va manger quoi demain? Tu poses la question, tu dis que tu es un païen. Le lendemain aura soin de l'humain. À chaque jour suffit sa peine. Mais nous connaissons ces versets, mais dans la pratique, on dit que non, mon ami, il faut garder la nourriture pour demain. On a des problèmes, pas vrai? Alors ici, il dit, les différentes choses que la femme doit faire, c'est qu'il y a des virgules qui se passent là. Bonne, soumise à leur mari, occupée aux soins domestiques. Après ça, il dit quelque chose. Occupée aux soins domestiques. Soumise à leur mari. Stop. Non, ne coupe pas ma soeur. Il dit qu'après ça, il y a quelque chose. Donc, les femmes âgées doivent être des exemples de soumission. Et relayer ces exemples de soumission à leur mari. Tu sors, je sors. Tu crois que tu es qui? Tu mets mon sac dehors. Je mets ton sac dehors. Hey! Vous vous trouvez où là maintenant? Babylone. En plein Babylone. Donc il y a l'enseignement sur la soumission. Et ici, Dieu donne l'obligation aux femmes âgées. Maintenant, regardez bien, il y a une implication. Cet message ou commandement explicite veut dire implicitement que la femme doit vivre d'abord cela. Donc les femmes âgées doivent être des modèles. Où est encore là on se retrouve? Donc les femmes âgées doivent être des modèles elles-mêmes pour relayer cela. Mais maintenant, si tu portes le collant, avec les fesses, tu bombardes les fesses comme les noix de coco qu'on a emballé comme ça. Quand la fille va devenir devant toi avec le sexe, tu dis, maman, vous savez, en 2011, j'ai vu un enfant qui était habillé. Vous voyez comment vous, les femmes, vous allez au marché, vous allez acheter les habits sexuels à vos enfants. Vous inspirez ainsi l'esprit sexuel sur vos enfants sans vous en rendre compte. Parce que c'est à vous de commencer à les habiller comme se doit. Mais comme vous avez vu les sexes, si je porte mon enfant, il faut porter des robes aux enfants comme des grands-mères. Ne porte pas. Porte donc pour Jézabel. Et quand elle va grandir, quand elle commence à sortir avec le voisin, ne dis pas que non. Qui t'a appris ça? C'est toi qui lui as donné l'éducation. Parce que la Bible nous a dit comment tu dois l'éduquer. Mais en commençant par comment? Parce que les premiers exemples que les enfants voient, c'est les exemples visuels. Alors quand il va voir ce que tu fais, il veut faire comme toi. Porte tes sexes, tu sors. Quand tu vas partir, vous allez voir votre rouge à lèvres. Il va prendre le rouge à lèvres, mettre ça sur ses yeux comme ça là. Sortir comme ça, vous allez voir l'enfant comme ça, avec le rouge à lèvres. Parce qu'il te voit, faire. Donc vous en avez donné les éducations à vos enfants, ça vous rend compte. Donc alors, par conséquent, vous devrez être d'abord vous-même des modèles. Parce que sinon, quand tu n'es pas le modèle, tu t'assois comme ça, tu sors avec les hommes dehors. Puis tu as la fille que non, soit se réveille ton mari. Il dit, mais maman, toi-même, c'est pas toi qui sois avec l'homme là-bas, dehors. Tu n'essaies pas de pointer le doigt pour dire que fais ce qu'il dit, ne fais pas ce que je fais. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 que les bergers qui pèsent le troupeau doivent être des modèles du troupeau. Bien plus, parce que vous ne faites pas ça pour plaire à cet homme-là, sachant que vous en avez pu faire ça pour le Seigneur. Et le Seigneur va amener chacun devant ses responsabilités. D'accord, mes chers? Donc, il dit que, bonne, soumise à leur mari, bonne, des bonnes femmes. Et la Bible révèle deux caractères de femmes, deux qualités de femmes. La Bible ne parle pas de deux qualités d'hommes. La Bible parle de deux qualités de femmes. La Bible parle de la femme vertueuse et la femme étrangère. Voilà les deux qualités de femmes que la Bible parle. Et ces deux qualités de femmes-là présentent deux styles d'église. L'église apostate des Actes, Apocalypse chapitre 3, 17, et l'autre encore l'église glorieuse, Apocalypse chapitre 19. Donc vous représentez une église comme vous êtes là. Si vous êtes sexy, vous êtes une prostituée. Comment ça, hey? Ah, c'est la Bible ça. Si vous habillez sexy, c'est l'église apostate. C'est elle qui s'habille comme ça pour séduire. Parce que la femme de l'église du Seigneur Jésus, dans Apocalypse chapitre 19, on dit qu'il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. La façon dont elle est vêtue sainte, c'est une église qui est parée pour la gloire de son époux. Quelqu'un qui couvre son corps pour plaire à son époux. Maintenant, une femme à la maison, elle s'habille n'importe comment. Mais quand elle est sortie, elle porte sexy. Pour aller montrer à qui? Vous me suivez? Bon. C'est que vous dites dans mon club, passe vite, non, passe vite quand même. Mais on est obligé de vous dire ça parce qu'on a dit là-bas que dit que, de choses obligées de dire que. Pas vrai, frère? Il faut qu'on dise cela. Parce qu'on a vu ici dès le départ que vous avez l'alliance contre le serpent, avec le serpent. Donc, et de façon subtile, le serpent vous utilise pour faire tomber les hommes sans que vous ne rendez compte. Donc, la femme, naturellement, d'abord, est au service du diable. Oui. Il va vous donner maintenant pour que vous compreniez. L'homme au service de Dieu. Attends, j'arrive d'abord pour l'homme. On arrive pour l'homme. C'est la femme dont on parle ici. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, le verset 1, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Dans un foyer qui est détruit, Dieu va demander compte à la femme. J'arrive. Laisse l'homme. On nous parle de vous. Ne vous défendez pas. 1 Pierre, chapitre 3, dit « Femme, soyez des mêmes soumises à vos maris, afin que si quelques-uns ne croient pas, même si vous avez des maris non-croyants, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Donc laisse ton mari qui est non-croyant, laisse-le, c'est toi le problème. Mm-hmm. Par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Mais au lieu de vivre chaste et réservée, les femmes qui sont mariées à un non-croyant, ils sortent pour aller servir le pasteur. Mm. Le mari se fâche. Un jour, il va vous couper là-bas à l'église, ayant raison devant le Seigneur. Ah. Tu avais perdu ton mariage comme ça. À 0 mètre comme ça. Voilà, continue toujours comme non, ça alors. Mais je suis obligé de vous dire donc maintenant pourquoi marcher comme Dieu veut. Donc, le fait que votre mari ne croit pas, écoutez bien encore ceci. Il avait demandé de choisir entre l'église et le mariage. Voilà. Tu as compris maintenant que le mariage est sucré. Pas de faire le mauvais choix, alors tu vois. Alors, tu seras en suivre les faux pasteurs qui sont gâter le foyer. Le pasteur normal te dira, soumets-toi à ton mari. Parce que Dieu n'a pas installé dans ton foyer le pasteur comme ton autorité. C'est ton mari. Tu vois cela? Alors, il dit, femme, que chacun de vous soit soumise à son mari. Comme au Seigneur. Il dit que même ceux qui ne croient pas, qu'ils soient gagnés sans parole. Donc, ce n'est pas crois non. Donne ta vie à Jésus. Il donne comment? C'est Christ qui est censé lui donner sa vie. Lui, il a que la mort. Qui donne ta vie à Jésus? Quelle vie? Il n'a pas de vie. Il est mort. C'est Christ qui donne sa vie. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Les femmes la suivent moi très attentivement. Amen, il faut qu'ils cognent encore un peu plus. Amen. Voilà. Non, ne cognent pas. Question pas bon, j'arrive. Dans le questionnement, ça va toucher. Maintenant, regardez très attentivement. Il dit, dans ce livre de 1 Pierre chapitre 3, il dit, afin que si quelqu'un ne croit pas la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de la femme. Donc, ça veut dire que votre conduite doit être questionnée. Maintenant, si c'est questionné, il dit, ayez non, c'est paru, ayez. Regardez bien le français, même si vous tournez un peu comment. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, oubliez les habits qu'on rêvait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour porter pour séduire ton mari qui va arranger la situation. Parce que c'est une situation de cœur à cœur. Mais la parure intérieure est cachée. Vous pouvez être une belle femme. Et la Bible nous déclare qu'un anneau d'or dans le nez du porc, c'est une femme qui est belle, mais insensée. Donc, si vous êtes une femme belle, vous êtes insensée. Regardez combien, quand vous allez voir les prostituées, vous allez voir que parmi les prostituées, c'est les plus belles des femmes. Mais leurs actions, c'est une action insensée. Vous voyez, la Bible déclare que c'est exactement comme mettre les boucles dorées sur le nez du porc. Parce qu'il va pousser ça dans le bout tout à l'heure. Mettez l'eau sur son museau là. Il va mettre ça dans la boue. Donc, c'est une femme à qui Dieu a donné une beauté qui ne sait pas comment c'est servi. Au lieu de prendre cette beauté là pour garder et cacher cela pour son mari, elle prend ça pour plutôt détruire les gens. Il peut parler. Ok. Alors, il dit, et non, c'est paru extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'eau ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux. L'esprit quoi? Je veux qu'une femme se présente en disant que mon esprit est doux. Mon esprit est doux. Non, il n'a pas dit que vous considérez ça. Il dit que je veux qu'une femme se présente et dit que mon esprit est vraiment doux. Il dit que, écoutez, doux et paisible. Et la Bible dit qu'il y a un grand prix devant Dieu. Deux fois, la Bible appelle, utilise le terme grand prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que vous avez été racheté pour un grand prix par le sang de Jésus. Ici, on dit, si vous parvenez à avoir l'esprit de paisible, c'est un grand prix devant Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Ça veut dire que le cœur de la femme, c'est le siège de l'iniquité du monde. Expliquez-vous. Je m'explique. Je ne m'explique pas. C'est ce que Dieu dit. Si c'est un grand prix devant Dieu, ça veut dire que Dieu prête une attention assez particulière à ce que la femme devienne comme ça. C'est l'attitude d'une femme vertueuse. Mais une femme, quand son mari dit un, elle a sorti 20 balles par seconde par la bouche. Après le soir, c'est qu'elle dit que, oh Seigneur, je taille tous mes ennemis. Oh, je saccage. Ton propre ennemi, ça se trouve à l'intérieur. Vous comprenez? C'est ici que ça se trouve. N'est-ce pas si vous me suivez? La Bible déclare, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec dans la même maison avec une femme querelleuse. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures? Oui. La Bible déclare qu'une gouttière de pluie, par le temps de pluie, et une femme querelleuse, c'est la même chose. Donc, déjà, les pluies, que ça tombe le matin, tu veux sortir pour aller au travail, ça t'empêche là. Ça ne veut pas finir là, c'est comme ça la femme querelleuse. C'est pas moi qui dis. La Bible déclare que j'ai trouvé parmi mille hommes, j'ai trouvé un homme. Même parmi toutes les femmes, il n'a pas pu trouver un seul. Donc, Salomon, quand il cherchait les femmes là pour avoir, il mariait beaucoup de femmes, parce qu'il cherchait la femme vertueuse, il n'a pas pu trouver. Jusqu'à ce qu'il est mort. Vous savez que Salomon n'a pas pu trouver une femme, ma soeur? Donc il est marié sans trouver sa femme. Avec les multitudes, il cherchait une femme. C'est pour ça qu'il faisait. Il a cherché même le concubin pour chercher si ça se trouve là-bas. Il n'a pas pu trouver. Il avait 1000. Il avait 700 femmes. Et 300 concubines. C'est lui qui nous dit. C'est lui qui nous dit là-bas qu'il n'a pas pu trouver. Ça veut dire que ça n'existe donc. Et vous savez pourquoi et ce qu'il a dit à la fin. Au chapitre 18, dans le verset 22, il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un don que Dieu lui donne. Dieu ne peut pas lui donner tout. Dieu lui a donné la sagesse, la richesse. Il lui a refusé la femme. Et pourtant, la Bible nous dit justement qu'à la porte de sa mort, ce sont les femmes là qui l'ont quoi entraîné à servir d'autres dieux. Pourtant, mais gardez-vous à l'esprit que la femme, ce n'est pas la caractéristique de beauté, parce que c'est pour les beautés. Elle, il mariait les princesses, les filles du roi. Ce sont les filles qu'on traite un peu comme un papa champ pour que les songos la coupent les mamans. Donc, ça dit que vos rouges allaient les maquiller, ça ne sert absolument à rien. On a dit qu'il parle, non? Ah, le papa, c'est comme ça. Alors, donc, Salomon dit qu'il cherchait la femme. Dans le livre, dans sa conclusion, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 26 à 26, il dit que parmi toutes les conclusions, il a examiné les choses une à une, en sondant, selon les sages que Dieu lui a donné. Et il dit que la conclusion qu'il est arrivé, c'est qu'il trouve plus amer que la mort, la femme. Donc, à la conclusion, la plus grave des situations qui puissent arriver sur la terre, c'est la femme dont les mains, c'est un filet, un piège. Dans son cœur, là, c'est un piège et sa main, un filet. Il dit, tout ce qui désobéit à Dieu tombe sous son charme. Donc, la femme qui est pervertie est dangereuse que la mort. C'est pas moi qui dis, c'est Salomon. C'est pour ça qu'il a donné son truc à titre posthume. Il dit, c'est pas derrière, vous trouvez une femme. Remerciez le Seigneur, c'est vraiment un don. Alors maintenant, je vous pose la question, vous maintenant, en tant que femme, réfléchissez bien. Il a marié les filles des rois pendant 700. Je cherchais même 300 concubines par derrière pour regarder avec les amis pour voir si elle n'a pas pu trouver. Si Salomon se réveille maintenant, il vous voit. Il vous prend une semaine à la maison. Il va vous dire que vous êtes ouf. J'aurais souhaité que c'est toi qui cherchais depuis. Alors, vous voyez que Dieu vous exige quelque chose. Le ministère des silences est un problème avec Dieu et les femmes. Le ministère des silences. Que la femme sache contenir. Cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est devant Dieu. Mais les hommes disent que, hey, femme, le don que Dieu a mis en toi, sors prêche. Dieu dit que lui, d'un grand prix devant Dieu, que tu sois silencieuse. Calme, doux et paisible. Mais derrière le silence, ne cache pas l'hypocrisie. Si j'ai un hypocrite, c'est celui qui voit parce qu'il y a la Bible qui sont de les cœurs et les reins. Alors, donc, vous voyez que les femmes ont un problème avec Dieu parce que dès le départ, elles ont pris alliance avec Lucifer. C'est ça le vrai problème. Vous avez été unis avec Lucifer dès le départ. Vous avez partagé ses attributs dès le départ. Et donc, par conséquent, il faut maintenant que vous preniez les exemples maintenant. Comme Sarah, écoutez bien maintenant. Comme Sarah, les saintes femmes. Comme Sarah qui a appelé son mari son Seigneur. Vous avez entendu, non? Si ton mari t'appelle Roméo, Roméo passe ici. Hey. Roméo passe ici. Ma robe que j'ai mis ici, qui a pris ça? Parce que c'est toi qui paye le loyer. Si le gars bavarde fort, tu le mets dehors. En Europe, c'est très grave. Tu t'amuses, je vais pas appeler la police. Mais qu'est-ce que c'est que celui-ci là? Parce que la loi européenne leur donne le droit au-dessus des hommes. Tu tentes, il te met dehors, il me l'appelle la police, il te met dans le froid. Pour ne pas aller dans le froid, tu es obligé de soumettre. Vous voyez un homme en train de lever le caleçon. Comment pour rentrer? Vous voyez le monde, n'est-ce pas? On a des problèmes. La loi européenne est en train de renverser la tendance. Et c'est ça qui va amener les déchéances. Parce qu'une société qui est dominée par les femmes, l'esprit de Jézabel régnera. L'ordre que Dieu a établi, vous ne pouvez pas aller contre cet ordre et vous en sortir devant le Seigneur. C'est pour ça que les femmes, vous allez voir que dans cette société, il y a plus de divorces. Il y aura plus de divorces. Ça, et ça ne va même pas maintenant, les femmes commencent à marier maintenant, même les chiens. Parce qu'au moins, les chiens ne peuvent pas déranger pour nous prendre l'argent. Oui, les serpents. Les gens marient les chats. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Et c'est ça que vous voulez admettre. Le féminisme. Le féminisme, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu, l'ordre que Dieu a établi. Le challenge contre le gouvernement du Seigneur. Alors, il dit ici qu'elle doit aussi apprendre aux jeunes filles comment aimer le mariage, être retenue chaste, occupée au sein domestique. Suivez les enfants, occupée au sein domestique, soumise avec le mari. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a une dernière volée qui concerne Satan. Ouvrons, nous sommes dans le chapitre 3, ma soeur. Vous voyez que ce n'est qu'un seul passage que j'ai pris, même pas encore plus tout le long passage. Tous les choix pour déployer cela. Chapitre 2, verset 3. C'est là qu'on nous on était dans des virgules. Bonne, soumise à leur mari. Il y a un don de refaire, après soumise à leur mari. Verset 5. Oui, lis, ma soeur. Si juste le baigner, la baignette trop pour afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Justement, c'est la chose la plus importante là-bas. Ok. Donc, d'après ce que nous venons de voir, si une femme ne fait pas ça, la parole de Dieu sera blasphémée. Maintenant, dites-nous maintenant. Voici là où Dieu vous attend. Si vous ne faites pas ça, la parole de Dieu est blasphémée. Maintenant, vous allez choisir maintenant entre servir l'homme ou bien Dieu. Fermez dans les Saintes Écritures. Fermez dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prend une pause et on revient. Buvez de l'eau, on arrive. Amen.